Merci beaucoup, Christian. Dans une autre séance, si un jour vous revenez sur la politique d'Aix, je pourrais revenir parler de Bicali, puisque je me suis fait virer de mon propre projet grâce à la dynamique institutionnelle que permettent les équipes Aix. Voilà, donc je ne m'occupe plus de Bicali, ça j'en parlerai volontiers parce que j'ai trouvé ça passionnant comme expérience. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, ça sera un peu... Ça fait maintenant un bon moment que je suis inscrite dans cette dynamique institutionnelle qui me conduit un peu à coordonner ce qui se passe, disons la partie de mobilisation qui a été générée, induite, animée par donc ce qu'on appelle le Comité national de la recherche scientifique, qui est donc cette institution adossée au CNRS, mais qui la dépasse, puisque les instances du Comité national, qui sont d'ailleurs de trois natures, d'où la notion de C3N, sont toutes composées à la fois d'élus et de nommés de toutes les catégories de personnel de l'ESR. Hein. Donc il y a à la fois des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui sont pour moitié CNRS et pour le reste de l'ensemble du système universitaire français. Donc moi je suis rentrée au comité national en tant que membre du conseil scientifique de l'Institut Sciences Humaines et Sociales du CNRS et puis les hasards ont fait que je me suis retrouvée coordinatrice de l'ensemble de ces instances. Ce qui est une position voilà, qui permet en fait d'être à l'interface à la fois des sections du comité national qui sont disciplinaires et qui s'occupent de l'évaluation et des recrutements des chercheurs, mais aussi des conseils scientifiques d'instituts et du conseil scientifique. Ce comité national, dans l'histoire de la recherche scientifique, de la recherche française et dans l'histoire du CNRS, a une histoire un peu héroïque. On l'a longtemps appelé le Parlement de la recherche. On peut dire aujourd'hui que si c'est encore un Parlement de la recherche, il a à peu près le même sort que le Parlement actuel, c'est-à-dire qu'il ne sert pratiquement plus à rien. Alors j'exagère, évidemment, tous ceux qui sont recrutés après être passés par les sections du comité national diront évidemment qu'il ne sert pas à rien puisqu'ils ont été recrutés. Mais pour l'essentiel, toute la dimension conseil et politique scientifique de ces institutions, de ces instances, a été complètement laminée par une forme de direction du CNRS et globalement de politique scientifique française. Et donc ces instances le vivent mal, et le conseil scientifique du CNRS, qui normalement a un certain prestige, c'est l'instance donc, qui est placée un peu en haut de la pyramide du comité national, qui en plus a pour caractéristique d'être composée à deux tiers, au moins la moitié de nommés, et donc est un peu moins une émanation du peuple, si on peut dire, qui comporte des membres industriels, des membres étrangers, vit de plus en plus mal le fait d'être là pour passer son temps à décider des éméritats, mais n'être même pas consulté quand le CNRS doit remplir son rapport à RES ou quand il dépose donc tous les documents de politique scientifique. Donc une espèce de révolte sourde, gronde dans ces instances. Donc la base dont je parle est une base qui est une base très institutionnelle, puisque globalement les rebelles dont je parle sont les rebelles qui sont tous dans ces instances, donc que d'autres considèrent comme pas très basistes. Ce qui veut dire aussi que toutes les initiatives qu'on a prises restent encadrées par un discours qui est quand même un discours très politiquement correct, que je peux beaucoup moins maintenir, que je peux maintenant maintenir un peu moins, puisque moi j'ai quitté mon mandat au CSI, il y a eu un renouvellement des conseils scientifiques d'institut, et je reste coordinatrice jusqu'au moment où la relève pourra être prise, c'est-à-dire que les nouveaux présidents de conseil auront été nommés. Donc je suis dans une espèce de vide intermédiaire, j'ai encore le titre, mais quelque part je n'ai plus de mandat. Ce qui me donne une certaine liberté. Et je viens de passer 4 années avec Patrice Bourdelais, donc j'ai besoin absolument de me défouler. Ça pourra arriver. Voilà. Donc, ça, c'est quand même vraiment le cadre général. Donc, il faut savoir que ces instances sont dans une espèce de tension permanente entre, à un moment, dire on devrait cesser de fonctionner. Hein, vous avez même sans doute entendu parler... des espèces de menaces qui planaient, de dire on va même plus faire les concours de recrutement, on va mettre en place un tirage au sort, puisqu'on sait de plus en plus que, étant donné le nombre de candidats et le nombre de postes qu'on distribue dans les sections du comité national, il y a un moment où il serait beaucoup plus juste sur ceux qui sont classés en A++ de tirer au sort que de continuer à faire des délibérations. Et à l'inverse, on a le sentiment que si on lâche les choses qui nous sont encore confiées ou qu'on a encore l'air de faire, quelque part on entérine la fin d'une dépossession complète du comité national. Donc cette tension, elle est permanente dans ce qu'on essaye de faire, à la fois essayer quand même de maintenir le rôle tout en sachant que quelque part on entretient alors l'illusion puisque ce qu'on fait n'a pratiquement plus aucun effet. Donc, au moment où le président François Hollande a été élu et un nouveau gouvernement a été mis en place, on était effectivement un peu tous dans l'espoir d'un changement, d'abord parce qu'on avait voté pour ça, globalement. C'est ce qu'on nous disait qui allait se passer. Et d'ailleurs, la alors ministre, puisqu'elle est depuis devenue secrétaire d'État, Geneviève Fioraso, a eu comme première démarche, pendant que François Hollande allait déposer une gerbe sur la stèle de Pierre et Marie Curie, elle s'est précipitée au conseil scientifique du CNRS pour dire à quel point la recherche scientifique et l'université étaient des priorités. Donc on y a un peu cru. Elle a tout de suite mis en place une procédure qu'elle a appelée les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a été une très très grande opération de consultation à tous les niveaux, tout azimut, qui a évidemment fait l'objet de beaucoup de critiques, puisque c'était des assises organisées par le ministère, donc elles étaient forcément très contrôlées. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de contributions, un site dans lequel on pouvait envoyer beaucoup de choses et qui était mis en ligne, même quand c'était assez critique. Et donc ces assises donnaient l'impression qu'on allait effectivement partir sur un autre pied. Dans le rapporteur général de ces assises était Vincent Berger, ancien président d'université, qui est aujourd'hui le conseiller recherche et université de François Hollande. Donc on avait l'impression qu'il y avait là la volonté de tenir compte d'un rapport que vous pouvez encore consulter, qui est en ligne, le rapport des assises, qui, quand on le lit aujourd'hui, semble avoir été écrit par un dangereux gauchiste, si on en croit les conclusions de ces assises, avec la place qu'occupe aujourd'hui Vincent Berger. Donc, au moment de ces assises, un certain nombre, beaucoup d'organisations, d'institutions, d'instances ont voulu contribuer, puisque ce qui était proposé, en plus d'invitations officielles à aller rencontrer le comité de pilotage des assises, il était proposé d'envoyer des textes. Et à ce moment-là, le conseil scientifique du CNRS a fait la proposition que nous contribuions et que non seulement le comité national contribue, mais la proposition a été faite à la direction du CNRS de contribuer ensemble. Ce qui paraissait à ce moment-là une opération très différente de ce que nous vivions jusque-là au sein du comité national, c'est-à-dire qu'on soit capable d'articuler des positions communes entre la direction et les instances du comité national. On avait vraiment l'impression qu'on ne parlait plus du tout le même langage. Cette opération nous a pris quelques temps, parce que de fait, entre le premier texte qu'on a proposé venu du comité national et celui qui est sorti de la machine à laver des négociations avec la direction, ça n'a pas été très facile. Il y a eu des moments même un peu émotionnels. C'est drôle, c'est assez intéressant de regarder les deux textes, parce que vous retrouvez des paragraphes entiers et vous voyez tout ce qui a été barré. Alors, en point de repère, dès que le mot « démocratie » est inscrit quelque part, le paragraphe saute. Alors que pourtant, on peut pas, voilà, les conséquences de mettre le mot « démocratique » en parlant de politique scientifique sont généralement quand même pas révolutionnaires. Et c'était comme une espèce de fil rouge, de mots qui posaient problème. Et nous, on insistait, puisque dans ce qu'on essayait de dire, c'est que ce qui nous paraissait être gravissime dans l'évolution de la recherche, c'était cette espèce de pilotage direct que maintenant la direction fait au fur et à mesure. Et que la démocratie, c'est notamment un processus délibératif qui, normalement... Alors, il y a des moments révolutionnaires, mais dans les moments délibératifs, le pilotage, normalement, donne moins d'à-coups. Ce texte, il y a eu finalement un texte que nous avons réussi à porter ensemble, malgré pas mal de frustrations, qui a été adopté et qui date donc de novembre 2012. C'est pour dire que le prolégomène de la plénière du 11 juin et ensuite de la fameuse lettre des DU, c'est depuis en fait le mois de novembre 2012 que nous rongeons notre frein en attendant de voir qu'est-ce qui sortait de ces engagements pris en commun entre la direction scientifique et nous. La direction scientifique avait laissé dans ce texte une chose que nous n'espérions pas qu'elle allait valider, c'est-à-dire déjà la revendication d'un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique. Autrement dit, le conseil scientifique du CNRS et l'ensemble des instances avaient déjà une conscience très claire du fait qu'un des problèmes qui allait se poser de façon urgente, indépendamment même de toutes les autres questions de l'ESR autour des regroupements, de toutes ces réformes, des appels à projets, c'était l'augmentation massive de la précarité et le risque à très court terme de se retrouver, étant donné la courbe démographique, étant donné la politique de remplacement des départs en retraite, exclusive des départs en retraite, on allait se retrouver devant un os très difficile à ranger entre 2013 et 2019 à peu près, c'est-à-dire l'impossibilité de recruter des jeunes. Bon, donc ce plan pluriannuel était indiqué dans ce texte, et c'est vrai qu'entre ce nouveau gouvernement et tout d'un coup les dispositions très ouvertes apparemment de la direction du CNRS, on a pensé que ça allait avancer. Assez rapidement, il s'est révélé que Geneviève Fioraso n'avait pas tout à fait l'intention de tenir compte des résultats des assises, Et surtout, on a vu très rapidement que la direction du CNRS, après ce grand moment d'ouverture, reprenait ses distances par rapport au comité national. Ça a été encore plus vrai à partir du moment où l'équipe Fuchs a été renouvelée l'année dernière. Il y a eu un moment encore un peu d'ouverture pendant que l'équipe était à renouvellement. À ce moment-là, elle souhaitait avoir l'appui de la communauté scientifique de façon à favoriser quand même le fait d'être conservée dans son poste. Voilà. Mais en tous les cas, on s'est rendu compte il y a quelques mois, à partir de janvier dernier, au moment donc où l'équipe a été renouvelée, que tout était refermé et que tout ce qui avait été annoncé comme étant vraiment la politique de la direction du CNRS, c'est-à-dire aller avoir un effet de présence et de mobilisation forte au ministère pour ce plan pluriannuel pour l'emploi scientifique, risquait de ne pas voir le jour. Le conseil scientifique du CNRS, qui est arrivé dans sa dernière année de mandat, donc il faut savoir, pour ceux qui ne jouent pas tous les jours avec les instances du comité national, ce que je peux comprendre, elles sont construites de façon étrange, pas totalement idiote au départ. Il y a d'un côté donc ces 40 sections, en fait 45 quand on rajoute les commissions interdisciplinaires, qui font les recrutements et l'évaluation, et qui sont composées pour 2/3 d'élus, 1/3 de nommés. Et puis ensuite, ils sont articulés avec les conseils scientifiques d'instituts. Il y a 10 instituts au CNRS, ça a été une des grandes réformes qui a justement contribué un peu aux situations dans lesquelles on est aujourd'hui, et le conseil scientifique du CNRS. Les sections et les conseils scientifiques et les conseils ne sont pas élus en même temps. Tout le monde a des mandats de 4 ans, pour l'instant, parce que ça va se compliquer, sans doute à court terme. Pour l'instant, tout le monde a encore des mandats de 4 ans, mais on est élu avec 2 années de décalage. Ça a un avantage, c'est qu'il y a une espèce de passation des dossiers et de connaissance en fait du terrain qui peut se passer entre les sections, les conseils scientifiques et le conseil. Mais ça a un autre inconvénient, c'est qu'on est un peu tout le temps en période de renouvellement. Donc le conseil scientifique du CNRS et les conseils scientifiques d'instituts ont été renouvelés au printemps dernier. C'est pour ça que moi je ne suis plus en mandat et qu'on attend que les nouvelles équipes s'installent. Pour la fin de son mandat, le conseil scientifique du CNRS a voulu avoir un séminaire pour un peu faire le bilan de ses années de frustration et essayer de savoir ce qu'il devait laisser derrière lui. Et de ce séminaire est sortie l'idée qu'il fallait absolument faire un bilan chiffré et mettre noir sur blanc le fait que cette revendication d'un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique n'avait pas été un moment d'aberration du mois de novembre, mais qu'elle correspondait à une réalité, qu'on allait se retrouver pour les jeunes que nous formions et qui se retrouvaient sur le marché de l'emploi avec un doctorat, on allait se retrouver dans des années épouvantables. Donc 2 textes ont été diffusés, j'étais même venue en parler de l'autre côté du boulevard au début du printemps dernier, qui sont, tous ces documents sont disponibles, je redonnerai les liens. Hein. D'une part, alors on avait joué aux chiffres et aux lettres, parce qu'au conseil scientifique du CNRS, il y a beaucoup plus de chiffres que de lettres, puisque c'est globalement beaucoup des vraies sciences, et on est quand même pas beaucoup de SHS. Donc certains ont travaillé plutôt sur un PowerPoint chiffré, et nous on a travaillé plutôt sur la mise en mots de cette affaire. Donc il y a 2 documents qui tirait la sonnette d'alarme de façon vraiment très brutale sur le fait que si on maintenait la politique de se contenter des départs de remplacer les départs en retraite, d'une part, on allait entériner une fonte douce des effectifs dans la recherche, à la fois des chercheurs, mais aussi des ingénieurs et techniciens, puisque chaque année, en ne remplaçant que les départs en retraite, on ne remplace pas tous ceux qui partent pour d'autres raisons. Or, il y en a. On quitte le CNRS, soit par maladie ou pour des raisons de cet ordre-là, mais aussi parce qu'on va dans d'autres parties de la fonction publique, voire on a monté sa start-up et on commence à gagner de l'argent. Et dans ces cas-là, on s'en va. Donc, il y a de toute façon cette érosion. Mais il y avait surtout qu'on est dans une période démographique où, de maintenant à 2019, les départs en retraite sont en train de s'effondrer, mais on va passer pratiquement de 1200 à 500 départs en retraite par an. Donc là aussi, la fonte est très très rapide. Bon, on a fait ces documents, on en a parlé, on s'est rendu compte que évidemment il n'y avait aucune réponse du côté de la direction du CNRS qui nous disait que la vie était très dure pour tout le monde et donc effectivement que ça allait être difficile, mais qu'on allait faire le gros dos et que dans quelques temps ça irait mieux. Et donc on a à ce moment-là sorti l'arme ultime du comité national, la réunion plénière. Donc la réunion plénière, les membres du comité national, ça fait à peu près 1200 personnes. Une réunion plénière, c'est pas facile à organiser, de faire venir 1200 personnes qui sortent de leurs activités pour venir discuter. Il n'y en a eu que 5 dans l'histoire du CNRS, et donc la proposition, c'est la réunion plénière. Cette réunion plénière, dans les statuts du CNRS, elle doit être convoquée par Alain Fuchs, par le président, hein, puisque le comité national est quand même sous l'autorité de la direction du CNRS, et que évidemment, quand on organise ce genre de réunion, c'est le CNRS qui paye. Hein, c'est lui qui paye les billets de transport des 1200 personnes qui viennent se réunir à Paris, qui louent les salles, etc. Donc, on a organisé à ce moment-là, alors c'est là peut-être pour parler un tout petit peu de la boutique, quand on a décidé d'essayer d'aller vers cette plénière, il n'y avait pas du tout unanimité sur cette question. Derrière les membres du comité national, il y a des syndicats qui, pour l'essentiel, présentent les candidatures. Il y a très peu d'élus au comité national qui ne passent pas par les listes syndicales. Grosso modo, il y a deux syndicats dominants. Du côté des ingénieurs et techniciens, c'est le SNTRS-CGT. Du côté des chercheurs, c'est le SNCS-FSU. Et puis, il y a un certain nombre d'élus du SGEN. Ça dépend beaucoup des disciplines. Et puis, voilà, quelques autres syndicats, mais hyper minoritaires. On s'est donc réunis, on a discuté. On aurait pu rester uniquement entre instances, mais les discussions se sont passées avec les syndicats. Et il y avait une très, très forte divergence entre la position du SNTRS-CGT, qui était pour une plénière tout de suite, et la position du SNCS-FSU, qui souhaitait plutôt qu'on attende. Nous, là, je parle du petit noyau qui était derrière cet activisme du Conseil scientifique, on était favorable à aller le plus vite possible, puisque c'est à l'été que devaient être validées un peu les prospectives budgétaires pour les deux ou trois années qui venaient ensuite. Et il nous semblait donc qu'attendre l'automne n'avait pas beaucoup de sens politique. Mais les arguments du SNCS, c'est que la mobilisation n'était pas prête. Alors là, c'est un peu l'œuf ou la poule, parce que si vous ne commencez pas à mobiliser et que vous attendez que les gens se mobilisent tout seuls. Donc on est passé, il y a eu une période un peu conflictuelle. Il faut dire aussi qu'il y avait des élections au printemps et qu'on, je vais dire que des choses méchantes dans le micro, qu'on suspectait un peu le SNCS d'être plus proche du gouvernement actuel et peut-être de ne pas souhaiter mettre dans la balance des perturbations au moment des élections. Mais ça, c'est uniquement, je suis passée au SNTRS-CGT, donc ce sont des opinions qui sont des opinions voilà, de compétition politique. Donc on a dit, qu'à cela ne tienne, on va faire un vote. Pour que le président du CNRS soit obligé de convoquer la plénière, puisque c'est lui qui la convoque, mais il est obligé si deux tiers des présidents de chacune des instances du comité national lui en font la demande. Donc deux tiers des présidents et présidentes, pardon, hein, des 45 sections, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, des 45 sections, des 10 CSI et du conseil scientifique. Alors, comme il y en a qui se recoupent, bref, il y avait à peu près, il y avait, je ne sais plus combien de votants, 45 votants, je crois. Donc on a organisé ce vote avec des petits effets qu'on n'a pas bien maîtrisés parce qu'en fait on n'a pas fait un vote à l'aveugle, donc les gens voyaient ce que les autres avaient voté, donc on voit très bien le moment où ça bascule, où une majorité commence à s'amorcer et où tout d'un coup tout le monde se met dans le rang. Depuis, dans les autres travaux qu'on a fait plus tard pour les DU, on est passé par d'autres outils pour éviter ces effets, et là c'est vrai qu'on n'avait pas bien mesuré. Bon. Donc la plénière a gagné, la plénière de juin a gagné, on a organisé la plénière pour le mois de juin. On a constitué un espèce de comité de pilotage de cette plénière dans lequel on a fait attention justement à équilibrer les forces syndicales, puisque une fois que la décision a été prise, le SNCS a totalement joué le jeu et donc a mis toutes ses forces dans la balance. À la fois donc équilibrer les forces syndicales, équilibrer les représentations des différents types d'instances, équilibrer les disciplines. Salut Pascal. Équilibrer les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les roux et les bruns, etc. Et ce comité de pilotage donc, s'est réuni pour essayer de réfléchir à l'organisation même de la plénière. Donc on a conçu. Une des choses qu'on a choisies à ce moment-là, c'est de vraiment mettre l'accent sur l'emploi scientifique. Ce qui est une question aujourd'hui qui, je crois, commence aussi à se décaler. Parce que plus ça va, plus on se rend compte que c'est difficile, en fait, de parler de l'emploi scientifique sans parler du financement par appel à projet, sans parler des budgets, sans parler... Mais l'idée, c'était qu'une spécificité de cette mobilisation-là, c'était celle-là, d'une part. Et l'idée, c'était d'organiser une plénière qui ne serait pas des assises, parce qu'il y avait une petite tendance, chaque fois qu'on réunit tous ces gens dans ces instances, c'est à chaque fois de refaire la totalité de la discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, où on va, etc. Or, on venait d'avoir des assises, il y avait eu avant des états généraux, donc on commençait à avoir quand même beaucoup d'éléments de diagnostic, et donc l'idée, c'était quand même de mettre l'accent là-dessus. Donc cette plénière a eu lieu le 11 juin, jour de grève de la SNCF. En ce moment, chaque fois qu'on organise un truc, c'est un jour de grève de la SNCF. Et ça nous réussit beaucoup parce qu'à chaque fois, les amphis sont pleins. Donc on espère que la SNCF va tenir bon et continuer à se mettre en grève. Donc on s'attendait au pire. C'était un vrai pari. Hein. Quand vous réunissez comme ça 1200 personnes qui viennent de l'ensemble de la France et que vous prenez un amphi qui est important, le matin quand ça commence, sincèrement, vous avez la trouille, quoi. C'est-à-dire que ça peut être vide, hein. Un peu comme une salle de séminaire ici, mais c'est vraiment, ça pouvait être très impressionnant. Et on a été très impressionnés de voir qu'on était complet. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a joué le jeu de préparer un texte sur lequel on a, pour le coup, le comité de pilotage, beaucoup travaillé en amont. Et ce texte a été distribué le matin, qui à la fois donc proposait un bilan autour de cette question de l'emploi et à la fois du chiffrage de ce qu'il faudrait demander et des modes de financement à mettre en œuvre. Ce texte, on l'a distribué le matin. Tous les gens qui se sont présentés avaient la possibilité de faire des propositions de modification de ce texte que nous avons déposé à midi. En vrai, il y en a eu à peu près 150. On a modifié le texte pendant l'heure de midi, on l'a resoumis à la discussion l'après-midi et on l'a mis au vote. Et de fait, le vote a été pour nous assez impressionnant puisqu'on a eu 468 votes pour contre 5 votes contre. Ce qui, là encore, n'était pas acquis au moment où on a commencé à faire circuler le texte. On avait en fait très peu d'idées de ce qu'était la tonalité de la réunion. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait en fait un vrai potentiel de mobilisation. Que les gens s'étaient déplacés alors qu'on était en juin, tout le monde avait ses examens, avait à finir son année académique, était en congrès pour ceux qui n'avaient pas d'examen. Enfin, c'était quand même un moment un peu difficile de réunir les gens. Et puis, ce qui se disait, c'est que les gens n'étaient pas d'accord globalement sur ce qu'il fallait faire. Or, ce texte a eu beaucoup de facilité et de succès. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a décidé, et ça a été décidé pendant la plénière, de missionner donc ce fameux C3N pour essayer de poursuivre les choses derrière et savoir que faire de tout ça. On a créé un site qui s'appelle Urgence Emploi Scientifique, qui existe toujours et qu'on entretient, que je vous encourage vivement à aller visiter. Vous y trouverez des éléments sur l'actualité très récente. On a soumis à pétition le texte qui était sorti, donc pendant donc qui avait été voté, et donc il a tout de suite très vite recueilli à peu près 10 000 signatures. Depuis, il continue puisqu'on est effectivement à 19 000 quelque chose. Bon, en vrai, il faudrait vraiment nettoyer le fichier parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont déjà signé, qui resignent. Donc, à mon avis, il y en a un petit peu moins, mais bon, je vais faire ce travail à un moment ou à un autre, mais là, on était un peu occupés. Voilà, et après, l'idée, c'était comment on continue. Donc comment on continue? En juillet, devait se réunir ce qu'on appelle la CPCN, la conférence des présidents de section. Donc c'est 45 sections qui ont toutes une présidente ou un président et qui se réunissent ensemble pour parler à la fois des problèmes d'évaluation, des problèmes de recrutement, des problèmes de politique scientifique à l'intérieur de leur section. Cette CPCN s'est réunie en juillet. Une des questions qui était posée, c'était est-ce qu'il ne faut pas à un moment justement mettre en cause la démission du comité national? Si vraiment la direction du CNRS ne nous aide pas à obtenir ce que nous demandons, est-ce que ça ne serait pas la meilleure chose à faire? Les conseils scientifiques étaient entre deux mandats, puisqu'ils allaient être renouvelés mais pas encore mis en place. Donc c'était sur les sections du comité national que posait cette question. Très clairement, la réponse était non. Alors, dans l'espèce d'architecture du comité national, les sections sont un peu celles qui font la cuisine. Hein. Passent parfois au comité national, si on est là pour tout dire, des gens qui ne sont pas syndiqués de très longue date, qui d'ailleurs ne seront plus très longtemps syndiqués après avoir été dans les sections, qui y vont quand même pendant un moment parce qu'ils s'intéressent à leur discipline, à leur laboratoire, qui veulent à un moment mettre la main dans ces évaluations, mais qui y vont plus pour des raisons... Ils ont directement de gestion de leur environnement proche, plus que sur des mots d'ordre, justement, qui sont plutôt des mots d'ordre syndicaux et de politique générale. Contrairement au conseil scientifique, où quand on est dans un conseil scientifique, on peut vraiment rien gagner, quoi. C'est vraiment le truc où on va discuter en se rendant compte que personne ne s'intéresse à vous pour rien, quoi. Donc on ne fait rien de concret dans les conseils scientifiques. Si on a envie d'être efficace, il faut aller dans les sections, mais pas dans les conseils scientifiques. Donc, la CPCN a très clairement laissé entendre qu'ils n'étaient pas du tout prêts à démissionner ni à faire la grève des concours, que ça leur paraissait vraiment une décision beaucoup trop brutale à prendre, même si à ce moment-là, on agitait le spectre de l'année blanche. Alors cette histoire de l'année blanche, c'est-à-dire d'une année sans recrutement, c'est grosso modo une rumeur dont on pense qu'elle vient beaucoup quand même plutôt des autorités, qui ont cette espèce de jeu d'annoncer toujours un peu plus catastrophique pour nous expliquer finalement qu'on est bien traité. Nous n'avons jamais dit qu'il y aurait une année blanche. On a simplement dit que les recrutements allaient continuer à baisser et que, surtout, ça n'allait pas se récupérer pendant les années qui venaient. Mais cette espèce de spectre de l'année blanche circulait. Et donc, c'était sur la question de l'année blanche qu'on aurait pu faire démissionner les sections, parce que s'il n'y a plus de concours, les sections ne vont pas se réunir, on est d'accord. Donc là, on n'en était pas encore là-dessus. Mais ce qui est sorti de cette discussion, ça a été la question de réunir les DU. Donc, dans l'histoire héroïque des mouvements de la recherche, SLR, hein, Sauvons la recherche, qui a été le mouvement de 2004, qui a laissé de l'espoir que quelque chose est possible, avait notamment fonctionné grâce à pas seulement la menace, mais l'exécution de la démission des directeurs de laboratoire. les directeurs de laboratoire dans l'univers de la recherche, c'est vraiment un peu le rouage essentiel du dispositif, puisque c'est les gens qui, quelque part, sont les seuls à avoir un pouvoir de blocage. Hein, le jour où les directeurs d'unité ne veulent plus signer tous les actes administratifs qui dépendent d'eux, quelque part, il y a beaucoup de choses qui se bloquent. Alors en SHS, on peut ne pas trop s'en rendre compte, parce qu'à la limite, on peut partir dans un congrès sans mission, on peut faire un certain nombre de choses pendant un temps sans trop d'actes administratifs. Mais pour tous ceux qui gèrent des laboratoires dans lesquels il y a des animaux à nourrir et des choses vraiment concrètes à entretenir au jour le jour, un directeur de labo qui signe plus les choses ordinaires de la vie quotidienne, ça arrête quand même directement le travail. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée, et les présidents de section du comité national qui disposent de l'ensemble des mails des directeurs qui sont régulièrement en contact avec les unités qui dépendent directement de leur section, leur ont écrit pendant l'été et on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour se réunir à l'automne pour venir discuter de la suite. Là aussi, on a reçu un très fort taux de mobilisation, c'est-à-dire qu'ils ont répondu rapidement, très positivement, en tous les cas un nombre important par rapport à ceux qu'on avait consultés. Donc on a décidé d'organiser la plénière des DU. Et là, je passerai la parole tout à l'heure à Sylvie pour raconter, vu du côté des DU, ce qu'a été cette histoire. Merci. Qu'est-ce qu'on fait Quelques questions. Oui, des questions. Il y aura un débat général, bien sûr, quand on aura parcouru toute cette geste jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être plus spécifiquement sur ce que Sophie vient d'exposer, il peut y avoir des questions d'information, des opinions. Voilà. Il n'y en a pas. Juste un élément d'information quand même sur l'histoire de la vie blanche, parce que ça a été présenté dans certains instituts, dans les réunions de DU de début d'année 2014. Donc, voilà, c'est entre autres partie de là où on nous a en fait présenté des projections, hein, avec les fameux plafonds et planchers d'emploi, machin, où il y avait il y avait des années blanches en termes de, enfin, il pourrait y avoir des années blanches en termes de recrutement. Voilà, on a toujours été dans un conditionnel. Hein, absolument. Effectivement, ça s'est passé en particulier à un moment à l'INSB. Et puis on sait que dans d'autres organismes, il en était question aussi, hein, et à l'INSUE. Mais globalement, on a quand même assez vite su que la direction du CNRS, on n'en était pas là. Hein, Attends, mais la direction était... Enfin, je veux dire, c'était quand même la direction de l'institut qui... Donc voilà, ils ont laissé... Enfin, bon, j'ai envie de dire qu'à un moment, ils ont un peu laissé... Même si, effectivement, comme tu dis, c'était pour le contrôle. Voilà, je pense que ça a permis très vite une... Alors, juste une chose pour dire aussi, de toute façon, ceux qui sont perdants complètement dans toute cette affaire et qu'on ne voit pas du tout, c'est tous les ingénieurs et techniciens du CNRS. Hein, parce que, comme les effets d'annonce font qu'on annonce toujours les postes chercheurs pour des effets de publication des postes en premier, qui veulent éviter justement des mobilisations, ils ont tendance à gonfler les effectifs chercheurs. Donc après, au moment où ils disposent vraiment des budgets et où on peut calculer les postes et les recrutements qui vont se faire en ingénieurs et techniciens, eh ben, il en manque toujours un peu. Alors on a un peu moins d'ingénieurs et techniciens. C'est doublement dramatique. Hein. C'est dramatique pour les labos, parce que sans ingénieurs et techniciens, on a quand même du mal à travailler. Et c'est dramatique en plus pour ceux qui sont en poste, parce que toutes les promotions sont calculées sur les recrutements. Donc pour les ingénieurs et techniciens du CNRS, il y a un effet cumulatif maintenant d'année en année qui fait que non seulement ils se retrouvent surchargés de boulot parce qu'on ne recrute pas d'autres gens, que les mobilités deviennent quasiment impossibles parce qu'un ITA qui laisse entendre qu'il va quitter son labo, c'est quand même un mauvais moment pour lui parce qu'on ne veut absolument pas qu'il s'en aille. Mais en plus, les carrières sont complètement bloquées. Moi, j'ai juste une question, je crois que tu l'as dit, mais les 1200 de la réunion plénière, c'est donc les membres de toutes les instances que tu avais citées avant, c'est ça? C'est ça, hein. Donc des 45 sessions et des 45... Alors il y a des recoupements, il y a des gens qui sont multipositionnés, qui sont à la fois dans un conseil scientifique et dans une section. Les commissions interdisciplinaires sont en fait prises dans les autres membres du comité national. Donc avec tout ça, ça fait que 1200. Sinon, si c'était arithmétiquement 22 fois le 56, ça ferait un peu plus, mais ça fait 1200. Et 550 personnes se sont présentées à la plénière. Ce qui était pour nous un taux de remplissage inespéré. Une question peut-être un peu idiote, mais je constate qu'il existe pas mal d'instances, CNESER et autres, où des gens sont élus ou nommés et travaillent énormément, et ceci pour délivrer des avis qui, la plupart du temps, ne sont pas suivis. Alors, quels sont les textes qui organisent la répartition des pouvoirs entre les différentes instances, et est-il possible d'essayer de changer cela, c'est-à-dire par exemple que le conseil scientifique est un pouvoir de décision, voilà, comme d'autres instances, non pas tout pour un et rien pour les autres, mais que la démocratie suppose, non pas peut-être des contre-pouvoirs, mais au moins des spécialisations, si on veut, des champs de décision qui appartiennent, qui sont partagés entre différentes instances. Comment a-t-on pu laisser filer ça au point d'avoir des gens qui représentent une démocratie d'opérette et qui pourtant travaillent tout à fait sérieusement et prennent sur leur temps pour rien, et qui, comment se fait-il que ce soit tellement admis qu'il n'y ait pas de, que personne ne soulève cette question, cette question prioritaire, alors pour le coup, en disant qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Mais voilà, il y a des textes, c'est le législateur qui décide de cette répartition, et puis ensuite. Alors pour le CNESER, je ne peux pas répondre, mais pour le comité national, l'essentiel dépend du décret. Du CNR, du décret qui réglemente le CNRS, et donc dès qu'on veut changer quoi que ce soit, on nous dit il faudrait changer le décret. Alors changer un décret, ça dépend pas de nous, donc nous on essaie de faire de la cuisine interne. Il y a des éléments de règlement intérieur qui dépendent, pour le coup, qui dépendent de l'autorité du président du CNRS, et par exemple on est en train normalement d'obtenir une réforme des règlements intérieurs des conseils scientifiques d'instituts pour les rendre un tout petit peu moins ridicules. Mais de toute façon, le mot d'ordre de toutes ces instances, c'est un avis consultatif. Donc tout ce que fait le y compris, et tout le monde le sait très bien pour ce qui est à la fois des évaluations des unités et des recrutements des chercheurs, et des recrutements dans les concours, de toute façon, les jurys du comité national sont consultatifs. Hein. Donc ils font des avis, ils classent, ils ordonnent, ils font le boulot, mais après on sait très bien que tous les ans, il y a des décalages entre ce qui a été proposé et ce qui est fait. Donc, mais chaque fois qu'on propose de changer ça, on nous dit « Ah ben non, mais c'est le décret ». Moi, j'avais connu ça à Sciences Po avant, on disait, ah bah, ça avait peur du décret. Donc. La question que te pose Michel est très très importante, parce qu'elle met en jeu un point majeur de la démocratie. Il y a une responsabilité directe du législateur dans le fait d'avoir transformé certaines instances qui étaient délibératives, décisionnaires, en des instances qui sont purement consultatives. Le CNESER, c'est effectivement grave, parce que quels que soient les votes du CNESER, ils ne sont que consultatifs, et dans la mise en place des fameuses communautés d'universités et d'établissements, les communes, la quasi-totalité des CTE, comités techniques d'établissement, se sont prononcés à l'écrasante majorité contre les communes. Et ceci n'a eu aucun impact, hein, aucun poids. Donc, poser aujourd'hui cette question politique hypersensible, stratégique, importante, de la répartition entre le consultatif et le délibératif, c'est très pertinent. C'est une question politique majeure et qu'il faut poser à nos députés, qu'il faut poser à nos ministres, et qu'il faut poser, peut-être commencer par poser au sein de nos établissements et de nos institutions. Et il y a probablement un combat à mener de ce côté-là, parce que le consultatif, c'est une arme à tuer la démocratie. Merci. Je vais donner la parole à Christian, mais je vais présenter Pascal Laborier et Sylvie April qui sont arrivés. Donc, comme ça, si elles prennent la parole, ça va être intéressant. Christian ? Mais juste une observation sur le mot démocratie, donc qui est rayé des textes. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans les dernières années et dans toutes les controverses qui sont développées, c'est qu'une partie du milieu scientifique abomine le mot démocratie. Puisque la science, on ne va pas voter sur la vérité. La science, c'est l'excellence qui détermine le droit à parler de la science et orienter la science. Ce n'est pas le vote du menu peuple Et moi, j'ai remarqué que des collègues, je ne prétends pas qu'ils soient extrêmement nombreux, mais ont développé sans vergogne ce point de vue au cours des années récentes. Une partie d'entre eux, par exemple, sont abrités par l'Institut Jean Nicot. Ce sont des spécialistes de sciences cognitives. L'excellence elle-même, n'est-ce pas? Quand on prend le jury du prix Claude Lévi-Strauss, institué par Madame Pécresse pour récompenser le meilleur d'entre nous en sciences humaines et sociales, 100 000 euros, c'est quand même une rémunération, mais fait qu'il n'est pas absolument négligeable, c'est un choc cash, comme ça. Eh bien, qui a nommé le jury? Eh bien, c'est l'Académie des sciences morales et politiques, une des institutions les plus dynamiques du champ, comme nous le savons. Donc, il y a quelque chose qui... quand l'Académie de médecine a critiqué le fonctionnement de l'ANR, c'est pour dire qu'elle devrait, dans son domaine, en biologie santé, nommer les experts. Donc, il y a une espèce de fureur, de nomination par les meilleurs, et la question devient qui sont les meilleurs, qui a fait partie du débat. Moi, j'étais sidéré d'observer ça. Voilà, je voulais simplement faire part de cette remarque. Et malheureusement, ça vient rejoindre aussi toute une série de critiques qui sont faites par une partie des collègues sur l'élection elle-même. L'élection, c'est les syndicats, des choses comme ça. Et on est un peu... on n'est pas assuré, quand on parle dans notre petit monde, de recueillir un accord évident sur le principe de la démocratie universitaire. J'ai remarqué ça. Est-ce que tu en penses de ce point de vue ? Je suis d'accord. Je pense que c'est un petit peu deux débats différents, je pense, même si, mais je suis absolument d'accord, hein, là, on a une vraie difficulté à faire valoir la notion de démocratie universitaire. Je pense qu'il y a un peu deux débats différents. Il y a quelque chose qui est très souvent mis en cause, c'est l'idée que les élections supposent l'intervention des syndicats. Alors, on peut dire que ça ne le suppose pas au sens où tout le monde peut se présenter dans ces instances sans soutien syndical, mais le résultat, c'est que vous n'êtes pas élu, sauf si, effectivement, vous avez un renom qui dépasse de très très loin tout ce qu'on peut imaginer. Et on encore. Peut être présenté par qualité de la science, on a pu être élu par la réserve, il y a des associations. Voilà, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. En tous les cas, en proportion, il y en a quand même très peu. Voilà, alors dans ce que je connais, même au conseil scientifique du CNRS, par exemple, il y a eu cette année un certain nombre de gens qui pensaient pouvoir se présenter sur leur réputation et qui n'ont pas du tout été élus. L'exception qui confirme la règle, c'est l'élection de Trottmann la dernière fois. Mais là, on peut dire qu'il a une reconnaissance personnelle sur justement la politique scientifique qui est un peu indépendante. Donc ça, c'est une question. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal que ça passe par des voies syndicales dans un contexte où les syndicats sont très faibles? Hein, parce que la vraie question démocratique, c'est ça, c'est que ça a beaucoup de sens si les syndicats sont très bien implantés et très vigoureux au sens où ils ont beaucoup de participation. Ça le devient moins quand le syndicat, c'est en fait 10 personnes qui se réunissent dans un local syndical et qui, du coup, quelque part, distribuent les... Et je trouve que c'est pas la même chose que la question de dans quelle mesure est-ce que ces instances, une fois réunies, ce qu'elles arrivent à délibérer et les avis qu'elles émettent devraient être pris en compte. Tu vois, je pense qu'il y a un peu deux dimensions. Là, il est certain que la question de la prise en compte des avis de ces instances est devenue absolument... n'est pas discutée. Alors, en plus, on nous donne de plus en plus d'arguments techniques pour que ça ne soit pas possible. Là, au CNRS, il y a un mot magique, c'est la politique de site. La politique de site, ça veut dire que les présidents d'université, d'IDEX, de machin, de trucs, discutent avec la direction du CNRS, et c'est là que se fait la décision, et alors il n'y a plus du tout de place pour les instances dans la politique de site. Enfin, si je peux, moi je ne vais pas parler du CNRS, que je ne connais pas, mais ce qui me semble aussi, c'est vrai, on en reparlera peut-être quand on parlera plus des labos, c'est qu'en même temps, avec... Bon, ça montre aussi que tout se tient un peu, c'est-à-dire qu'avec l'évolution des types de financement et de la façon dont la recherche finalement arrive à tourner, il y a aussi une forme de désaffection de beaucoup de collègues pour finalement faire partie de ces instances. Enfin, moi, je pense à des conseils de labo. Comme il se passe moins de choses parce que tous les collègues, les chercheurs sont accaparés par toute une série de sollicitations. La démocratie, elle est bloquée aussi un peu comme ça, parce qu'il y a moins de... Avant, finalement, plus en amont, avant le fait de savoir si on prend en compte ce qu'il dit, il y a aussi, je crois, un problème de mobilisation. Un point sur les CT, une évolution qui est assez rigolote pour les comités techniques, c'est qu'avant, en fait, c'était plutôt des commissions paritaires, typiquement à l'université, où il y avait moitié d'administration, moitié syndicat en général. Donc, en gros, on faisait perdre son temps à 20 syndicalistes, on va dire, mais on faisait perdre aussi son temps à 20 administratifs. Aujourd'hui, les CT, c'est uniquement syndical. Donc on fait perdre le temps juste à 20 syndicalistes. Ils sont consultatifs, et en plus, maintenant, la représentativité des syndicats s'appuie là-dessus. Donc tous les syndicats se battent pour y aller. Et là il y a des élections le 4 décembre, on est tous en train de se mesurer les uns aux autres, ce qui est complètement délirant. En fait, on devrait boycotter en masse ces trucs-là. Mais on y va, mon syndicat aussi, d'ailleurs. Où sont la démocratie ? On va nous faire investir des trucs qui sont consultatifs, avec beaucoup d'intérêt. Petite question, parce qu'on pourra revenir sur certains thèmes. Alors, on va enchaîner. Donc, tous nos invités étant là, on va peut-être quand même garder l'ordre d'origine. C'est-à-dire, je vais donner la parole à... Non, plutôt, on renoue avec... C'est avant. Ah bon, donc on reprend l'ordre chronologique. Alors, revenons donc au 4 avril, parce que j'avais présenté l'ordre... un peu différemment, donc Pascal Laborier donc va évoquer le moment donc en fait du changement de ministère et du moment où on a pensé qu'éventuellement Madame Fioravanti ne serait plus ministre. Alors bon, elle est plus ministre, elle est devenue secrétaire d'État, mais elle est restée. Donc une pétition, je l'ai rappelé avant que tu n'arrives, qui a recueilli 11 000 signatures d'après Le Figaro. Donc, Pascal Laborier donc, est professeur de sciences politiques. Oui, parce que tu n'étais pas là, mais on a décidé de présenter nos invités en montrant qu'ils sont aussi des chercheurs. Donc, elles sont aussi des chercheurs. Professeur de sciences politiques à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, Institut des sciences sociales du politique, ISP-CNRS. Et parmi les publications qu'on peut citer, donc, en 2011, une publication collective des sciences camérales, activités pratiques et dispositifs publics. Et puis une autre publication, c'est en allemand. Alors, nous allons bien, c'est une publication avec des chercheurs allemands sur la politique des sciences comparée France-Allemagne dans des instituts berlinois de recherche en sciences sociales. D'accord, en 2009. Voilà. Ça s'appelle en français l'excellence par le pilotage. Excellence de chez Euro. Très bien. Bon, bah, écoute, merci. Donc, un quart d'heure, 20 minutes pour reparler de l'initiative, le cadre, les discussions, éventuellement les conflits, hein, ce qui s'est passé à ce moment-là. Bah, merci d'abord à Politique des sciences de maintenir le flux, le cadre des informations, de la réflexion aussi collective, et de réunir les différents acteurs de mouvements qui soient plus petits ou plus importants. Je suis désolée pour mon retard, mais c'était prévu d'avance que j'avais un cours à la fac jusqu'à 5 heures. Et d'ailleurs, je suis venue avec une des étudiantes de Nanterre qui nous a aidés. Et je remercie cette petite publiquement. Et voilà, donc, il y a eu des étudiants aussi pour participer à cette réflexion et à nous aider. Alors, pour rappeler brièvement les conditions de cette pétition, au départ, il s'agit finalement d'un mouvement d'humeur à quelques collègues qui était que bah, finalement on avait un avis très critique sur les engagements du candidat Hollande et on trouvait que en fait, ce qui a été mis en œuvre dans le premier gouvernement et notamment par Geneviève Fioravanti ne correspondait pas du tout aux engagements et on avait donc un certain nombre de critiques à apporter et c'est vrai que dans deux nominations ministre et secrétariat d'État. Il y a eu l'annonce que Geneviève Fioravanti serait reconduite. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bah, il faut publiciser. Certes, on ne parle pas beaucoup de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais il y avait des espèces de consensus dans la presse sur le fait que c'était une bonne ministre et qu'elle allait être reconduite. Donc, le point de départ de l'initiative à quelques-uns, c'était de dire, mais en fait, s'il n'y a pas de voix pour qu'on soit plusieurs à dire que bah non, ça ne nous plaît pas du tout, donc on ne comptait pas du tout inventer et lancer une pétition à ce moment-là. Hein. C'était plutôt faire part du fait bah, voilà, qu'on était en désaccord. Bon, il y a eu plusieurs initiatives, voire plus dans la presse. Il y avait eu le texte de Piketty qui était paru avant, plusieurs bilans qu'on a cités d'ailleurs dans ce texte. Et bien entendu, il y a tout le travail de selon l'université qui existe et puis auparavant selon la recherche. Bon, il se trouve que ce texte a recueilli très vite, en quelques heures, des milliers de signatures et que par des réseaux de diffusion militants qui nous ont aidés, hein, c'est-à-dire que vous avez été tous très nombreux à diffuser ce texte, bon, souvent l'université, Politique des Sciences, je pense, l'a diffusé aussi, le groupe Jean-Pierre Bernand, les syndicats se sont mis à diffuser, notamment par le groupe de Jérôme Valmy, c'est-à-dire que dès qu'on a passé quelques milliers de signatures, ça a été diffusé très vite. Donc on est arrivé à plus de 10 000 signatures très vite. Et du coup, il y a eu un certain écho dans la presse, et d'autant plus que finalement... on est venu un peu les têtes de turc de Geneviève Furazo, qui a été d'ailleurs peu réceptive évidemment à ce texte, et qui a tout de suite interprété ça comme en fait on est les porte-serviettes d'un autre candidat ou d'une autre candidate. C'était naturellement complètement faux. Donc on a été attaqué personnellement, alors que ce qui unissait les gens, les signataires, c'était plutôt... une vision critique assez, on va dire, assez molle. C'était pas très radical, ce texte. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu consensus entre des personnes très différentes dans les premiers signataires. Hein, parce qu'on disait, nous, on demande une inflexion de la politique. C'était pas un texte contre la politique complètement. On retire l'autonomie. C'était, là, il y a des aménagements à faire parce qu'on va droit dans le mur. Si je peux me permettre de synthétiser. Ce qui explique aussi qu'il y a eu beaucoup de signatures très vite, avec des gens qui étaient très contre Furazo comme personne, contre l'autonomie, et avec des critiques plus modérées. Donc d'une certaine façon, ce qui a servi ce texte, c'est d'abord la réaction de l'ancienne ministre et de la nouvelle secrétaire d'État, parce que très vite, les journalistes se sont saisis de ce texte, nous ont invités, et toutes les fois où il y a eu des plateaux, où on devait être invité en direct avec elle, elle a refusé de participer. Donc elle n'acceptait de participer en direct que si nous, on était en différé. Donc la première fois, on a donné deux interviews qui ont été coupées, et puis évidemment, elle réagissait sur des interviews en différé. Donc on a commencé à refuser des interviews en différé. Voilà, donc il y a eu une presse assez large, des émissions de radio, des articles. On a eu pendant 2 mois beaucoup d'échanges, d'initiatives sur ce qu'il fallait faire. On a proposé une journée... plutôt de réflexion autour de la question de l'autonomie au mois de juin, qui était la journée du 10 juin, et qui était l'idée, on ne va pas mobiliser, parce qu'on s'était demandé à un moment, est-ce qu'il faut arrêter les examens, faire quelque chose pour une mobilisation, et puis finalement, il n'y a pas eu ces propositions-là. Sur les manifestations, on s'était rendu compte que les mobilisations étaient assez faibles pendant le printemps, que les collègues à l'université étaient assez démobilisés autour de nous. Donc on a proposé une journée de réflexion qui était plutôt, comme il y a eu ce bashing par le ministère et le secrétaire d'État sur le fait que, en fait, on est juste des chercheurs inoccupés, qu'on est juste contre l'autonomie, donc on n'a rien à dire là-dessus, on s'est dit, pourquoi ce concept d'autonomie où on peut faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, avec nos capacités qui sont les nôtres, interdisciplinaires, voir comment nous, on fait un bilan de l'autonomie. Donc c'était la journée du 10 juin, tous les extraits sont en ligne grâce à Michel, merci de ton aide à cette occasion. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait prévu une journée entière dans un amphi à la Sorbonne, avec en fin de journée une table ronde à l'Assemblée nationale qui avait été proposée à l'époque par Thierry Mandon, qui n'était pas encore à sa place au gouvernement, mais qui était le rapporteur sur l'ESR, qui voyait un intérêt justement au débat sur l'enseignement supérieur. Et il se trouve qu'à partir du moment où on a passé à un titre collectif l'annonce de ce qu'était finalement une journée d'études, de réflexion, de colloque, c'était pas une manif en fait, c'était où il y avait, notamment Olivier Beau qui venait, il y a des gens de différents bords politiques, académiques pour réfléchir à cette question, il y avait également des économistes, enfin... j'ai commencé à recevoir des coups de fil sur mon téléphone portable. Myriam a assisté à ça parce qu'on montait la journée ensemble. Il y a eu un coup de fil du rectorat de Paris pour savoir où avait lieu ce colloque, si j'étais l'organisatrice, alors que jamais je n'ai réservé en direct de salle à Paris parce que je suis prof à Nanterre. Donc jamais je n'ai fait moi-même de... Donc ça veut dire que sur une page collective, il y a eu directement un coup de fil dans les 5 minutes. On venait de lancer l'annonce sur Facebook, sur la page de Nous sommes l'université et la recherche. Dans les 5 minutes, j'ai eu un coup de fil sur mon téléphone portable pour savoir où avait lieu cette manifestation. Et deux jours après, alors ça c'est du off, je ne sais pas si on peut rendre ça public, le directeur du département qui avait réservé la salle a été convoqué directement chez le président de l'université après le passage de Geneviève Furazo à Paris 1. Donc on a eu quelques doutes sur est-ce qu'il fallait continuer. Il y avait la demande d'accès à la Sorbonne qui serait peut-être pour des raisons de sécurité bloquées. Parce qu'en effet, le matin, on avait loué une trop petite salle, mais en fait, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, c'était un cadre de réflexion. On ne s'attendait pas à des foules en délire sur une réflexion sur l'autonomie. Donc on avait une salle à peu près de ce type-là pour le matin. Donc directement, problème de sécurité, avec service de l'ordre. Donc ça posait des problèmes de sécurité. Donc on a tout de suite pensé faire ça dans une autre salle. Et puis même pour le grand amphi, c'était finalement, on peut fermer la Sorbonne, on peut demander des cartes. Et comme on avait fait le lien avec le collectif de précaires, on s'est dit, bah, en fait, il y a des personnes qui vont venir, qui n'ont pas de carte, ni d'enseignants, ni de professionnels. Bon, quel sens ça a ? Donc, trois jours avant, et donc là, merci à SCU qui nous a aidés à trouver un hébergement trois jours avant, l'après-midi à Jussieu, grâce à l'intersyndicale. Bon, du coup, ça a un peu émietté la réflexion, puisque du coup, trois jours avant, par Internet, on a fait savoir ce qui se passait. Et on craignait beaucoup le fait qu'il y ait une utilisation. Il y avait une petite manif ce jour-là, d'une commune juste à côté, qui était celle de Sancier, près de la place de la Sorbonne. À 2h, au moment où on commençait ce qui se passait donc, à Paris 1, enfin, dans l'amphi de la Sorbonne, qui était effectivement à côté du rectorat. Et on a eu peur que, du coup, il y ait une forme de fermeture de la Sorbonne et que, du coup, il y ait même une interprétation qui bloquait l'accès au débat l'après-midi, en fin de journée, à l'Assemblée nationale. Et le matin, en fait, c'est le président de Paris 2 qui s'est porté garant pour un amphi qui a été déplacé au Panthéon pour qu'on ait un lieu de débat. Donc c'est quand même intéressant, enfin, bon, c'est de la petite histoire, mais enfin, en même temps, je trouve ça intéressant sur, bon, finalement, vous voyez le profil un peu, en plus... la plupart des personnes qui ont été les premiers signataires, ce sont des femmes. Bon, on n'a pas un look de casseuse, on n'est pas connu pour des actions violentes. Enfin bon, si on regarde le texte dans Libération sur Internet, ce n'est pas un texte qui dénote une très grande violence. Le fait qu'on puisse organiser une journée de réflexion sur comment repenser l'autonomie d'un point de vue économique, juridique, social, sociologique, etc. Donc on voit d'ailleurs la nature des débats dans la journée avec le fait qu'on avait même... En fin de journée de réflexion à l'Assemblée nationale, on se demande bon, de quoi est-ce qu'ils ont eu peur. Voilà, donc ça, c'est, je trouve, cette anecdote en dit beaucoup sur le rapport entre la manière dont le politique gère nos mobilisations, nos réflexions, et combien il y a un fossé. Il y a un fossé qui, enfin, c'est mon sentiment, et ce sentiment que partagent les collègues qui ont signé, qui ont été porteuses et porteurs de cette pétition, de ce texte, c'est le fossé en fait avec le pouvoir politique. Et donc, il y a eu une proposition en off juste avant la journée du 10 juin et après, ces petites files sur mon téléphone, disant que finalement, on pourrait quand même être reçu par Geneviève Furazo, mais en fait, c'était trop tard et on s'est dit, bon, bah, là, c'est pas le moment d'être récupéré comme ça l'avait été fait de certains acteurs qui avaient été justement. Reçu juste avant, puisque finalement on était contre ce qui se passait. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Bon, peut-être que Myriam aura un autre point de vue comme étudiante là-dessus, en fait, à dire. Donc il y a une très grande déception. Alors, ici, bon, évidemment, ici il y a une convergence sur la question des communes. Le groupe en tant que tel a signé d'ailleurs la pétition lancée sur les communes, mais un certain nombre de signataires n'ont pas signé le texte sur les communes. C'est-à-dire que là, il y a une... Alors, c'est bon, ça a été lancé par... autour du groupe Jean-Pierre Varnant, qui a demandé à différents mouvements, mais donc qualité de la science française aussi, d'autres mouvements et d'autres représentants, de faire un texte pour alerter de la situation sur SCU, etc. C'était un texte commun aussi avec SCU, et donc de savoir comment alerter les collègues sur les communes qui allaient passer et les votes qui allaient avoir lieu dans les différents conseils d'administration académique avant l'application de la loi au mois de juillet dernier. Donc il y avait un calendrier extrêmement serré et lorsqu'on s'est mis à plusieurs syndiqués, pas syndiqués, initiatives diverses qui existaient de manière récente comme nous, de manière plus ancienne comme d'autres mouvements, bah, le nombre de signataires a été très faible et il y a eu vraiment un clivage sur cette question. C'est-à-dire autant certains signataires étaient prêts a signé le texte du 4 avril, autant sur la question du commun, il y a eu tout de suite un clivage très important et aussi dû pour partie à très peu d'informations. Hein, c'est-à-dire que là, finalement, lorsqu'on commençait à parler de la question des communes, la première réaction, c'était « mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la situation en Île-de-France est la même que dans d'autres régions ?» Bon, voilà. Donc c'est vrai que ce que font les différents mouvements de réflexion, bon, que ce soit la journée du 10 juin, ce que fait souvent l'université par son site, politique des sciences ici, c'est souvent d'abord, vous l'avez fait beaucoup ici, d'apporter des témoignages sur, en fait, ceux qui ont commencé les communes il y a plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? Parce que le problème, c'est que souvent, pour des universités qui ne sont pas rentrées dans des communes, en fait, que ce soit les collègues et les étudiants, ils ne voient pas trop ce que ça implique. Ça, c'est la première étape. Donc, un rôle pédagogique de ces initiatives, me semble-t-il, c'est de dire, moi j'ai découvert beaucoup de choses aussi grâce à ça, c'est d'écouter le témoignage des collègues qui sont déjà dans des communes, qui existent. Donc ça, c'est très important. Et je pense que là, il y a un vrai rôle de veille sur cette question, être dans les communes. Bon, quand on voit la manière dont ça s'est passé dans les conseils, moi-même, je suis élue d'un conseil, ça a été fait à précipitation, dans le flou. Et je pense que nous, on vient de rentrer dans la commune de manière très juste, vraiment à une, deux voix près, et avec des procurations d'élus qui n'ont jamais assisté en fait au conseil. Et d'ailleurs, des procurations d'élus dont les partis disent non, jamais vont s'impliquer dans l'affaire des communes, etc. Enfin, les procurations sont données aux blancs responsables de l'université, donc ça revient au même. Moi, je pense que si vous venez sur le campus à Nanterre ou à Paris 8, puisqu'on est en commune, c'est Paris Lumière, vous demandez aussi bien aux étudiants qu'aux collègues qui est le ou la présidente de la commune, qui sont en charge, où est le siège physique de la commune, dit où il est. Il est dans le 4e arrondissement. Rue des Francs-Bourgeois. Voilà. Et donc personne, très peu de gens le savent. Je suis sûre que si on fait un sondage, personne ne le sait. Quant au nom de la personne qui s'occupe de la commune, à mon avis, c'est un blanc complet. Moi, je suis dans. On avait fait un projet avec les collègues de Paris 8, alors qu'on était favorable à l'association. Donc, c'est un projet qu'on aurait pu faire sous le chapeau de l'association. Quel collège d'études politiques on va mettre en œuvre. Bon, c'est le seul projet qui tenait, parce que c'était un projet collectif antérieur à la commune, mais qui aurait pu passer sans commune du tout. C'était un projet de libre initiative. C'est le projet principal de la commune. On a fait une réunion cette semaine. C'est même pas sûr qu'il y ait un budget pour le seul projet commun de cette commune. Donc on ne sait même pas comment ça va être décidé. Et si on le met en œuvre, c'est même pas sûr qu'on ait quelque chose d'autonome pour mettre en œuvre. Donc tout ça pour dire que le flou continue sur cette affaire de commune. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas d'atteinte directe à quelque chose de très localisé, les collègues vont être très frileux sur ces affaires de communes. Donc je pense que là, en fait, la réflexion, c'est de montrer que, pour moi, en discutant avec les signataires de ce texte, les premiers rédacteurs, on se rend compte que, sans doute, une très grande réussite de la loi Pécresse puis Fioraso vis-à-vis des universitaires, et c'est un petit peu différent avec le mouvement des chercheurs, c'est que ici, l'entrée dans les réformes a eu des temporalités différentes. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas touché de la même façon par les communes. Il y a eu des budgets, bon, Saint-Quentin, ça a été l'exemple fort, ça a été aussi le premier à rentrer. Je pense que vous avez tous vu la demande de financement pour la bibliothèque de Saint-Quentin. Vous avez vu la pub avec une juriste qui dit « Est-ce que vous voulez que votre enfant ne voit jamais un code pour devenir avocat ?» Donc, fondation privée pour financer la bibliothèque qui n'a plus du tout d'argent pour fonctionner. Donc là, il y a eu des manifestations locales, des collègues, toujours la peur des salaires, le manque de chauffage, enfin, tout ce qu'on connaît de la situation universitaire. Mais ça ne touche pas les universitaires en même temps. Ce qui fait que, du coup, ça a beaucoup émietté, dispersé le mouvement parce que, du coup, parfois les communes ont peut-être un sens ou des fusions, dans d'autres pas, on n'est pas dans la même situation. Il y a des communes de hyper luxe avec des mastodontes, d'autres qui vont être appauvries. Donc je pense que tant qu'on ne sera pas dans le mouvement où il va y avoir des communes, peut-être de chercheurs, professeurs qui enseignent, qui dirigent des thèses, des communes de deuxième zone plutôt de premier cycle, il n'y aura pas de réactivité, il n'y aura pas de cause commune. Je pense que du point de vue de Sciences en Marche ou de ce qui s'est passé autour du CNRS et de la réflexion, le CNRS est encore pour l'instant quelque chose qui fédère nationalement les postes. C'est vrai qu'une fois que le CNRS sera rentré dans certaines communes et pas d'autres, le mouvement sera différent parce que les chercheurs qui seront dans des communes avec CNRS seront pas dans la même situation que les chercheurs sans commune. Donc j'espère que ça ne va pas arriver de ce point de vue-là. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, j'avais été voir dans ces journées du comité, du CEO, CNRS, C3M, CNRS. Et moi, je pense que ça, il faut faire ça à l'université aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable, c'est un appel, hein, être capable de faire un comité équivalent où on appelle les élus du CNU, les membres de conseils académiques ou de conseils administratifs de certaines universités, des représentants de syndicats, des élus directs. Il faut qu'on invente une forme de réflexion sur l'université où il y a un poids, qu'on puisse inviter des gens et qu'il y ait différents mouvements. Parce que pour l'instant, moi, ce qui me semble sur l'université, mais je pense que je ne suis pas la seule à partager ce contexte, ce bilan, c'est qu'on est face à des collègues qui sont dépassés par les réformes, il y a une surcharge de travail, enfin... Moi, je croise que des collègues à la fac qui sont débordés. C'est-à-dire par les cours, par les maquettes, par les réformes, ça change tout le temps. On passe notre temps à répondre à des demandes. Donc ici, il y a une capacité de mobilisation qui est très difficile. Et je pense que créer du lien, c'est important dans ces mobilisations. Je pense aussi que, bien entendu, il faut rester dans le lien avec la recherche. Bon, moi, à l'époque, j'étais membre de SLR et j'avais été parmi les directeurs d'unités qui avaient proposé leur démission. Dès qu'il y a eu Censé en marche, je me suis inscrite sur le site. Donc, je suis toujours... En plus, il y a Sophie dans le même labo, donc ça serait difficile que ça passe à côté. Mais ce que je vois, c'est que moi, ma première réaction quand j'étais à la réunion de Sciences en marche dans mon établissement, d'abord, il y avait très peu d'enseignants qui... Je suis la seule enseignante peut-être être venue. Et puis par ailleurs, c'est que bon, moi j'ai pas cours le vendredi, mais ma première question c'est si vous faites pas grève, vous n'appelez pas la grève, comment moi je peux venir si je fais cours? Donc moi j'étais prête à déposer, à être en grève ce jour-là, et plein de collègues. Donc les collègues qui sont venus à la manif de Sciences en marche, c'était des collègues qui ne faisaient pas cours le vendredi. Parce que sinon nous on ne peut pas. Donc je pense Il y avait dépôt d'un jour de grève. Le 17, on a. La veille, tu veux dire? Ah non, le 16, il n'y avait pas de. Parce oui, que là, c'était local, ouais, mais le 17, oui. C'était une journée nationale. Oui, mais par exemple, le 16, quand il y a eu des choses. Voilà. Par exemple, le 16, quand il y a eu la première marche, pour moi, je faisais. Le premier jour de la marche, à Nanterre, moi, je faisais. Pour expliquer, elle me parle à moi pour Sciences en marche, parce que moi, je me suis occupée du comité local de Nanterre, Sciences en marche. Non, je parle à vous deux, je parle à vous deux. Voilà, mais alors que c'est lui qui va parler de Sciences en marche après, c'est juste. Oui, non, mais c'est juste pour dire que. En fait, je pense que sur la question notamment des communes, il y a une convergence d'intérêts avec les organismes de recherche et que de toute façon, on est tour à tour enseignants et chercheurs dans des labos. On a des doctorants qui vont devenir un jour chercheurs ou enseignants ou avoir une autre profession. Donc je pense que ce n'est pas des mondes du tout déconnectés. C'est vrai que souvent, dans les mobilisations, ça le reste, déconnecté. C'est dommage, en fait, de ce point de vue-là. Après, il y a la question aussi de la déconnexion enseignants-chercheurs, mais également des étudiants. Bon, on a déjà discuté dans ce séminaire des temporalités différentes du mouvement étudiant contre Pécresse, puis les enseignants-chercheurs qui sont arrivés après. Hein, du coup, il n'y a pas eu... la même temporalité, puis après les étudiants qui ont obtenu quelque chose, qui se sont retirés, etc. Moi, je pense que c'est très difficile d'abord d'expliquer aux étudiants ce qui va se passer, parce que ça suppose de parler à N plus 3 ou 4, que ne seront peut-être plus, en fait. Et puis bon, quand c'est la recherche, c'est parler aux étudiants de M1, M2 et ses doctorants. Et par ailleurs, bon, le vrai problème de discussion mais qu'on a soulevé le jour du 10 juin, dans la journée du 10 juin, c'est-à-dire le rôle de l'UNEF, en fait, actuellement, par rapport au gouvernement, de ce qui est obtenu par les syndicats. Ils sont en train de bouger. Voilà, ils sont en train de bouger. Bon, voilà. Ils étaient en train de bouger avant l'été, ils ont dit qu'ils allaient bouger à la rentrée, et maintenant, on arrive en novembre, ils sont en train de bouger. Donc la question, c'est que, bon, du point de vue de l'université, si les enseignants ne bougent pas avec les étudiants, alors soit on fait grève des examens, ils sont un peu plus points comme ça, mais bon, on est quand même nombreux à trouver ça responsable, vu la lourdeur. Pour les personnels administratifs, parce qu'en fait, il n'y a pas que les étudiants, il y a la lourdeur des personnels administratifs derrière. C'est-à-dire que si on décale une session, c'est pas rien pour les personnels administratifs qui eux-mêmes sont débordés et en sous-effectif dans les facs. Nous, à Nanterre, je crois qu'on est 33 000 étudiants. Dans mon département, sciences politiques et droit et sciences politiques, il y a 12 000 étudiants, donc plus du tiers de la fac de l'université de Nanterre. Je ne sais pas si on a 13 personnels administratifs. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas leur demander de déplacer des sessions d'examen avec des milliers et des milliers d'étudiants. C'est irresponsable pour les personnels administratifs, déjà très mal payés, comme pour les étudiants. Donc il faut inventer sans doute d'autres formes que les grèves, etc. Bon, on est preneur d'idées. Hein. Moi, je suis prête à me joindre. Alors après, il y a des actions violentes, mais on voit que ça ne porte pas non plus. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas ce que... Merci, Pascal. Je t'arrête avant que tu deviennes voilà. Une pétroleuse. Comment t'as toujours reproché des lettres. Des questions sur le mouvement. Oui, vas-y, Sophie. Moi, j'ai une question juste sur le rôle du CNU, comme pour moi, venant du Comité national, notre équivalent fonctionnel, c'est le CNU. Mmh, ouais. Et de fait, dans les développements récents des actions qu'on mène, il y a un resserrement du lien avec la CPCNU. C3N, CPCNU, c'est en fait un peu équivalent. Mmh. Et voilà, tu considères pas que c'est un... Parce que je sais qu'ils vont avoir une réunion plénière, là, bientôt. Tu considères pas que c'est un bon endroit de relais? Nous, on était en contact en permanence avec eux, en fait, hein, c'est-à-dire pour faire passer des choses, pour discuter. Donc, on a été en dialogue avec différents types d'instances. C'est-à-dire que dans l'organisation actuelle, ce que je viens de dire, je l'ai dit au vice-président de la CPCNU, justement, pour lui proposer de lancer une initiative équivalente à la vôtre. Et d'imaginer aussi, dans cette initiative, qu'il y ait des représentants, parce qu'il y a quand même des élus dans les universités, mais des représentants plus larges. Donc moi, j'attends qu'il y ait une initiative de ce type-là. Hein. Et je crois que l'initiative a eu lieu. Il s'est passé quelque chose de très important hier matin. Il s'est passé quelque chose aussi d'important à l'université de Strasbourg hier soir à la même heure, à 17h. Et c'est la mise en place d'une coordination. Alors, concertation. J'avais prévu d'en parler à la fin. Pascal, si tu permets, gardons cette très bonne nouvelle pour la fin de notre réunion et revenons vers le passé, parce que le passé mérite aussi qu'on s'y intéresse. Je n'ai rien dit. Alors, Myriam, est-ce que vous avez un point de vue à développer sur des éléments de complémentaires importants? Moi, j'avais une question à poser à Pascal, peut-être d'autres dans la salle, en nous aussi. Est-ce que c'était possible techniquement d'avoir une idée de qui a signé cette pétition, qui quand même, moi j'étais la secrétaire de base, j'étais absolument étonné. C'est un groupe qui originellement n'avait aucune structuration institutionnelle. C'est très très différent de l'expérience dont Sophie a fait état tout à l'heure. Ah oui. Hein, voilà, c'est un groupe de collègues comme ça, et qui lance une étincelle, et la prairie commence à flamber, et on ne comprend pas d'où ça sort. Alors, qui a signé? Est-ce que vous avez une idée? On a fait un peu une analyse signature. Voilà. Bon, en plus, il y a une analyse par le secrétariat d'État qui était en France en disant que c'était soit que des retraités ou des gens dehors de l'enseignement supérieur. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait possibilité de laisser un commentaire. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Et tout est mis sur un site WordPress accessible. Si vous voulez voir, sur le site même de la pétition, vous pouvez voir les commentaires, etc. Il y a eu des signatures de stars, de doctorants, de précaires, de collègues qui expliquaient tous pourquoi ils signaient. Dans différentes régions de France, ce n'était pas spécialement l'île de France. Il y a eu quelques témoignages assez rares. Et d'ailleurs, ça m'étonne que ce ne soit pas des relais plus importants de parents d'étudiants. Parce qu'on parle beaucoup des parents d'élèves pour le secondaire. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on me dit souvent qu'il y a une dichotomie entre les représentants, l'Assemblée nationale et le monde de l'ESA qui ne se comprennent pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de connaissances de parcours universitaire qui passe par les grandes écoles. Bon, il y a eu quelques témoignages comme parents sur le film, mais très peu. Donc, principalement des collègues de différents types de disciplines, en sciences dures, en sciences sociales. C'était assez divers dans ce qu'on a vu dans la signature géographique. D'autres questions? Mais moi, en fait, sur la question de la mobilisation, parce que donc là, tu viens d'écrire un petit peu le groupe, les 11 000 qui ont signé. Mais tu as aussi dit que, par contre, ensuite, quand il a fallu aborder la question des communes, là, c'était bien différent. Ouais. Ça veut dire quand même que là, cette pétition, je veux dire, le texte, il était simple. C'est-à-dire qu'on demandait, on prenait acte du fait que Fioradzo, on voulait tourner la page, parce que le problème auquel on est confronté pour la mobilisation, c'est que, de fait, les communes, et c'est vrai qu'au printemps, nous, on s'est mobilisés ici, t'étais venu, on a quand même essayé aussi de freiner un peu la machine, puisqu'il fallait qu'on ait tous signé avant le 22 juillet pour choisir ça connu. Mais moi, encore fin juin, je veux dire, j'ai une collègue qui venait me voir qui me dit « Dis donc Isabelle, tu peux me faire un petit topo là de 5 minutes sur la commune parce que j'y comprends pas grand-chose. » Voilà. Le problème, c'est qu'on est confronté aussi à des machines et à des choses tellement techniques et tellement complexes, avec même entre nous hein, le fait que, est-ce que dans l'association, il y aura un chef et puis donc ça finit aussi par nous fragiliser entre nous, on perd un peu notre énergie. Donc ça, c'est un point. Par ailleurs, tu disais que l'entrée dans les réformes, on avait des temporalités différentes. Bon, maintenant, on a passé juillet, donc ça s'est un petit peu... le paysage s'est éclairci. Mais je crois que le problème, c'est que pour mobiliser aussi... Là, on va rentrer quand même dans une nouvelle séquence. C'est qu'il va y avoir la concurrence entre les communes pour un nouvel INEX. Donc ça va pas faciliter... Enfin, je crois que c'est décembre, janvier. Donc, à chaque fois, en fait, on est pris comme ça dans des séquençages qui font que, bon, pour plein de raisons... Ben ça, c'est une très bonne question, parce que moi, la question que je me pose, c'est, maintenant qu'on est dans la commune, qu'il y a ces IDEX, etc., est-ce que politiquement, c'est cohérent de répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Est-ce qu'on doit prendre la position, bon, ben non, on est dans la commune, on a perdu, voilà, c'est comme ça, on est dans une commune, on y va, et on fait ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'on refuse de répondre aux IDEX? Que fait-on quand on a perdu des batailles? Voilà une question qu'on se pose en permanence. Et d'ailleurs, juste une petite remarque, c'est que le passage dans la commune, il y avait plusieurs collègues convaincus d'être contre la commune, et vraiment, dernière minute, ça a été, si on ne rentre pas dans la commune, le CNRS ne va pas venir dans une association, et donc on sera une université sans CNRS. Donc il y a plusieurs collègues qui étaient persuadés d'être contre les communes, qui au dernier moment se sont absolument virés de bord à cause de ça, et des directeurs d'unité aussi qui étaient farouchement opposés à la politique du gouvernement et des communes qui ont flanché, c'est-à-dire c'est comment sauver les meubles et la maison. C'est ce qu'il faut en plus, parce que dans le cas d'une association, il peut y avoir un partenariat avec le CNRS. Oui, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Mais le CNRS ne l'aurait pas fait. Alors là où vous n'avez pas eu tort, c'est que le CNRS appuie totalement cette politique et que si jamais des universités sont rebelles, le CNRS se désengage. Ça, Et autre chose que je n'ai pas dit non plus, c'est que dans les signataires, les premiers signataires de la pétition, certains ont eu des rétorsions de leur part de l'université. Moi, ça n'a pas été mon cas du tout à Nanterre. Bon, le seul truc, c'est que quand il y avait des débats dans les assemblées où j'étais élue, dès qu'on parlait de commune, on me regardait pour me demander l'explication du tel paragraphe. J'ai dû être à un moment assez au point, mais j'ai des collègues qui ont arrêté de prendre la parole parce qu'il y a eu des pressions sur eux. Oui, Isabelle parlait de la différence effectivement entre la pétition qui a été très signée et après le texte sur les communes, justement lancé par Jean-Pierre Hermand, entre autres. Et pour moi, l'idée que j'en garde, c'est que la pétition, c'était vraiment une pétition de collègues qui disait leur impossibilité de bosser et la transformation du métier. Quoi. Et les communes, effectivement, c'est quelque chose de plus technique. Déjà, la moitié, non. Les 70% ou 80% des collègues ne savent même pas qu'il y a un conseil d'administration à la fac. Donc les communes, ça les dépasse largement. Quoi. Donc, et je pense que, à mon avis, c'est aussi un des trucs qui manque dans Science en Marche, c'est justement la transformation du milieu et du métier, mais on en parlera sûrement dans le débat. Je suis d'accord, c'est pour ça aussi qu'il faut un dialogue plus important, en fait, entre les gens. Peut-être avant la transition, deux, trois remarques rapides par rapport à ce que Pascal a dit. Elle a souligné très justement l'importance du fossé qui est même un gouffre aujourd'hui avec le pouvoir politique et en particulier le mépris. Il y a quelque chose qui m'a marqué depuis maintenant 2 ans et demi, qui était fort sous Sarkozy et qui est, je crois, aujourd'hui encore beaucoup plus fort. Je dis, je pèse mes mots, encore plus fort hein, avec les socialistes et avec Fioraso. C'est le mépris. Non, je crois que c'est pire. Et je pourrais en témoigner sur de multiples exemples dans les relations avec le cabinet et les relations avec Fioraso. Les relations avec Pécresse étaient meilleures. Les relations avec le cabinet de Pécresse étaient meilleures. Moi, je confirme aussi mon expérience parce que j'ai pu dialoguer avec le cabinet de Pécresse à l'époque. Je ne veux pas entrer dans les détails et donner de multiples exemples, mais c'est affolant. C'est vraiment affolant. Et je crois qu'il faut que nous fassions le lien entre ce mépris et une politique, la nature même de cette politique, qui est néolibérale. On savait, on parlait d'espoir tout à l'heure, on avait quelques espoirs en 2012. Personnellement, j'en avais pas beaucoup, même pas du tout, parce que je savais que ça allait être une politique néolibérale. Ce que, très sincèrement, je n'avais pas imaginé, c'est que ce serait un néolibéralisme autoritaire. Autoritaire. Et faites le lien entre le mépris et l'autorité, c'est-à-dire comment les réformes sont imposées. Deuxième chose, Pascal parlait de flou. Alors oui, mais le flou, c'est une stratégie politique qui vise à imposer la réforme. Ce flou n'est qu'apparent derrière, c'est très clair. Aussi sur la question de l'incompétence. Je me suis dit souvent ces derniers temps, mais ils sont nuls, ils sont incompétents. Mais non, pas du tout. Il y a des gens qui pensent très très bien, qui sont très intelligents. Ils sont plus intelligents que les mouvements d'opposition, très souvent. Parce qu'il y a des stratégies du leurre, ou de la diversion, ou la stratégie classique qui consiste à imposer quelque chose qui est inadmissible pour la totalité, afin d'obtenir l'objectif réel qui est la moitié, etc. Donc leurre, diversion, le mensonge. Le mensonge. Fioraso ment impunément depuis qu'elle est secrétaire d'État, depuis qu'elle est ministre. On n'arrive pas à la contrer. On a vu les difficultés de Patrick Lemaire sur France Culture. Elle est très forte. Elle est très forte. Isabelle Attard a osé quelque chose à l'Assemblée nationale qui a mis en difficulté la ministre diminuée. Et la troisième chose que je voulais dire sur les communes, tu as parlé, Pascal, de convergence d'intérêts entre l'université et le CNRS sur les communes. J'ai découvert avec stupéfaction au sein du comité de pilotage Sciences en Marche, on va y arriver, que les membres CNRS du comité de pilotage ignoraient les dangers qu'il pouvait y avoir pour le CNRS lui-même dans le cadre des communes. C'est quelque chose qui est évident, qui est monstrueux, à savoir que le CNRS est partie prenante des communes. On parle de politique de site au CNRS. Faites le lien entre les communes, les politiques de site. Vous allez comprendre que le CNRS, comme organisme national, demain, c'est fini. C'est terminé. Si on ne voit pas ça, qui est pour moi gros comme une maison, on ne peut pas conduire le combat. Et il faut comprendre qu'on va dans une logique de régionalisation, territorialisation et de transformation du CNRS en agence de moyens au service des régions. À partir du moment où le CNRS est membre des communes, fait partie du conseil d'administration des communes, là il y a un danger majeur pour le CNRS lui-même. Donc convergence d'intérêts, oui, convergence de lutte entre CNRS et université. Et je crois que c'est ce qui, j'espère que c'est ce qui est en train de se dessiner. Alors si je peux juste ajouter quelque chose à ce que je veux dire, quand je pensais convergence, ce n'était pas simplement dans la réforme, c'est parce que pour moi, quand je prends la parole, ou que je fais un texte, ou que je me suis engagée dans des réseaux, finalement, je ne me bats pas pour moi, parce que finalement, dans ma carrière, je suis prof, agrégée, je ne me bats pas pour mes conditions de travail à moi, je me bats pour les conditions de travail et le futur de mes étudiants. C'est pour eux que je me bats. Mes étudiants, ils seront un jour chercheurs ou enseignants ou autre chose. Donc moi, j'ai encore en tête, en plus, moi j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger, notamment à Berlin, où j'ai des étudiants, j'ai travaillé avec les universités ou dans d'autres contextes. Donc moi, j'ai encore l'idée de ce que c'est l'université de mes rêves, la recherche de mes rêves dans des labos, et quelles seraient les meilleures conditions à apporter aux étudiants, aux futurs enseignants ou chercheurs. Donc je ne vais pas pour moi aujourd'hui pour mon salaire, mon pied carré, mes heures de cours, etc. Je suis prof, il n'y a pas de problème. Je me bats pour les générations à venir. Et c'est pour ce rêve-là que je me bats, en fait, hein, quand je dis quelque chose. Parce qu'au fond, le système qui est en train d'être cassé, c'est pas aujourd'hui, à part dans certaines universités, on va voir la casse, on va voir la casse dans 10 ans. Donc moi, ce qui m'inquiète, et je serai peut-être à la retraite dans 10 ans d'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est le système dans 10 ans. C'est ce que je vais laisser aux autres générations. Et je pense que c'est là où il y a forcément, je veux dire, qu'on soit au CNRS, qu'on soit à la fac, je veux dire, il y a convergence, même pas dans le fait de casser les institutions, il y a convergence sur ce qu'on rêve de laisser comme outil aux plus jeunes. Je veux dire, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une importance de discuter avec les précaires, parce que c'est le monde qu'on est en train de leur laisser. Merci, Pascal. Une dernière question de Sophie, tu... Oui, embarquer sur aussi cette histoire de mépris. Moi, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils ont peur par rapport à ce que racontait pour l'organisation de cette journée? Qui a peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? De quoi? Ça me pose question. Alors, mon interprétation... Oui, non, mais il n'y a pas que le mépris. Ça rejoint un lien entre tout ça. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que on a des... c'est la couplure avec la réalité ou... Bon, je peux dire, il y a beaucoup de choses à dire qui ont été très bien dites. Les questions pourraient peut-être mieux répondre Isabelle que moi. Mais moi, de ce que j'ai eu comme info et d'interaction, ce dont je me rends compte, c'est que du départ, ça les a surpris. En fait, ils n'ont pas réussi à identifier l'OVNI qu'on était. Parce que c'est vrai que c'était des collectifs différents par des réseaux très hybrides, personnels. C'est venu d'une discussion comme ça sur Facebook. Voilà, enfin, le contexte était un peu particulier. On était tous à critiquer sur nos pages le fait que bah, la fleurazo allait être tombée. Et moi, j'ai dit, bah, écoutez, chiche, parce qu'au lieu de se passer son temps à se plaindre, faisons un texte tout de suite. Sauvé que ce jour-là, j'avais la grippe, j'ai pas pu aller à un colloque où je devais aller. Donc, dans mon lit, j'ai commencé à écrire un texte avec des collègues, on s'est mis à écrire, puis on l'a balancé tout de suite. Voilà, donc ils n'ont pas vu qui on était, donc ils ont tout de suite cru qu'on était, en fait... ils ont pensé qu'on roulait pour Tite-Saint-Jean, après ils ont cru qu'on roulait pour Piketty ou je ne sais pas qui en fait. Donc ça a tout de suite été lu comme les guerres intestines du PS. C'est-à-dire qu'il reste quand même... En fait, moi je pense aussi qu'un des problèmes du gouvernement, c'est de fonctionner comme on gère un parti politique, des mouvements, des tendances, et qu'il n'y a pas de pilotage de projet. Ça, c'est mon point de vue politique là-dessus. Et je pense que notre texte a été lu comme ça, parce qu'au fond, en lisant ce texte, plutôt, bon, les gens qui ont signé ça, ils ont plutôt dit que c'était socialiste ou écolo, donc dans quand même la majorité gouvernementale, et c'est genre, bah, écoutez, ce que tu as très bien dit, d'ailleurs, Joël, nos conditions de travail sont épouvantables, attention, réfléchissons un peu à la casse qu'on est en train de mettre en place avant d'aller plus loin. C'était ça, le texte. Et ça, ça n'a pas du tout été entendu, comme d'autres choses qui ont été reprochées au texte de manière, en disant qu'on ne parlait pas des étudiants, alors justement, on parlait des étudiants dans notre texte, enfin bon... Voilà, je pense que c'est-à-dire que c'est un monde qui est trop centré sur le fait qu'il ne voit pas ce qui se passe à l'université. Et d'ailleurs, je crois que c'est Isabelle Autard ou quelqu'un d'autre qui a dit, mais Geneviève Ferrazzo, viens dans une université voir quelle est la misère des universités. Je pense que quand on commence à discuter avec, c'était l'occasion à l'Assemblée nationale, j'ai rencontré des assistants parlementaires, certains n'ont aucune idée en fait de la situation réelle des universités. Mais sur cette question de peur, il y a quand même aussi un effet, je crois, ça renvoie à ce que disait l'autre Pascal sur l'autorité. Moi, ce qui m'a frappé aussi à fréquenter de loin, mais quand même la direction du CNRS là, pendant ces dernières années, même sur la réunion des U, ils nous ont refusé une salle, c'est-à-dire qu'on avait réservé une salle qu'ils nous ont enlevée. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont peur, c'est les intermédiaires. On est vraiment dans un espèce de rapport, je crois, d'obéissance par rapport au ministère et par rapport à ceux qui donnent l'argent, parce que cette structure ne fonctionne plus que comme ça. Et les échelons du milieu, qui sont ceux des directeurs d'organismes, des présidents d'université, là, la pression, on l'a vu sur les communes, où les lettres étaient comminatoires sur ce qu'ils devaient faire, ouais. On a l'impression que ce qui se joue, c'est à cet endroit-là. Et que ces gens-là, qui, en principe, sont en partie l'émanation de notre communauté, parce que tous ces gens qui ont les directions de ces universités, ils sont élus, les présidents d'organismes, en théorie, ils ont quitté la paillasse il n'y a pas si longtemps, c'est eux qui n'ont pas les moyens de résister au ministère, et qui ont à la fois les moyens de l'université, on avait essayé de le dire, c'est-à-dire que c'est à la fois des positions de carrière personnelle, mais aussi un espèce de chantage sur les moyens dont ils vont priver les gens qu'ils dirigent si jamais ils ne se conduisent pas bien, quoi. On a l'impression qu'on est vraiment dans un système dans lequel, là, il y a quelque chose qui est vraiment très malsain, Et de fait, du coup, ils se mettent dans une distance de plus en plus forte avec, avec leur base dans les universités et les organismes, comme si ça, c'était dangereux. Et nous aussi, on l'a vu, là, la réunion du 4, il y a eu aussi des pressions pour interdire l'accès à l'Institut Curie, mais vraiment. Alors que là aussi, on était 300. La salle DDU nous a été retirée une semaine avant qu'on organise la réunion. Donc il y a eu exactement les mêmes menaces. Et l'impression, face à la direction du CNRS depuis 4 ans, c'est que c'est eux qui devraient quelque part être l'intermédiaire. Or, ils ne sont pas l'intermédiaire, c'est eux qui ont peur de nous, parce qu'il ne faut pas que ça fasse du bruit au-dessus. Il y a vraiment un système de pouvoir épouvantablement malsain. Je ne sais pas si c'est pire qu'avant. La fabrication de la soumission. Ah oui. Voilà, maintenant, Science en Marche, je vais nous être présenté par Pascal Maillard, professeur agrégé à l'Université de Strasbourg, donc ça sera un point de vue aussi strasbourgeois, mais pas que, je suppose, sur un mouvement international. Pascal est membre du Centre d'études sur les représentations, idées, esthétiques, littérature. Il enseigne la poétique et la littérature française du 19e, 20e siècle à l'université, la théorie littéraire, la critique littéraire. Ses recherches portent sur les rapports entre rhétorique et politique, et particulièrement sur l'allégorie. Il a écrit des essais sur Baudelaire, Maupassant, Benjamin, Valéry, quelques autres encore. Je lui passe la parole. Merci. Merci pour cette invitation au séminaire politique des sciences. Un petit préalable. J'interviens effectivement en tant que membre du comité de pilotage national Sciences en Marche. Mais l'éthique minimale consiste à dire aussi que je suis, j'ai des responsabilités au sein du CNESUP FSU et que je suis membre de Sciences en Marche à titre personnel et professionnel. Mais qu'il est pour moi impensable de ne pas dire publiquement que j'ai aussi des responsabilités syndicales. Et je pose qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Il y a un certain nombre de syndiqués ou de responsables syndicaux qui font partie de Sciences en Marche, même s'ils sont très minoritaires dans le comité de pilotage national, à la différence de certains comités de coordination locaux, où là il peut y avoir une majorité de personnel des universités ou des organismes de recherche qui sont syndiqués ou qui sont même des responsables syndicaux. Je vais parler un quart d'heure, 20 minutes simplement pour faire une présentation rapide de Sciences en Marche. Alors, je vais d'abord présenter le collectif et son action. Donc, Sciences en Marche est un collectif constitué en association et qui rassemble des personnels des organismes de recherche, CNRS, INSERM, INRA, et des universités. Au départ, vous le savez, en très très grande majorité des personnels du CNRS et en particulier des directeurs de laboratoire. L'idée d'une grande marche à travers toute la France pour la défense de l'enseignement supérieur et de la recherche a été lancée le 3 juin 2014 à l'occasion d'une petite conférence débat qu'un groupe de chercheurs et de personnel technique du CNRS avait organisé à Montpellier. Et en moins de 3 mois, le collectif a conçu et organisé un événement qu'il a voulu dès le départ populaire, festif, articulé avec la fête de la science, médiatique, puisque l'un des soucis de Science en Marche était de sensibiliser l'opinion publique. Il y a un gros travail qui a été fait en direction des médias, également en direction des élus locaux, mais aussi plus généralement de la représentation nationale. Donc, afin de sensibiliser l'opinion publique et les élus aux enjeux de la recherche pour notre société, notre économie et nos valeurs culturelles. Donc, Science en Marche, deux mois et demi, a rassemblé, ça s'est essentiellement passé on va dire août-septembre, Science en Marche a rassemblé les soutiens de 219 lauréats des prix nationaux des organismes et des universités. Aujourd'hui, 166 laboratoires, 27 sociétés savantes, 18 universités, 8 organisations syndicales et 6 formations politiques. Alors, cette initiative Science en Marche s'est inscrite dans un contexte dont on n'arrête pas là de parler depuis le début de cette réunion. C'est d'abord le contexte de la réunion plénière exceptionnelle du Comité national de la recherche scientifique du 11 juin dont Sophie nous a parlé et dont la motion est devenue la fameuse pétition qui atteint quasiment les 20 000 signatures. Il y a un lien aussi avec la réunion, avec la lettre adressée à François Hollande par les 660 directeurs d'unités, alertant le président de la République sur, je cite, la situation dramatique de leur laboratoire. Le 17 octobre, après une longue organisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de Strasbourg, par exemple, on s'est mis au travail aux alentours du 15-16 juillet. C'était la première réunion. On s'est réunis à 4 ou 5, et on s'est réunis 5 ou 6 fois sur le mois d'août pour organiser toute la logistique. Avec de multiples réunions Skype avec le national. C'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, parce que c'est organiser des déplacements collectifs à bicyclette à travers toute la France, ce n'est pas simple. Donc on a travaillé sur la partie du parcours Strasbourg jusqu'à Nancy, en coordination avec des collègues de Nancy pour essayer de concevoir le parcours jusqu'à Paris. Ce qui est intéressant, important me semble-t-il dans ce type de démarche, c'est l'orientation grand public, sensibilisation de l'ensemble des citoyens. Ce que ça a créé comme dynamisme en faisant, en fabriquant, c'est-à-dire entre nous. On a par exemple le jour de l'étape Strasbourg-Saverne, on était 65 à pédaler, j'ai passé des heures à discuter avec des jeunes chercheurs en sciences dures, des doctorants, des post-docs que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus, et il y a des liens, des relations qui se sont tissées, et ça c'était quelque chose d'assez important comme expérience, créer du lien, des rapports, partager les expériences et aussi très souvent, malheureusement, partager la précarité, la souffrance au travail, des conditions inadmissibles. Donc le 17 octobre, une centaine de cyclistes ont convergé à Paris et en provenance de plusieurs villes universitaires, avec cette manifestation nationale appelée par l'intersyndicale, une très large intersyndicale et Science en Marche. La jonction entre l'intersyndicale et Science en Marche s'est faite en amont pour préparer cette manifestation du 17, hein, 8000 personnes. Je crois qu'on peut dire que c'était l'une des plus fortes mobilisations depuis certainement 2009 au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors le 4 novembre, donc il y a deux jours là, Science en Marche a organisé avec l'intersyndicale le dépôt d'une gerbe devant la statue de Pierre et Marie Curie, là où François Hollande avait prononcé le 15 mai 2012 un discours afin de rappeler au président les engagements qui n'ont pas été respectés. Et le même jour, les directeurs d'unité étaient reçus par Vincent Berger, Donc, conseiller spécial de François Hollande à l'enseignement supérieur et à la recherche, et Science en Marche publiait également ce même jour un communiqué qui était le premier communiqué portant spécifiquement sur les universités, état d'urgence dans l'université française. Quels sont maintenant, après cette présentation rapide de Science en Marche et de ses actions, on pourra y revenir dans le détail, je préfère privilégier le dialogue, l'échange direct, parce que vous avez peut-être des questions. Quels sont les constats qui sont faits par Science en Marche ? Bon, Science en Marche a initié son action à partir d'un constat liminaire et qui est sans appel, l'enseignement supérieur et la recherche sont dans une crise profonde. Voilà. C'est là la première phrase du premier texte publié en août. Dans les laboratoires, les composantes universitaires, les services, la situation devient intenable, écrivait pouvait-on lire dans le premier communiqué fondateur. Beaucoup de chercheurs et d'enseignants-chercheurs n'ont plus les moyens de travailler efficacement et partout les conditions de travail se dégradent. Par ailleurs, la généralisation des CDD à court terme alliée à la faiblesse des débouchés dans de nombreuses disciplines génère une précarité qui est inadmissible et qui détourne les jeunes chercheurs des formations et des métiers de la recherche. Des dizaines d'universités sont en déficit, des milliers de postes ne sont pas pourvus. Isabelle Attard rappelait très justement en commission élargie à l'Assemblée nationale qu'en 2013, il y avait 4700 postes dans la totalité des EPST qui n'avaient pas été pourvus. Le chiffre est exact et c'est considérable. Dans les universités comme au CNRS ou dans les organismes de recherche, on observe un développement exponentiel des situations de souffrance au travail, avec des cas de suicide avérés. Là, dans une discussion avec des collègues pendant la manifestation qui allait de l'Institut Curie à l'Assemblée nationale, j'ai appris que les deux cas qui étaient portés à ma connaissance, qui sont connus, Paris-6 et l'Université de Haute-Alsace, n'étaient pas des cas isolés, mais qu'il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres. Angers, Paris 13, etc., et d'autres universités. Et donc Isabelle Attard était là, elle nous écoutait, prenait des notes sur son phone, et très très inquiète et affolée de découvrir, et moi-même je le découvrais presque en direct, et on le découvrait mutuellement ensemble, j'avais connaissance que de quelques cas, et j'ai découvert avant-hier qu'il pourrait, et on n'a aucune remontée, on n'a aucun chiffre, il pourrait y en avoir 10, 15, 20, j'en sais rien. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques années à France Télécom, il se peut que ça se passe en ce moment même et qu'on ne le voit pas. Donc, Science en Marche, avec de nombreux autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce n'est pas une originalité, estime que la recherche et l'université française subissent depuis de nombreuses années les effets de réformes délétères, il faut les nommer. Bon, c'est la loi LRU de 2007, c'est le pacte pour la recherche, c'est la politique dite d'excellence avec les investissements d'avenir, et c'est la loi Fioraso de juillet 2013 sur... Donc tout un volet porte sur les communes, les regroupements. Donc il faut changer de politique. Alors quelles sont maintenant, pour terminer, les mesures défendues par Science en Marche ? Troisième point, les mesures. Alors le collectif Science en Marche préconise trois mesures pour inverser la tendance, et attribuer enfin à l'ESR les moyens à la hauteur de ses ambitions, redonner un petit peu de sens et d'espoir à nos jeunes chercheurs et en leur offrant aussi de nouveaux débouchés professionnels. Première mesure, mettre en œuvre un plan pluriannuel pour l'emploi statutaire à tous les niveaux de l'ESR. Deuxième mesure, renforcer les crédits de base des laboratoires et des universités. Troisième mesure, reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives et la haute fonction publique, faciliter l'emploi des docteurs et également de la culture scientifique. Alors, Science en Marche a observé que ces trois mesures étaient consensuelles dans la communauté scientifique et que les deux premières, le plan pluriannuel de création d'emplois statutaires et l'augmentation significative des crédits et des budgets de la recherche des laboratoires et des universités, que ces deux premières mesures pouvaient être financées en, sans prélever davantage d'argent dans le budget de l'État par une redéfinition du contour des missions et puis des conditions d'attribution de ce terrible et inefficace crédit impôt recherche. Et on devrait pouvoir redéployer 2 milliards par an vers les organismes de recherche et les universités. Alors plus précisément, maintenant, les solutions proposées par Science en Marche, la dimension un petit peu technique de ces solutions, c'est, si on entre dans les détails, c'est une augmentation significative du budget de la MIRES, donc la mission interministérielle pour la recherche et l'enseignement supérieur, de l'ordre de 7-8%, c'est-à-dire 2 milliards d'euros par an, et ceci pendant 10 ans. Cette augmentation pouvant être financée par la réduction d'un tiers du volume du CIR, qui dont le montant est approximativement au-dessus de 6 milliards aujourd'hui et pourrait atteindre 7 milliards l'an prochain, et l'affectation de ces sommes à la MIRES. De plus, le volet recherche de l'enseignement supérieur du CPER 2015-2020 qui baisse considérablement, parce qu'il était de 2 milliards, il descend à 600 millions, doit être maintenu au niveau du CPER précédent. Sur ces sommes, à savoir les 2 milliards annuels, 1 milliard par an permettrait la mise en place d'un plan décennal d'emploi scientifique, avec 3000 nouveaux postes statutaires par an, en plus des départs à la retraite. Le second milliard d'euros annuels serait affecté à l'augmentation des budgets de fonctionnement des universités et des organismes de recherche, et qui devrait permettre un rééquilibrage du financement entre les crédits et récurrents et les crédits accordés sur appel à projet. Donc, tout le monde a compris aujourd'hui que les crédits qui, ces dernières années, ont augmenté de façon exponentielle, même si les budgets de l'ANR ne s'est pas baissé, c'est le financement de la recherche par appel à projet via la politique d'excellence, alors que les crédits récurrents de la recherche, eux, baissent régulièrement. Les solutions, les deux dernières propositions de Science en Marche, c'est une meilleure reconnaissance du rôle sociétal des docteurs de l'université, la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives et la mise en place d'une politique active de recrutement dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Ces points, fait remarquer Science en Marche, sont inscrits dans la loi ESR Fioraso de 2013 et il y a actuellement de très fortes résistances. Enfin, une réflexion sur les modalités d'encadrement du CIR qui permettent, avec d'autres mesures, de financer réellement des activités de recherche et de développement et des créations d'emplois. Actuellement, seul un tiers du volume du CIR bénéficie à l'ensemble des petites et moyennes entreprises indépendantes, alors qu'un peu moins d'un tiers bénéficie à seulement 23 grands groupes. Voilà une petite présentation de Science en marche, juste pour terminer avec un élément sur les effets produits par Science en marche au niveau du pouvoir, du gouvernement. Science en marche a été reçue assez rapidement par Fioraso. À Strasbourg, quand Fioraso est venu début octobre, l'intersyndicale n'a pas été reçue, mais quelques représentants de Science en Marche ont été reçus. C'est très, très intéressant, hein, de voir que le pouvoir a peut-être davantage peur aujourd'hui, de peur entre guillemets, hein, de quelque chose qui est étrange et atypique tel que Science en Marche plutôt que des organisations syndicales. Alors, y a-t-il eu des avancées? Qu'est-ce qui est sorti de ces entretiens avec Fioraso aussi bien à Paris qu'à Strasbourg et que probablement aussi avec à l'occasion de l'entrevue avec Vincent Berger le 4. Le seul élément sur lequel il y a un discours un peu constructif et positif, hein, c'est la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives. Voilà. Là, on y travaille, c'est quelque chose de bien. Évidemment, ça leur coûte rien, strictement rien. Et sur les deux autres points, bah, la réponse, vous la connaissez, c'est Macron qui dit moins de 100 millions. Et voilà, donc, et puis c'est le budget, le PLF 2015, le budget 2015 qui stagne, donc qui est en baisse, et qui est effectivement en baisse. Il y a des baisses de crédit sur certaines lignes. Donc tout reste à faire, tout reste à construire aujourd'hui. C'est une fin de non-recevoir. C'est pas de l'autisme. J'ai pu dire à un moment donné que le gouvernement était autiste. C'est pas de l'autisme. C'est une politique néolibérale affirmée. On ne bougera pas. Vous pouvez être content qu'il n'y ait pas de coupe monstrueuse comme il y en a eu en Grèce ou en Espagne. Ça va peut-être venir. Stop, arrêtez de réclamer de l'argent, vous êtes des privilégiés. Et ce discours assez pervers passe la rampe de l'opinion publique, malheureusement. Eh bien, merci Pascal pour cet exposé. Bon, on va prendre quelques questions avant de voir avec Sylvie après l'initiative des directeurs de l'UMR. Mais donc Pascal a surtout insisté sur l'ensemble des solutions que Science en Marche propose. Je souhaiterais pour ma part qu'on consacre quelques moments de plus au processus même de mobilisation et de sa description un peu empirique, avec peut-être un ou deux points que personnellement j'aimerais soulever avant que les questions viennent de la salle. D'abord, voilà un phénomène intéressant, des initiatives qui viennent de différents points de France et de Navarre. Comment c'est possible, alors le web évidemment fait des miracles, mais comment c'est possible de façon au fond très décentralisée des initiatives convergentes sur le Covid? C'est notre première question. Mon autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier dans la réunion en question? Est-ce qu'on dit que les biologistes ont joué un rôle important dans le point de départ? Si les biologistes ont joué un rôle important au départ, comment se fait-il que finalement on demande le rééquilibrage entre la recherche au projet que en général les biologistes adorent et les crédits récurrents? C'est ma deuxième question. Et enfin, troisième question, c'est un mouvement nombreux qui, contrairement à celui que Pascal Laborier décrivait tout à l'heure, a mis très haut la barre du point de vue des exigences fondamentales. La LRU, c'est mauvais. Le pacte pour la recherche lui-même, c'était mauvais. La LRU 2, Fioraso aussi, etc. Donc on a un discours critique extrêmement rigoureux et une mobilisation très très large. Discours qui est très différent de celui que vous avez promu. Donc voilà les questions que j'aimerais poser. On en prend d'autres dans la salle avant peut-être que tu y répondes. Des questions? Plutôt des remarques. Oui, Moi, je ne suis pas convaincue du tout par tout ce que tu viens de dire en fait. j'ai l'impression que le discours entier les rues, il est très récent. C'est parce qu'ils sont. J'ai juste écouté cet exposé. Oui, ouais, mais c'est une évolution très récente qui vient du fait des problèmes de mobilisation et d'un constat qu'ils avaient mobilisé que les chercheurs, essentiellement les biologistes, et qui sont arrivés à se dire comment faire pour arriver à mobiliser plus loin. Et donc là, maintenant, on a un peu une critique, ça se débiologise un tout petit peu. Mais je pense qu'ils vont perdre des biologistes en se débiologisant, hein, mais bon. Je sais pas. Ça vient de ce point de vue sur cette explication. Oui, un peu les mêmes choses. Tu disais, Science en marche a été reçu par Vincent Berger. C'est pas vrai. Non. Science en marche n'a pas été reçu. Science en marche n'a pas été reçu par Vincent Berger. La langue a Bon, en tout cas, Fioraso a reçu sur son marche, etc. Bon, Fioraso a aussi reçu le groupe Jean-Pierre Vernant. Bon, et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'après cette manifestation de 8000 personnes, donc on peut dire que c'est un succès relatif par rapport à l'apathie du milieu qui semble sous l'exomile pour toujours. Trois jours après, François Hollande, qui était en Allemagne auprès de patrons et avait son discours pro-business, le discours pro-business du gouvernement actuel, disait on ne reviendra en aucun cas sur le crédit impôt compétitivité, le crédit impôt recherche qui sont sanctuarisés, etc. etc. Alors, c'était une réponse immédiate et forte à ce mouvement. Il n'y aura rien, il n'y a rien. Il y a juste cette histoire de doctorat qui, de toute manière, était déjà, pour avoir vécu des discussions parlementaires, et mon derrière se rappelle parce que les balcons de l'Assemblée sont durs, bon, c'est quelque chose qui aurait dû déjà passer au moment de la loi, et Dieu sait si. Et puis, en fait. Donc là, c'est vraiment une concession hyper mineure. Et c'est vrai que les trois points, le plan pluriannuel, c'est quasiment des slogans qui viennent de la rue de Solferino. Pour en repartir, bon, on va nous faire un plan pluriannuel qui démarrera en 2017, se terminera en 2027. Bon, renforcer les crédits, bon, enfin, bref, toutes les questions de communes, etc. Bon, je constate qu'enfin on a quelques phrases sur les communes, mais c'est pas le cœur du mouvement. Le cœur du mouvement était quand même terriblement trottmannien avec. On fait signer les directeurs d'unité, vérifions bien qu'il n'y ait pas un directeur d'équipe qui est signé, et mon Dieu, il pourrait y avoir des petits poissons qui ont signé. Il faut que ce soit les médailles d'argent qui. Des fois que des médailles de bronze signeraient, ça serait terrible. Enfin bon. Et où est la caméra? Et bon, donc on retrouve quand même un retracement des choses stellaires où, in fine, c'est le C3N avec Laszlo, Rémi Mostri, etc., qui vont voir Pécresse, qui dit oui. Je vais lâcher quelques postes. Là, on n'a même pas un lâchage de quelques postes bidons. Ceci bien fait pour discuter. Nous sommes là pour ça. Une dernière question d'Isabelle, et ensuite je reviens. Non, moi, c'était une remarque sur le plan pluriannuel. Je ne sais pas si vous avez lu le journal Le Monde hier. Il y avait un article édifiant de Marilyn Baumard sur les 60 000 postes d'enseignants dans le secondaire. Où là, on montre le système d'accordéon entre Sarkozy qui avait supprimé, je crois que c'était 18 000 stagiaires en supprimant les 10 FM, et comment là, en fait, à mi-mandat, parce que c'est aujourd'hui, je crois, l'anniversaire, il y a à peine 3 000 postes qui ont été créés, et par contre, ils ont réintégré 17 000 stagiaires. Et donc, l'article, bon, je vous invite à le lire, mais c'est pour dire que quand on promet des milliers de postes, là, Baumard a interrogé quelqu'un de Bercy qui c'est très cynique. Ils savent très bien qu'un stagiaire ne fait pas la même chose qu'un poste statutaire, mais que ça rentre dans les 60 000. Donc, je veux dire, ça permet de relativiser aussi. Alors, pourquoi? Pour répondre sans la question. Non. Hein. Comment? Comment? Oui, mais. Donc, il y a deux sociologies. Comment ça peut marcher une chose pareille qui semble à la fois très centralisée à Montpellier? Science en marche, c'est quelque chose qui reste très centralisé à Montpellier et qui prend localement dans 15 ou 20 établissements. Je crois que il y a déjà la réponse Science en Marche apporte une réponse ou une proposition à un manque. C'est une démarche qui n'est pas institutionnelle, qui est en dehors des cadres syndicaux, et qui relève d'un collectif et qui propose de faire du sport, pédaler. Voilà. Et un travail de, à la fois de, qui consiste à rendre visible quelque chose et aller vers le grand public pour témoigner. Sous quelle forme ? Des conférences, des expériences mobiles, des petites scénettes, du dialogue, interpeller le passant, aller voir les élus. Et je crois que c'est la nature même de l'action qui a été la raison de sa réussite. Alors, réussite relative, il n'y a pas eu 3000 ou 5000 cyclistes qui ont pédalé sur 500 km. Effectivement, matériellement, ce n'était pas possible. Donc, il y a des cyclistes courageux qui ont fait l'intégralité des trajets. Moi, je tire mon chapeau à ceux qui ont fait ça. Hein. Qui se sont retrouvés parfois seuls à deux ou à trois dans des petits villages au fin fond de la France à rechercher le soir un hôtel qui n'existait pas, etc. Mais en même temps, des liens, des solidarités. Et je pense que c'est cette dimension-là qui a fait que, ça, à un moment donné, la mayonnaise a pris. Mais aussi un état d'exaspération très très fort. Que d'autres canaux que d'autres canaux ne permettaient pas de relayer. Alors, pour répondre maintenant à la question qui est une critique récurrente et que j'ai formulée moi-même à de multiples reprises au sein du comité de pilotage national, et je ne suis pas le seul. Trop centré biologie, CNRS et directeur de laboratoire. On ne peut pas reprocher à des collègues ce qu'ils sont, leur statut, leur fonction. Il se trouve que ça a commencé avec des biologistes et des directeurs de laboratoire. Alors après, la question qui s'est très très vite posée, c'est la... Est-ce que c'est représentatif, ce comité de pilotage ? Est-ce qu'on peut envisager de conduire une action sur l'ensemble du territoire et au nom de l'enseignement supérieur et de la recherche avec une très grande majorité de directeurs de laboratoires de biologie ? Bien sûr, c'est non. C'est non. Alors, un certain nombre de... personnes sont entrées dans le comité de pilotage, des collègues des universités, des quelques personnels BIATS, des ingénieurs, des techniciens, et on peut considérer que même s'il subsiste toujours encore aujourd'hui un déséquilibre, et qu'on peut travailler à modifier ce comité de pilotage, et c'est l'un des objectifs que s'est donné le comité lui-même, c'est-à-dire de l'ouvrir à davantage de monde et une meilleure représentation. Ça n'a pas profondément altéré, même si ça aurait pu être un succès plus grand, l'action. Donc, mais je suis entièrement d'accord avec Jean-Marie et avec Hélène sur les critiques qu'ils énoncent. Mais pour moi, à titre personnel, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas faire. Voilà. Et je nourris aucune amertume à l'égard des camarades ou des collègues qui sont restés sur le côté de la route en regardant passer les vélos et parfois avec beaucoup de mépris. Je réponds simplement, faites quoi ? On n'est pas satisfait de la façon dont ça se passe, on n'est pas satisfait de la représentation on n'est pas satisfait. Ben, moi, je n'étais pas satisfait dès le début. Et c'est parce que je n'étais pas satisfait que je suis allé voir. Et que, voilà, on a trempé la chemise à quelques-uns. Et bon, on s'est parfois accroché, hein, mais on a toujours pu trouver un équilibre. Les positions des représentants du comité de pilotage qui avaient une origine, comme moi, syndicale ou même des responsabilités syndicales, on était deux ou trois, je crois, à faire ce travail-là. La position a consisté à dire, mais attention, là, ça ne va pas. Là, non, c'est pas possible de dire ça. Le discours sur l'innovation, là, ça passe pas. Il faut réfléchir un peu plus sur ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, il y a des changements mutuels qui sont en place. Je crois qu'on sait aussi changer mutuellement. La question que vous faites quoi était, je pense, purement rhétorique. On y viendra tout à l'heure en fin de réunion. Peut-être une dernière observation. Oui, je voudrais répondre peut-être sur un plan, peut-être un peu plus à la question du comment. Outre que j'ai trouvé extrêmement agressive la remarque tout à l'heure, parce qu'en plus, ce n'est pas Science en Marche du tout qui a fait la liste des DU. En l'occurrence, c'est effectivement Trottmann et moi. Et donc, on reviendra quand Sylvie en aura parlé. Parce que voilà, j'ai trouvé ça extrêmement agressif et je pense que ça n'a pas grand intérêt ici. La question, c'est comment ça marche, comment ça marche pas ou qu'est-ce qui s'est passé. Sur Science en Marche, parce que là, comment était constitué ce comité de pilotage? Il n'avait aucune vocation, aucune représentativité. La façon dont le mécano s'est fabriqué, donc on a au départ une réunion publique organisée en Montpellier, juste après la plénière, à laquelle était Trottmann, et dans lequel ils ont lancé cette idée dans les différentes configurations de mouvement. Ce qui serait important, c'est d'utiliser les fêtes de la science, ou le moment où la science est censée rencontrer le public, pour organiser un mouvement d'opinion. Ce qui est caractéristique de Science en Marche, c'est qu'ils ont fait un travail phénoménal de démarchage auprès de la presse. L'obsession à l'intérieur du comité de pilotage, c'était les communiqués de presse. Hein, avec des emails, il pouvait y en avoir 50 par nuit pour savoir comment on finissait le communiqué de presse. Je le dis dans des termes qui pourront être pris de façon dévalorisante, je pense que c'est vraiment à ça qu'ils ont travaillé. Et donc l'idée, c'était d'utiliser ce moment d'interface entre le public et la science, soi-disant, qui est normalement les fêtes de la science, quelque chose de très institutionnel, pour essayer de s'en servir comme arène, pour aller raconter les difficultés de la fabrication de la science aujourd'hui au public. Après, ils ont eu cette idée originale des vélos, tout en s'appelant Science en Marche. Au début, les journalistes avaient un peu de mal, mais vous roulez, vous marchez, enfin... Ensuite, le mécano s'est passé de façon très, très bricolée. Donc à la fois, au début, on a effectivement surtout des biologistes, mais après, ce qu'ils ont cherché, c'est des relais de construction de comités locaux. Et chaque comité local a été construit de façon très différente. Donc on n'a plus du tout cette même marque empreinte biologiste partout. Hein, certes, c'est resté au sens où Cochin, les équipes qui étaient autour de Trottmann sont restées elles aussi très mobilisées. Mais il y a plein d'endroits, évidemment à Nanterre, la biologie n'est pas reine, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a un certain nombre d'autres universités dans lesquelles ça n'est pas du tout une dominante. Après, il y a une fabrication pour parler du comment. Il faut donc s'imaginer que toute une partie de l'été, les gens qui commençaient à morder dans les comités locaux, on a passé effectivement des heures sur des rendez-vous Skype, sur comment essayer de mettre ensemble des formes de construction de ces comités locaux, avec l'espèce d'idée tout le temps de trouver des moyens d'attirer l'attention de la presse. D'un côté, le discours du début était complètement le discours de la plénière. Les premiers textes qui ont été faits reprennent exactement les trucs de la plénière, avec une dominante supplémentaire qui était dans la plénière, mais qui a été beaucoup renforcée par Science en Marche, qui était la question de la reconnaissance du doctorat, avec des positions qui souvent étaient assez élitistes sur le rôle que les docteurs devraient jouer dans la société. Mais pour le reste, le début, c'est les deux mots d'ordre de la plénière, c'est « il faut plus de crédits récurrents ». En ce sens-là, c'est des biologistes qui trouvent aussi de crédits récurrents ou de crédits de base. C'est des biologistes qui ne sont pas que fanatiques, se sont rendus compte des limites des appels à projets. Et puis, il faut le plan pluriannuel. Donc, ce n'était pas du tout sur les communes, ça c'est évident, ce n'était pas du tout dans la plénière. Et petit à petit, entre les comités locaux qui se sont développés, une très très forte attention mise à créer des insignes de reconnaissance commune, à travers les fameuses chasubles, à travers un certain nombre de mots d'ordre, un travail sur les slogans, un travail sur les communiqués de presse. L'idée était de donner de l'unité à des choses qui ont été complètement variables d'un endroit à l'autre. Et de fait, les succès locaux sont complètement variables. Il y a des endroits, Christian, où ça a effectivement marché, où les gens ont été attroupés, et d'autres où il n'y avait personne. Mais par l'unité du discours vers la presse, ça ne s'est très peu vu. C'est-à-dire qu'il y a, par contre, les journalistes ont adoré Science en Marche. En fait, les journalistes voulaient retrouver SLR. Au début, quand on était interviewé par les journalistes, ils auraient aimé qu'on leur reparle de SLR. Alors, à défaut, ils ont adopté Science en Marche. Et maintenant, quand on va voir des journalistes sur d'autres initiatives, ils ne parlent plus que de Science en Marche. Même quand ils savent qu'on n'a rien à voir, enfin, il se trouve que moi, je suis un peu sur les deux, mais si on va les voir pour parler d'autre chose, ils vous parlent de Science en Marche. Et de façon très, très claire. Le fameux truc avec Fioraso, c'était... le journaliste nous a dit, bon, écoutez, c'est plus facile, on va dire que c'est Science en Marche. Parce que c'est ça qu'ils ont reconnu comme étiquette. Donc, il y a une dynamique assez marrante entre une très, très forte hétérogénéité des modes de mobilisation locale, qui font que les modes d'action locaux ont été très différents, et une capacité à créer, au contraire, une espèce de discours médiatique qui a donné une image lissée du mouvement qui n'existe absolument pas. Et le succès de la mobilisation du 17, ça a été en particulier le travail... pour faire en sorte que les organisations syndicales et Sciences en Marche se remettent à travailler ensemble, avec en même temps la mobilisation du comité national, et ce qui a fait le succès de la mobilisation et de l'organisation au niveau parisien, ça a été notamment la remise en branle de toutes les capacités de mobilisation des organisations syndicales, qui au début étaient un peu heurtées par le discours de Sciences en Marche, qui n'y allait pas avec le dos de la cuillère sur le fait qu'ils en avaient ras-le-bol des syndicats et de ce discours débile des syndicats, et qui petit à petit ont commencé à utiliser les forces des uns des autres. Est-ce que ça répond mieux au comment, sans rentrer sur le fond? Tout à fait, merci beaucoup. Je confirme, tu veux simplement pour dire mon accord total avec ce que Sophie vient de dire, je confirmerai simplement par un exemple qu'au niveau du comité d'organisation locale à Strasbourg, sur les 25 membres du comité d'organisation, il y a à peu près 200 soutiens, et un comité d'organisation qui est composé de 25 membres, il doit y avoir 3 biologistes. Alors, par contre, les biologistes font partie, en assez grand nombre, des soutiens. Il y a une singularité strasbourgeoise, on les voit assez peu. Pourquoi on les voit assez peu? Parce que la majorité des membres du comité d'organisation strasbourgeois sont des élus des conseils centraux et puis des syndiqués, hein, essentiellement FSU et CGT. Mais Sud aussi fait un travail de soutien à Sciences en Marche. Le SGEN-CFDT est arrivé après, tout à la fin. Il y a même le SNPT-ES qui est rentré sans jamais rien faire, mais simplement en observateur. On a pu observer assez vite, dès septembre, une sorte d'unité syndicale qui se faisait à l'intérieur de Sciences en Marche ou autour de Sciences en Marche, ce qui était assez singulier. Mais quand je dis, pour être honnête, qu'il y a 25 membres dans le comité d'organisation, les membres de Sciences en Marche vraiment actifs, dont 4 ou 5 personnes non syndiquées appartenant à des associations de jeunes chercheurs, de doctorants. Il doit y avoir 10 personnes vraiment actives et travaillant, on va dire, plusieurs heures par semaine, 10, 15 ou 20 heures parfois, au projet de Science en Marche. Merci. Donc on va aborder la dernière étape chronologique des initiatives qu'on avait prévu d'évoquer ce soir. C'est donc la lettre ouverte des 660 directeurs du MR qui a été envoyée à François Hollande le 14 octobre. Suite à cet envoi, une délégation a été reçue le 4 novembre par le conseiller recherche, je suppose que c'est Vincent Berger de Hollande. Donc c'est Sylvie April qui va parler de cette initiative. Sylvie April est professeure d'histoire contemporaine à Lille 3 et directrice donc de l'IRIS, l'Institut de recherche historique du Septentrion. Elle travaille en historienne, elle travaille sur le 19e siècle et elle a publié récemment La révolution inachevée 1815-1870 et le siècle des exilés, banni et proscrit de 1789 à la Commune. Et puis ensuite, bon, on a déjà évoqué cette lettre, Sophie, mais peut-être d'autres, qui évoqueront donc les événements encore plus récents suite à cette lettre. Merci. Écoute, je rajouterai encore quelque chose, parce que comme on est sur les titulatures, en fait, bon, je suis aussi membre du CNU, donc quand on parle de l'instance. Oui, alors moi, je suis pas gênée, mais voilà, je suis pas du tout à l'initiative, et donc la trame de tout ça, bon, Sophie quand ça s'est tramé, voilà, je ne suis pas dans le complot, je suis un DU. Alors, ça, bon, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça peut paraître antithétique, mais je suis une DU de base, donc c'est pour ça que je peux rester. Et je vais juste expliquer moi comment je suis rentrée, peut-être comment les DU même rentrent dans cette mobilisation. Pas évoquer le processus, mais le moment où on en est, non pas par rapport aux instances, le 4 novembre, je n'y étais pas, mais par rapport justement à quels moyens de mobilisation possibles et les réactions par rapport à ces moyens de mobilisation, parce qu'on tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Hein. Donc, je ne rappellerai pas, il y a eu une réunion, l'information elle a circulé par les directeurs de section. Qui ont relayé, donc je pense que ça aussi il y a des différences qui doivent avoir lieu selon la pugnacité, l'intérêt des directeurs de section qui ont relayé l'information. Je pense que c'est pour la 33e, bon, c'est clairement radiant, c'est très investi. Voilà. Donc je pense qu'on est certainement peut-être une des. Enfin, ça serait intéressant de voir comment cette mobilisation se fait aussi en fonction des directeurs de section. J'ai signé cet appel sans savoir du tout combien j'étais j'ai appris tardivement qu'on était nombreux. Comme c'était en septembre, je ne suis même pas rendue à la réunion du 24 septembre, donc je suis vraiment le début de base en province et qui était plongée à ce moment-là dans la rentrée. Et je pense que c'est aussi un élément qui compte comme temporalité. C'est-à-dire que je pense que cette rentrée, elle était la goutte d'eau quoi, qui a fait déborder le vase. Je précise que moi, je suis plutôt. Je suis DU depuis 2 ans. Que je considère que je suis un DU schizophrène, mais bon petit soldat. C'est-à-dire que je fais ce qu'il faut faire et je fais ce qu'il faut faire, puisque voilà, je dois le faire. Mais que les résultats de l'ANR, donc tombés pendant l'été, avait été un des éléments. Comme on n'en a pas parlé, je pense que voilà, c'est on parlait de l'appel à projet, mais je pense que là, l'été dernier, on avait ricané en voyant comment l'ANR avait été, les appels à projet avaient été recomposés, parce que c'était un décalque quasiment mot pour mot des projets ERC. Ils n'avaient pas beaucoup de travail, hein, parce que vraiment, ça avait été fait dans l'urgence. François Héran le dit lui-même. Hein. On avait quand même, évidemment, fait lancer les projets, donc tout ça pour un résultat final, qui est 2 phases. Hein, je pense que tout le monde est. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les 2 phases. Il y a eu 2 phases. Donc avant la NR. Et ERC aussi. ERC, European Research Council, donc c'est-à-dire le niveau européen de la recherche. Qui se fait par appel à projet aussi. Avant, donc, l'ANR fonctionnait soit sur des appels de part thématique et des appels blancs. Et là, donc, on n'avait plus d'appel du tout thématique. Hein, et donc, on rentrait dans les cases, en fait, d'Horizon 2020, puisque c'était exactement les mêmes thématiques que les thématiques européennes. Donc, on devait rentrer dans le défi de tous les savoirs, dans l'innovation, enfin, tout un langage... Tout à fait codé. Et on avait, comme pour l'ERC, un système à fusée à 2 étages. Hein. C'est-à-dire qu'on devait donc présenter des pré-projets, pré-projets très légers. Il y avait 10 pages, pas de projet. Et ensuite, donc, on avait la réponse en mars pour après présenter le nouveau projet. Et on avait donc 1 mois à peine pour présenter le projet complet après avoir été retenu par le premier étage de la fusée. Donc on avait vécu, moi je l'ai vécu en tant que déposant moi-même un projet d'ANR avec des collègues et vivant en tant que DU le fait de rassembler les partenariats pour les autres ANR des membres de mon labo. Donc on avait vécu quand même un mois d'avril assez sportif, parce qu'il y avait en vacances des uns, des autres, des personnels CNRS, c'est normal, mais bon, l'organisation. Tout ça pour arriver, en bref, donc à la situation qui est que il y a 5 ans encore, hein, c'est pour les bouts de la lettre, donc il y a 5 ans encore, donc l'ANR, à peu près 20%, le taux de sélection était de 20% des projets, et qu'il est tombé cette année à 8%. Résultat, par exemple, pour une université comme la mienne de Lille 3, qui est donc sciences humaines, hein, aucune ANR. Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ils sont tombés les ANR franco-suisses. Mais bon. Mais donc, voilà. Donc un taux très faible que conteste d'ailleurs hein, la direction de l'ANR, puisque François Laurent a dit que c'était pas 8, c'était 15. Bon. Ah, voilà. Je sais pas comment ils refont les chiffres. Hein, mais bon, ça, là, donc il y a une. Mais en même temps, il est venu, je pense qu'il a fait la visite de toutes les universités, il est assez, je vais dire. Pas une totale langue de bois sur ce qui s'est produit l'année dernière et le fait que les améliorations qu'ils ont envisagées pour cette année me paraissent quand même tout à fait saupoudrage. Et en fait, on nous invite, enfin, ce que j'ai compris moi, j'ai mal compris, j'ai mauvais esprit, mais l'idée c'est quand même de nous forcer tous, enfin, en SHS, enfin, de nous dire que ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on s'est beaucoup dispersé, on s'est tous mis dans un défi qui n'était pas le bon, et qu'il faudrait se mettre dans un autre défi qui sera le bon. On va recréer finalement. Un défi, entre guillemets, pour les SHS. Donc, toutes les SHS vont évidemment être au même endroit et donc se battre entre elles. Donc, par rapport au pourcentage, je ne pense pas que ça apporte plus de choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que ça fait partie du ras-le-bol en dehors de la reproduction de Furazo et autres. Je pense que cette période de la rentrée a été marquée quand même par l'idée que même quand on est un petit soldat, il y a des moments où on a du mal à supporter, plus l'annonce effectivement des baisses de crédit qui nous attendent, des gels de poste. Moi, je vois ça surtout pas du point de vue CNRS, mais du point de vue de ma tutelle universitaire, avec lequel mon président, je n'ai pas du tout de rapport conflictuel d'ailleurs. Et puis nous sommes en plein effectivement aussi dans l'IDEX, puisque nous n'avons pas encore de commu. Et donc, on nous explique que nous devons faire une commu pour pouvoir faire un IDEX. Oui, on n'a jamais le temps de faire tout ça. Nous faisons tout en même temps, bravo, pour janvier. Et donc, chaque semaine. Et ça aussi, c'était le ras-le-bol, c'est qu'on a. On pense constamment donc à remplir les cases de l'IDEX. Enfin, donc, chaque semaine, il faut qu'on donne des informations pour remplir donc l'IDEX. Et que j'ai dû. Qu'est-ce que c'est l'IDEX ? Alors, l'IDEX, c'est l'investissement d'excellence. Initiative. Initiative d'excellence, pardon. Initiative. C'est vrai que c'est investissement. Initiative d'excellence. Qui sont donc c'est différent des LABEX, qui sont quand même des projets thématiques. Là, on est simplement dans, je crois, montrer. Alors, voilà, on va expliquer qu'il fallait qu'on montre notre excellence pour pouvoir la promouvoir et obtenir le financement de cette excellence. Donc, on nous demande de définir notre périmètre d'excellence. Ce qui est évidemment très très agréable, c'est-à-dire qu'il faut désigner des gens excellents. Donc vous êtes censé désigner l'excellence de demain. C'est-à-dire le présent est peu important, mais on désigne l'excellence de demain. On m'a demandé clairement, un collègue m'a envoyé un mail un soir, un vendredi soir, en disant est-ce que vous pourriez m'indiquer plus clairement, faire remplir plus clairement les fiches à vos poulains. Donc voilà, je suis dans une. J'ai envoyé un mail un peu sévère en disant je n'ai pas une poulinière et que c'était pas mon travail. Mais résultat, ça veut dire quand même, ce qui paraît important aussi, c'est qu'on essaie de gérer, au mieux, du moins au quotidien, ces machines, on essaie quand même de créer du collectif. Au moins, de créer que les appels à projets, au moins, parce qu'on travaille ensemble, collectivement, et qu'en réalité, finalement, au final, quand on voit les résultats de l'ANR, quand on voit les processus d'organisation des IDEX, on n'a finalement qu'une chose à dire à nos jeunes collègues dans les labos, c'est déposer un dossier IUF, travailler de façon individuelle, puisque de toute façon, ce qui est valorisé, c'est l'excellence des individus. Enfin, et non pas finalement un processus donc collectif. Alors pour ce qui est de revenir donc pour la suite de la mobilisation hein, par rapport à donc à tout ce climat un peu délétère, et je crois dans lequel aussi a joué un élément, alors c'est peut-être un élément périphérique, mais quand on parle de la peur, quand on parle de ce qu'ils ressentent ou pas par rapport à, moi je pense qu'il y a quelque chose qui joue un rôle dans leur crainte comme ça de mobilisation qu'ils ne maîtrisent pas, mais aussi qui, à mon avis, donc, est une mobilisation qui montre notre faiblesse, c'est celle des classes préparatoires en 2013. C'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, ils ont peur des mouvements. Bon, et ça, c'est, effectivement, c'est plutôt une bonne chose de sentir qu'il y a cette peur des mouvements. Mais quand je parle des mouvements des classes préparatoires, c'est qu'un mouvement comme celui-ci est un mouvement qui touche très peu de gens, très peu d'élèves, très peu d'étudiants, machin, et qui finalement très vite atteint les sphères du pouvoir et obtient immédiatement qu'on arrête tout. Donc ça montre aussi notre faiblesse, totale faiblesse, par rapport à des mouvements qui eux obtiennent très très vite par les réseaux, par les voilà, c'est quasiment produisien. Bon, donc là, je crois que c'est quand même des mouvements qui montrent aussi que, et là sans en passer, par du vélo ou autre, enfin, il y a eu quelques, ils ont simplement les profs ont arrêté de travailler, les pauvres enfants qui n'allaient pas pouvoir faire leur hippocagne et cagne normalement, bon, là, c'était tout de suite, on a arrêté la chose. Je m'empresse de dire que, finalement, de façon schizophrénique, je suis une ancienne étudiante de classe préparatoire. Enfin, voilà, j'ai pas forcément un discours tout à fait légal. Alors, ce que je voudrais surtout peut-être dire, c'est que tout ça crée aussi une concurrence entre laboratoires. Évidemment, par rapport à la baisse de CV, ça paraît une évidence, mais c'était pas quelque chose qu'on vivait forcément au sein d'une université, la concurrence entre laboratoires. Et là, maintenant, on commence vraiment au sein de l'université. Ah, oui. Alors, ça passe évidemment par des modalités évidemment plus subtiles, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, enfin, et donc c'est démocratique, on s'est réunis pour définir des critères pour les crédits. Mais évidemment, chacun a l'idée des critères qu'il davantage. Donc mes collègues qui sont civilisationnistes, par exemple, ont dit que le critère le plus important, c'est les invitations à l'étranger. Non, puisque le fait passe. Enfin, bon, voilà. Donc chacun tire à la. Enfin, on arrive à des situations où on regarde si le machin a eu plus, moins. Donc c'est vrai que je pense que là, ça va forcément s'aggraver, cette tension entre laboratoires à l'intérieur des établissements. Alors, par rapport à la mobilisation des DU, donc, qui a quand même été assez importante, assez peut-être étonnante, j'en sais rien. Alors il y a ce qui est proposé, puis il y a une question que je me pose, donc discuter. On nous a envoyé un questionnaire aux signataires, très bien fait, donc nous posant des questions franches, directes et claires. J'ai pas fait d'analyse hein, de toutes les réponses au questionnaire qui nous sont parvenues, je crois, hier ou avant-hier. Enfin, bon, c'est pas eu le temps. Beaucoup de gens n'ont pas répondu, en fait. Enfin, ont répondu, mais ont refusé de se prononcer, je pense, c'est une modalité. Tout le monde, et je crois que j'en suis, a du mal à avoir une position de principe ferme, si ce n'est autour de la question des démissions. Mais après, s'il n'y a pas démission, les propositions, c'est effectivement de demander au DU de démissionner, soit de geler les relations avec les tutelles, d'une certaine manière, soit de refuser donc de faire un certain nombre d'actes qu'ils font. Alors, pendant longtemps, je n'ai pas été DU et je me suis toujours demandé ce que faisaient ces gens dans leur bureau. Maintenant, je le comprends, mais je sais quand même qu'on a. Enfin, alors, c'est peut-être. C'est quand même un endroit où on signe. Non, moi, je passe ma vie à signer des paraffeurs. Je ne signe plus, ça bloque beaucoup de choses. Donc je sais que je bloque quand même énormément de choses. Alors, je bloque des choses administratives sans intérêt, j'ai pas d'animaux à mourir, donc je vais pas les faire mourir de faim. Mais c'est vrai que très vite, on va quand même bloquer des problèmes, on va rentrer dans des problèmes qui vont être des problèmes humains, de toute façon, que ce soit des problèmes de gens qui, qui sont en train de monter des projets, qui sont en train de monter des conventions, de toute façon, c'est des problèmes qu'on a à régler, ou les personnels qui, évidemment, aussi donc, sont dans cette situation. Donc, est-ce qu'on refuse donc, là, de signer ce qui va être mis en place? Est-ce que les gens, là, on a bien vu qu'il y a une demande aussi par rapport à ceux qui sont dans la vague actuelle de l'ARS, hein, de. Ou pas. Bon. Donc là aussi, on voit bien qu'on n'est pas, on est pas dans la même temporalité non plus. Moi, la vague ARS, c'était l'année dernière. Bon, voilà. Donc là aussi, je pense que ça a joué un rôle, c'est qu'on pensait quand même que ça allait supprimer. Et là, ça n'a servi. Nous, on a passé quand même un temps fou à faire ces dossiers, comme d'habitude. Et là, il y a des laboratoires qui n'ont même pas reçu un rapport final. C'est-à-dire que. Donc on est vraiment dans cette. Alors. Dernier point, mais là c'est plutôt une question, donc ça c'est quelle modalité de mobilisation effectivement, d'action. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne sais rien, enfin, je veux dire, c'est vraiment pour moi simplement des ce que je pense. Et simplement je me posais la question, le 25 novembre, là où il y a la grand-messe de la réunion des DU, j'ai pas vu passer quoi que ce soit pour l'instant, qui soit, on y réunit tous les ans les DU. Ah oui, au centre 4-3000, très clairement, dans le 15e. Mais c'est des réunions par institut. Et non. C'est tout le monde. C'est par institut. C'est très fractionné par rapport à. Par institut. Le CNRS, c'est pour nous, c'est les SHS. Mais là, on est quand même 300 ou 400 réunis de ce moment-là. Donc, bon, est-ce que. On a eu la même suggestion hier à Strasbourg. Une directrice d'unité soulignait qu'il fallait faire quelque chose le 25. Voilà, enfin, je pense que sinon ça n'a pas de sens de signer des textes et ensuite d'aller écouter la messe. La messe, parce que c'est vraiment la messe. Je me pose moi-même la question. Je me suis demandé si j'y allais, en étant signataire, s'il se passerait quelque chose. Manifestement, il n'y a rien, on est quand même là, pas très loin de tout ça. Donc, ça montre bien quand même la difficulté, si je peux pas simplement parler de choses comme ça ponctuelles, ça montre bien la difficulté quand même de gérer des mobilisations, même si on sent bien que partout, ça prend un peu. Alors, avec des modalités différentes et des gens plus ou moins donc, investis dans l'organisation. Voilà. Merci. Des questions ou des réactions? Moi j'ai une question parce que alors on a fait le tour des personnes qui faisaient des présentations. Quelqu'un l'a dit et je suis absolument d'accord avec ça, on fait quand même ça essentiellement à la fois pour l'avenir, on va dire, et en particulier l'avenir des jeunes collègues. Or, il n'y a aucun représentant, soit de jeunes chercheurs, soit de précaires, soit etc. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est parce que ça ne s'est pas trouvé? Enfin voilà, là je m'adresse un peu aux organisateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas présents? Je ne sais plus si on a eu une idée ou si on a tenté quelque chose. Non. C'est un séminaire, on n'a pas évoqué les séances suivantes, mais on a commencé déjà à penser au programme. On fera des comparaisons avec d'autres métiers. C'est vrai que c'est un séminaire qu'on porte déjà depuis longtemps, donc c'est pas toujours, surtout la réunion de remise en route, elle n'est pas toujours facile, mais il nous est arrivé, notamment je parlais d'un homme il y a 2 ans, de faire des séances qui étaient consacrées effectivement à la question des personnels qui justement avec le départ en retraite sont très menacés. Donc non, là c'est pas du tout. D'ailleurs je sais pas si dans tous les mouvements qui ont été. Bon alors peut-être pas pour. Mais bon, voilà, je crois que dans chacun des mouvements, il y avait à chaque fois quand même plusieurs composantes. Donc alors par exemple dans la journée du 10 juin sur le site. Il y avait des collectifs de précaires présents aux tribunes et également dans la salle. Donc il y a un certain nombre de propos qu'on a publiés dans ce cadre-là, évidemment. Et des précaires étaient représentés à la réunion, la coordination, entre guillemets, hier matin. À Strasbourg, à toutes les réunions, il y a eu des représentants des jeunes chercheurs, des associations. formation de doctorants, désormais des étudiants. Mais il faut dire que la mise en réseau des collectifs de précaires est en train de se faire. Hein, parce qu'une des difficultés pour les précaires, c'est qu'en général, d'abord ils sont assez agacés parce qu'il y a une espèce de demande systématique de la presse qu'on leur trouve un précaire. Donc ils sont très souvent appelés par les autres mouvements parce que le journaliste voudrait voir un précaire. Et donc il y a des effets de représentation maintenant qu'ils évitent. Et il y a un certain nombre de collectifs qui durent depuis un moment, et là ils sont en train d'essayer de se mettre en réseau, justement dans le cadre de l'espèce de concertation qu'on est en train d'essayer de mettre en branle pour faire en sorte que ces mobilisations s'étendent, voilà. Et du coup d'essayer de désigner un collectif interlocuteur qui permettrait justement de les faire. Encore une question. Justement, à propos de ça, il y a un comité qui s'appelle le comité français. On a commencé sur Facebook. C'est Camille Boutron qui a démarré. Et à la base, elle est dans les sciences humaines, sociales, etc. Et parce que justement, elle trouvait qu'il n'y avait pas de représentation à ce niveau-là. Et moi, je suis en biologie, voilà. Donc, pour le coup, et on fait sciences sociales et biologie ensemble. Et ça marche très bien, on essaye de se débrouiller, on n'est pas du tout syndicalisé plus ou moins, on est avec d'autres gens. Et juste parce que c'est très difficile de rentrer là. Pour mon cas, après je passerai vite fait, sur Zomar, je m'y suis installée, mais c'est vrai que je fais partie, moi je suis au chômage, donc je fais partie d'aucune université, je n'ai pas de travail, donc je n'ai pas de représentatif, d'accord? Donc je fais quoi? Donc je m'installe dans Zomar, qui m'intéressait parce que ça représentait ce pourquoi j'ai envie d'aider et essayer de faire évoluer. Mais il n'y avait rien qui permettait, là-dessus, on est considéré soit n'appartenant pas à une université ou à quoi que ce soit. Et donc c'est vrai qu'en participer, c'est difficile. Donc ce précaire en colère que Camille Boutron a démarré était assez. Enfin, on n'est pas beaucoup, hein. On s'est retrouvés un soir et on était 7. Voilà, on démarre avec 7. Et maintenant, on est un peu plus parce que c'est passé par Facebook, en fait, par les systèmes sociaux. Et tout ce qui est relayé par Science en Marche est relayé par nous dès l'instant où on y adhère. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on espère que ça va grandir, mais le truc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de représentatif, on se débrouille comme on peut, et voilà. Et pour la plupart, on est des gens sans emploi. Voilà, donc c'est pas forcément évident, quoi. Et sans l'assédique pour certains, c'est-à-dire pas de soutien du tout, quoi. Financièrement, donc forcément, voilà. J'ai une question. Il n'y avait pas le projet de Frappéa qui existait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Alors pour le coup, moi je peux pas trop bien en parler parce que comme je le dis, la personne qui avait démarré Primera, pour ce que j'ai compris, c'était Cyril Catelin et d'autres gens que je ne connais pas forcément. Et il s'est arrêté pour des raisons justement qui se passent quand un collectif arrive, c'est qu'il y a beaucoup de têtes fortes, etc. Pour ce que j'ai compris, c'est en interne. Parce que pour le coup, Cyril Catelin, on était en biologie ensemble, donc on se suit. Moi, on a eu le même parcours. Moi, je suis partie aux États-Unis pendant 7 ans et lui, il est resté ici. Et vous connaissez son cas, Cyril Catelin, c'est celui qui est allé. Au tribunal pour soutenir le fait qu'il y avait la loi, je ne sais plus laquelle, Sauvadet, pardon, la loi Sauvadet qui disait qu'après 7 ans ou 6 ans dans le même institut, avec le même statut, on devait être titularisé. Donc il l'a obtenu, il a réussi à obtenir que l'INSERM soit condamné. C'est le deuxième cas, parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre en Bretagne. Donc ça démarrait de là, c'est parce que Cyril avait besoin de démarrer. Enfin, il avait commencé Primera avec ce groupe-là pour discuter justement de ce qui pouvait être fait pour arriver à partir en parallèle de Sciences en Marche, mais avec Sciences en Marche aussi, puisqu'il en fait partie. Et en fait, ça s'est arrêté pour des raisons de tête forte et qu'il voulait parler, je crois, que d'un truc qui s'appelait le Mandarina. J'avoue que je suis pas très dedans. Et voilà, et donc ça s'est arrêté là-dessus. Et en fait, là, on est précaires, les précaires de la recherche en colère. En colère. Ouais. Et voilà, et ce petit groupe est là, mais Camille est en route, voilà, et moi je venais pour participer et entendre ce que vous avez à dire sur le mouvement. J'ai participé à Sciences en Marche, justement, j'ai fait une étape avec quelqu'un de Nancy, entre Château-Thierry et. Avec Nicolas Soler. Voilà, exactement, entre Château-Thierry entre Château-Thierry et Meaux, et on a été le rejoindre de Paris parce qu'il était tout seul en fait. Voilà. Donc, et on était 4. Merci en tout cas d'avoir porté la voix des précaires. Donc à la fin vous nous trouvez, en fait maintenant on est avec Sciences en Marche et ce mouvement est là aussi. Et on est là pour. En fait on avait ce côté au départ, l'idée c'était qu'on était un peu trop éloigné de Sciences en Marche. Enfin, C'était un peu séparé Sciences sur Marche, parce que justement, les gens ne se retrouvaient pas dedans, notamment pour le côté sciences humaines, sciences sociales, je le comprends tout à fait. Je ne connaissais pas du tout. Et je vois que c'est, le système est complètement différent. Il est vraiment complètement différent. La précarité est encore pire, à mon avis, que ce qu'il peut y avoir en biologie ou en sciences dures. Puisque tout ce qui est auto-entrepreneur, etc., pour pouvoir enseigner, enfin bon, c'est un mac-mac horrible, pour ce que j'en ai vu, qui est encore pire que le côté biologique, et enfin, le côté sciences dures, hein, qui est l'appel à projet. Mais les deux, enfin, dire, on peut tout à fait s'entendre, et je vous rejoins là-dessus, il faut juste y aller, quoi. Il faut y participer, et on est là pour écouter, quoi. On veut tous la même chose, en fait. Je tiens à dire que Camille est l'auteur d'un excellent billet de témoignage sur son blog Mediapart, qu'il faut lire absolument, c'est poignant, c'est remarquablement bien écrit. Le blog de Camille Boutron sur Mediapart, on trouve facilement. Christian, tu as une question? J'ai juste une observation sur ce que disait Sylvie, peut-être auparavant une précision. J'ai effectivement été trop allusif quand j'ai posé la question à Pascal de la place des biologistes en mouvement. Je voudrais expliciter ce que je voulais dire. C'est une expérience extrêmement amère que nous avons eue en 2004, au moment précisément du mouvement qui où le SNR s'est créé et où nous avons observé un certain nombre de jeunes loups de la biologie qui militaient puissamment au sein du mouvement pour la création d'une agence de moyens qui est à l'origine de la création de tous les pas mal de des précaires dont nous souffrons aujourd'hui. J'en dis pas plus, mais j'explicite les raisons de cette observation parce qu'il ne faudrait pas que ça soit mal interprété. En ce qui concerne ce qu'il dit, Sylvie, je voudrais faire une observation sur les bons petits soldats. Parce que ça, c'est une chose que dans ce séminaire, je crois, dans les conversations professionnelles depuis quelques années, on observe tout le temps. Mais dans ce séminaire, c'est presque un endroit d'observation ethnographique de cette situation. Il y a ceux qui n'ont pas de responsabilité. J'en fais d'ailleurs partie. Et puis il y a ceux qui en ont. Et c'est un clivage majeur. Les premiers disent qu'il faut refuser tout ça. Il ne faut pas aller, il ne faut pas préparer des rapports à l'ARS, il faut boycotter les politiques physiques. Les projets LNR, c'est donc créer la ligne d'excellence entre les bons et les mauvais, on ne va quand même pas faire ça nous-mêmes, etc. etc. Ça, c'est ANR free. Hein, voilà, ça, il y a des gens entre nous qui sont comme ça. Et puis il y a ceux qui, tout naturellement, dans la dynamique de carrière de recherche, et heureusement que vous êtes dirigé par des collègues, et pas encore, que totalement par que des managers. Donc il y a ceux qui sont en charge, qui ont des responsabilités et qui font tout ce que le synodie on nous explique. Parce que c'est des volontés. Et bon, ça c'est une situation dont on ne peut pas sortir. Et les points sur lesquels on peut imaginer qu'il y a un mouvement collectif de refus, de soumission à un certain nombre de choses sont des points limités, mais on ne peut pas, ne pas poser la question. Et c'est un petit peu le problème que vous posiez. Est-ce qu'il est imaginable que un collectif, comme il s'en constitue actuellement, le directeur d'unité, refuse certaines choses, pas tout, parce qu'autrement, la machine s'arrête, et ça, c'est un bon rêve. Moi, j'adorerais, on adorerait tous que ça arrête, c'est comme ça. Le rapport de force n'est pas là. Donc, on peut imaginer que des directeurs d'unité puissent refuser de faire qui soit non pas significatif seulement de leur mécontentement, mais qui soit significatif de leur refus de tel et tel point de la politique. Et moi, je me souviens qu'au moment en 2009, il y a eu le refus de faire remonter les maquettes de Master, qui est quand même un refus de masse. Hein, voilà. Et puis, bon, le front a cédé parce que là, on est tous obligés de faire marcher la machine. Et on est en concurrence avec les autres Masters. Voilà. Donc c'est une question très difficile et qui ne doit pas nous diviser, qui doit nous faire réfléchir ensemble, mais à laquelle, si on trouve une réponse ce soir, on n'aura pas démérité de la poterie. Dans l'ordre, il y avait d'abord vous qui posez des questions. Moi justement, je ne suis pas chercheur universitaire, mais j'ai été. Je suis militante des associations de chômeurs, de précaires. J'ai co-fondé en 2001 le réseau Stop Précarité, et puis je suis dans ce qui reste d'agir ensemble contre le chômage. Et j'ai aussi créé avec d'autres, hein, bien sûr, 250 personnes sont passées dans ce réseau, un deuxième réseau de lutte contre les logiques, la souffrance au travail qui résulte des logiques de privatisation et de néo-management libéral qui s'appelle Stop Stress Management. On va changer de titre parce que ce n'est pas le stress qu'on dénonce. c'est la destruction de nos métiers. Voilà. Alors, justement, nous, nous sommes d'ailleurs dans notre réseau Stop Stress Management, où on a fait déjà une dizaine de débats et on compte aborder, mais on a eu des petits problèmes de piratage de nos mailing lists, enfin vous connaissez. On voulait aborder prochainement la souffrance au travail due aux logiques de privatisation dans les services publics, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Moi j'essaye, puisque je suis maintenant sur la liste coordination nationale, SPHP, enfin, l'autre net, etc. Donc je suis très bien alimentée de vos informations, même si je ne peux pas tout comprendre dans les sigles, etc. Je suis là pour vous dire que nous voulons relayer vos actions. Je n'ai pas pu participer à Science en Marche, j'aurais bien aimé, j'avais des soucis personnels. On est peu nombreux, mais il y a bien 200-250 personnes qui, depuis la création du réseau Stop Stress Management, sont passées chez nous, qu'ils soient de Pôle emploi, qu'ils soient de la Poste, qui est en pleine destruction, qu'ils soient de l'inspection du travail, qui va être supprimée, la médecine du travail, on va faire un débat, bien sûr, qu'ils soient des centres d'appel, qu'ils soient du public ou du privé, c'est les mêmes logiques partout. Donc nous sommes à vos côtés avec nos petits moyens pour relayer ce que vous faites, mais surtout, justement, essayer d'éviter que les gens luttent isolément, peut-être un peu trop fidèles à des logiques syndicales qui ne sont pas forcément coopératives. Et nous, nous voulons aller au-delà des étiquettes syndicales. On ne veut pas du tout se substituer aux syndicats. Je suis au courant que les postiers sont en train de créer leur coordination. Je vais y aller fin novembre. Les cheminots, c'est pareil. La crise syndicale est telle que les gens sont obligés, quand ils sont encore syndiqués, de se doter de leurs propres outils de lutte. Donc je suis là pour ça, et je dis juste en passant que par exemple, parmi dans les membres très actifs de notre réseau, qu'on recrute d'ailleurs par des cours gratuits de droit du travail dans l'autre réseau que j'avais cofondé avec des précaires en 2001 qui s'appelle Stop Précarité, il y a deux cas, mais poignants. Une dame, fonctionnaire d'éducation nationale en longue maladie et qui se fait reconnaître handicapée début 2014 et qui a droit à un poste aménagé. Là, il y a 15 jours, elle vient tout simplement de se faire licencier parce qu'elle n'a pas su se défendre, n'a pas su se faire accompagner. Un autre exemple, il y en a une autre aussi, qui est là encore après un handicap reconnu, n'ayant jamais eu de poste adapté, elle n'a plus de salaire, elle est menacée par l'huissier. Ça, c'est le premier problème. Des gens qui apparemment sont licenciés du jour au lendemain de l'éducation nationale quand ils commencent à avoir des problèmes de santé ou de handicap reconnu. Le deuxième problème, ça rejoint ce que vous disiez, madame. Nous sommes avec des gens parmi nous qui veulent créer, et je leur dis, mais ça existe, donc il faut que je les branche sur ce que vous êtes en train de dire, qui veulent créer des collectifs de précaires de l'éducation nationale. Vous connaissez le problème mieux que moi. Donc on en a plein qui viennent nous voir dans les cours de droit du travail, qui sont donnés ces cours par des juristes bénévoles, syndiqués ou pas, depuis 10 ans. Et donc on veut travailler avec vous parce que nous, on n'est pas spécialistes de ça. Moi, j'ai participé activement au mouvement contre le CPE, ensuite au mouvement contre la LRU. J'ai écrit dessus toute une enquête que je n'ai pas publiée, parce que j'ai mieux à faire que de publier, malheureusement. Je suis engagée dans beaucoup de luttes par solidarité. Mais cette recherche est à votre disposition, mais elle a été finie en... c'est un bilan des luttes des étudiants et des chercheurs. J'ai subi la grève des chercheurs, bien sûr, en 2009, de 6 mois. Et je voudrais actualiser tout ça, mais ce n'est pas l'intérêt. C'est que je suis là pour vous dire que nous rencontrons ces problèmes et nous ne sommes pas armés pour y répondre. Donc on vient vous voir pour resserrer nos liens avec vous. Merci beaucoup. Merci. Il y avait d'autres questions. Je voudrais juste reprendre, c'était quelque chose qui paraissait pas trop... Bon, je ne citerai pas le nom, à moins que quelqu'un d'autre le veuille le faire, parce que, disons, nous avons tous reçu aujourd'hui un petit mail d'un collègue qui a annoncé qu'il avait été, à propos justement de la notion de peur soulevée par Sophie, de la notion donc de concurrence entre laboratoires et entre individus, et de la notion de la division entre ceux qui ont des responsabilités et non pas de responsabilités. Alors ce collègue était... à la tête d'un laboratoire, en plus d'un domaine du numérique qui est quand même le domaine sur lequel tout le monde se cause comme étant la réponse, disons, à la totalité des problèmes de l'univers. Et, disons, apparemment, il avait été appelé sans aucune préavis et pratiquement son laboratoire a été déçu. Et, Et au moment, parmi les choses, quand il a essayé de se défendre, une des choses qui a été dite contre lui a été le fait qu'il appartenait justement à un autre petit mouvement de politique des sciences. Donc ça me paraît un cas parfait disons un exemple, un micro-exemple d'accord, mais d'enjeux qui se mettent en place et qui peuvent nous frapper. Par ailleurs, vous voyez, il n'est pas licencié dans le sens qu'il sera à la rue, mais quand même, vous voyez bien qu'il a la précarité de sa position. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de ça, comment il faut réagir, quel commentaire faut-il faire, mais je me permets de donner cet exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Oui, je voudrais revenir sur cette problématique des U. Pour reprendre un peu un des textes fondateurs de SLU qui s'appelait Le président de l'université ne parle pas en notre nom, je voudrais poser la question, est-ce que les DU parlent en notre nom? J'ai posé la question à une personne qui est assez proche de Sciences en Marche, parce que là on discute stratégie. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, ça démarre avec les DU, c'est un sac normal, etc. Mais après, on peut se poser la question de descendre à un niveau de granularité plus bas. Je ne veux pas dire des vrais gens, des vrais chercheurs, des vrais anciens chercheurs, mais enfin. La réponse qui m'a été faite, c'est oui, en fait, les politiques et les médias on voit bien les politiques, ils se rappellent de Malik Houssekine, ils sont terrorisés par ça dans les manifestations, etc. Et de la même manière, ils se rappellent des DU qui démissionnaient ou allaient démissionner à la mairie de Paris. Et donc, ça va marcher parce que c'est engrammé dans la tête à la fois des médias, des journalistes et puis des politiques. Et donc, comme c'est ça qui compte, donc là, on discute stratégie. C'est toujours pareil, on voit ça dans nos syndicats, on est éventuellement d'accord sur les analyses, asymptotiquement là où on veut aller, mais on se bat comme des chiens sur des histoires de stratégie, parce que les gens vont dire tout ce qui compte c'est les médias, on s'en fout, on n'a pas la mobilisation, on est trop faible, etc. Donc, a priori, cette histoire de DU, on peut considérer que c'est juste une histoire de stratégie et rien d'autre. Mais si on considère, au-delà qu'il y ait une légitimité des DU, parce que je regrette, mais il y a quand même des gens qui sont élus dans des conseils. Alors on peut dire il y a peu de gens qui votent, etc. Il y a un biais démocratique, il y a ceci et cela. Enfin, il y a toutes sortes de représentations, la représentation syndicale. Oui, mais les gens votent quand même. Après, on peut dire il y a des biais. Il y a d'autres formes de légitimité que les DU. Et il me semble que là, il y a d'une certaine manière, la LRU a triomphé, et la LRU 2.0 de Fioraso, qui est une forme de caporalisation des choses, on considère comme normal que le chef représente les gens. Donc ça, cette histoire de représentation qui serait par définition légitime des DU me semble curieuse. Mais il n'y a pas de représentation des DU. Justement, ce qui s'est passé avec cette lettre des DU, c'est d'essayer, ce qu'on a essayé de faire dans l'ensemble de ce mouvement depuis le début, c'est qu'à peu près tous les niveaux de mobilisation soient tentés. La plénière, c'est le comité national. On essaie aussi de se mobiliser avec le CNU et la CPU, de façon à ce qu'il y ait le niveau des instances représentatives. On essaie de faire en sorte que les syndicats restent dans le jeu, que les collectifs qui veulent rentrer dans le jeu puissent le faire. Sciences en Marche, c'était un collectif. Les DU, c'est une action parmi d'autres. Il est hors de question que les DU parlent au nom des autres. C'est même pour ça que cette lettre avait été organisée, pour distinguer entre eux la façon dont les DU signaient, eux, une lettre, pendant que, par ailleurs, la pétition continue à être signée. Les 20 000 personnes qui ont signé la pétition ne sont pas tous DU. Ils parlent chacun au nom de chacun. Les gens qui sont allés dans Sciences en Marche, ils parlent en leur nom. Donc, pourquoi vouloir toujours faire des trucs de compétition? On cherche à mobiliser tous les canaux possibles. La réunion de concertation qui était hier, il y avait tout ce qu'on a pu trouver comme forme d'association et d'instance qui avait envie de venir ensemble travailler à étendre le mouvement, en sachant que pour mobiliser chacun des morceaux de notre communauté, on n'utilise pas forcément les mêmes canaux de diffusion. C'est tout. Donc il n'est en aucun cas question que les DU parlent au nom de qui que ce soit. Ils ont signé individuellement une lettre au président de la République. Et quand on les a consultés, donc le questionnaire auquel Sylvie a dû répondre, on essayait premièrement de tester quelle était la possibilité de réaction. Un quart d'entre eux ont dit « je ne veux pas répondre sans avoir fait d'AG dans mon laboratoire ». Et on leur a répondu « eh bien là, on a réussi ». si cette consultation a permis qu'un quart des DU, des 830 DU signataires, ait organisé dans le mois qui vient une AG dans son labo, on est super contents de nous, beaucoup plus que s'ils avaient tous répondu « oui, ça y est, je démissionne demain ». Donc, pourquoi essayer de dire que c'est une façon de faire parler des chefs à la place des autres? Elle a l'air d'un chef, Sylvie, franchement. Non, si je peux, enfin, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que j'avais oublié effectivement de mentionner qu'une grande partie des non-réponses, et ma réponse, elle contenait implicitement, mais bon, évidemment, il faut mieux que je l'explicite, c'est que toute prise de décision, là, il n'y a pas de prise de décision, c'était juste une signature à un niveau. J'ai considéré comme étant un niveau, et un niveau qui était un niveau de blocage possible, donc qui pouvait avoir une résonance. Mais toute modalité d'action passe évidemment, enfin, je veux dire, je ne sais pas comment vous voyez le système, fonctionnement, on fonctionne forcément avec un conseil de labo. Il y a des représentants, pour expliquer, un conseil de labo, quand ça fonctionne, il y a des représentants, des étudiants, des athos, des chercheurs, les enseignants-chercheurs et des chercheurs CNRS. Et donc le message que Sylvie recevra demain, qui est la suite de cette affaire, donc qui va d'une part rendre compte de ce qui s'est passé chez Vincent Berger, ouais, qui de fait a reçu les DU, et pas Science en Marche, et pas les organisations syndicales. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, le comité de pilotage connaît Vincent Berger. La plupart, il y a la moitié des membres du comité de pilotage, ont bossé avec lui. Donc c'est pour ça qu'il nous a reçus. Mais aussi parce que de fait, il y avait ses signatures. Donc demain, il y aura à la fois un compte-rendu de cette réunion, et en même temps, une demande express dans le cadre de la concertation qu'on est en train d'organiser. Ce qui importe le plus, c'est qu'on arrive à faire des AG localement. Donc ce que les DU sont capables de faire en proposant des AG dans les labos, que ça s'articule avec des AG qui soient locales, avec les UFR, avec les précaires, une fois encore, qui étaient dans la réunion de concertation hier, Camille était là et Myriam y était, donc d'essayer d'organiser ça pour que justement ça prenne de tous les côtés. Donc pourquoi essayer de dégommer un truc qu'on a essayé de faire d'un côté et dans lequel on pousse au maximum pour que ça donne des AG au motif que ces gens-là, effectivement, ils ont signé comme DU? À quoi ça sert? Moi, j'ai passé tout mon temps à éviter que Science en Marche prenne la gueule avec les syndicats, à éviter que le comité national soit séparé de la CP. J'en ai ras-le-bol, quoi. Je me permets juste de dire une chose qui est un petit peu différente des réponses de Sylvie et de Sophie. Une voix plus douce. Je peux comprendre qu'on garde souvenir amer et cuisant de 2004. Je peux comprendre qu'on ait une représentation des directeurs de laboratoire pour un certain nombre d'entre eux, ou d'entre elles, hein, peu importe, comme étant, ça existe, hein, petit chef qui harcèle leur personnel, ça existe aussi, j'en connais. Enfin, mais je ne pense pas qu'on puisse ne pas parler ou s'interdire de parler avec eux, de travailler avec eux, tout simplement parce que ce sont des collègues. Je parle avec tout le monde, même avec mon président de l'université, même si je ne considère jamais comme un ennemi. Je ne pense pas que les DU sont des ennemis. On peut être adversaire, avoir des oppositions fortes, même parfois violentes, vigoureuses. On peut aller très loin dans la critique et dans l'opposition, mais je ne pense pas que par principe on puisse dire c'est un mouvement de DU et parce que c'est des DU on n'a pas de relation avec eux, on les condamne. Les DU sont aussi divers que les collègues, je crois que ce que je crois profondément à la nécessité aujourd'hui, surtout si des coordinations devaient se mettre en place, à ce qu'on ne perde aucune potentialité de mobilisation. Il y avait 3 DU présents à Strasbourg hier, c'est très très peu. Il y en a 16 à Strasbourg qui ont signé, 3 étaient présents. En biologie et 2 en SHS. ils vont tous consulter, les trois vont consulter leur base avant de prendre des décisions. Certains sont favorables à une grève administrative, d'autres à des démissions en bloc. Hein, voilà, une démission en bloc, ça pourrait avoir du sens. Ils sont tous d'accord sur un point, il faut agir. Parce que ne pas agir, ce serait une catastrophe. Parce qu'on va crever, ce n'est plus tenable. Et tous les trois étaient d'accord pour dire, si on le fait, hein, ce n'est pas pour nous, et c'est pour les membres de l'équipe, et en particulier les plus précaires. Alors bien sûr, tous les DU n'ont pas ces positions-là, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas tous ces positions-là qu'il faut faire un rejet en bloc d'un mouvement de DU qui peut avoir un impact significatif sur la mobilisation. Merci. Je passe la parole à Christian. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont lancé BDS et j'étais DU en même temps pendant 2 ans. Ça n'a pas du tout empêché. L'un n'a pas empêché l'autre. Donc, il y a toutes les catégories possibles. Je suis sur les mêmes positions que vient de développer Pascal sur la question, mais c'est pas ça que je veux dire. Il faudrait qu'on fasse un peu la sociologie de notre institution. Alors, évidemment, d'un point de vue de sciences sociales, on peut dire qu'en gros, le directeur du lit. Le problème des sciences sociales, dit le CNRS depuis bien longtemps, c'est que les unités sont trop petites. Par voie de conséquence, les directeurs d'unité sont proches des gens. Donc il y a des raisons structurelles à ce que, par exemple, Sylvie soit là et qu'Isabelle rappelle qu'elle était directrice du CRH et que on a tous fait ce job à un moment ou à un autre de nos vies. En SHS, c'est particulier peut-être par rapport à une expérience de biologie où là on a très très bon labo concentré très très longtemps. Donc ça c'est une différence. Une autre différence, et là je crois qu'il faut y être attentif, c'est qu'en fait, j'ai un petit peu mélangé du normatif et du descriptif. Moi, je crois que nos institutions, il est bon que ce soit dirigé par les gens qui les peuvent. Sauf que, ce qui est en train de se produire depuis quelques temps, peut-être depuis plus longtemps que je ne peux pas y penser, mais enfin quand même, c'est l'apparition d'une espèce de caste. Mon caste est un mot. C'était un mauvais concept pour ça. Ils ont une espèce de groupe qui se spécialise dans la gestion. Donc, quand on dit un président de diversité est un collègue, non. Certains oui et d'autres non. Je pense qu'à partir de 2 mandats, ils cessent d'être nos collègues. Or, ce que toutes les réformes en cours sont en train de fabriquer intensément, c'est la séparation entre ceux qui gèrent, qui viennent de chez nous, bien entendu, c'était nos frères, nos cousins et nos sœurs il n'y a pas tellement de temps, et maintenant c'est devenu autre chose. Voilà. Mais je crois que faire le partage entre ceux qui sont encore des nôtres, parce que tout simplement, au bout de 4 ans, ils retournent à leur paillasse ou à leur livre, et dans ce cas, très bien, on est content qu'ils aient fait ça, et surtout qu'ils arrêtent, parce que quelqu'un d'autre va faire cela. Et ceux qui, au contraire, s'incrustent dans ce job et qui deviennent inévitablement des adversaires radicaux. Moi, je vois que des collègues qui disent « J'en ai marre de ce boulot, 4 ans, ça suffit, et je rentre chez moi. » Je vois que ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. On établit 2 types de catégories dans les collègues qui sont plus nos collègues éventuellement, quand à partir du 2 mandats ils sont présidents d'université, et puis les collègues qui restent les collègues. Mais je pense que c'est une manière de décrire qui est un petit peu trop individuelle dans ces catégories, puisque cette dichotomie ne peut pas se faire sans que et les uns et les autres ne soient transformés par le fait que des personnes qui sont nos collègues ne sont en réalité plus nos collègues. C'est-à-dire que ce phénomène-là, le fait qu'il y ait des collègues qui deviennent des personnes qui ne sont plus des collègues, n'a pas comme seule conséquence qu'une caste gestionnaire. Elle a aussi comme conséquence le fait qu'immédiatement, il y a parmi nos collègues, qu'on considère à l'écrit comme étant nos collègues, les personnes qui acceptent la situation, qui la stabilisent, qui la souhaitent et qui, en fait, ne reviendront jamais sur le fait que ça se passe avec leur accord. Et au début du séminaire, on a évoqué la notion de démocratie universitaire et vous avez signalé le fait que vous doutiez fortement de recevoir beaucoup d'adhésions autour du concept de démocratie universitaire. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette notion-là, finalement, on l'a convoquée relativement à des instances qui sont des instances liées à des élections professionnelles, comme le CT, qui est une élection professionnelle, et qu'on semblait exclure, enfin plutôt... On confond, il me semble, même quand on convoque la notion de démocratie universitaire, on oublie de dire à quel point elle devrait être pourtant au cœur de la vie de l'établissement lui-même. Non pas dans le cadre des élections professionnelles, mais dans la vie des universités elles-mêmes, comme dans la vie des laboratoires, comme dans la vie des équipes de recherche. Et finalement, il y a eu une espèce de malentendu tout à l'heure entre deux intervenants, qui, je pense, est en partie alimenté par votre manière même de témoigner de votre expérience de directrice d'unité, où vous n'hésitez pas à dire que vous êtes un bon petit soldat qui fait ce qu'on lui demande de faire. Et moi, je me suis dit, mais c'est qui le donneur d'ordre ? Dans cette histoire, dans le bon petit soldat, est-ce que le donneur d'ordre, c'est le laboratoire à la tête duquel vous êtes et vis-à-vis duquel votre fonction est censée, dans cet édifice qu'est l'enseignement supérieur et la recherche, avoir du sens et le seul sens possible. Finalement, les décisions administratives sont une manière de fonctionner collectivement à une autre échelle, mais à l'échelle d'un laboratoire, un directeur d'unité doit être un bon petit soldat aux ordres de ce que veut son laboratoire. Et j'ai cru comprendre que c'était évidemment plus de ça dont vous témoignez ce matin, enfin ce soir. Et je pense que dans l'intervention de Jean-Marie, il y avait un éclairage sur cette réalité qui était demandée. Et dans votre manière de réagir, vous avez donc dit très spontanément, bien évidemment, vis-à-vis des questions qui sont posées pour la suite de la mobilisation contre, je consulterai mon laboratoire. Bien évidemment. Mais je pense que la réalité est que, de fait, il y a un certain nombre de laboratoires dans lesquels, bien évidemment, ça ne se passe plus. Non seulement parce que des collègues qui ne sont pas présidents d'université, mais qui sont directeurs de laboratoire et qui sont déjà de fait plus exactement les collègues de base. C'est pas forcément le cas et c'est peut-être un effet de taille, mais c'est une réalité. Et à cette échelle même, ces collègues qui ne sont plus exactement des collègues comme les autres, sont devenus ou sont ce qu'ils sont avec l'accord et l'adhésion de collègues qu'on continue à concevoir comme à peu près nos collègues, mais qui ont déjà changé. Oui, peut-être tu réponds qu'il y a juste Joël. si j'ai encore la possibilité. Oui, non, dans la nuance. Je suppose un collègue anonyme, donc je n'ai pas moi d'élu. Mais ça fait ça. Mais voilà. Donc moi j'ai accepté naïvement. On croit à la rédemption. On croit à la rédemption, d'accord. J'ai accepté. Enfin, là, je suis d'élu au même titre que ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire parce que j'y crois encore, parce que j'ai envie de choses collectives. Donc ça me paraît l'évidence. Enfin, bêtement une évidence. Quand je dis que je suis un bon petit soldat, ça veut dire que je ne suis pas assez stupide pour croire que je ne fais que ça, qu'être au service de mes collègues, et que je réponds aussi, évidemment, chaque semaine, à, ne serait-ce qu'en diffusant l'information qui me vient d'en haut, des appels à projets, que c'est une forme de pression, d'incitation, qui est forcément... l'information que je... Même l'information que je délivre, simplement la renvoyant par mail, elle n'est pas neutre. Donc, je refuse, si vous voulez, de croire à la neutralité de mon action. Enfin, je ne suis pas complètement... Voilà, c'est pour ça que je parlais de mon petit soldat, c'est qu'il y a, le bien commun pour lequel je pense que j'essaie de travailler, et puis il y a en même temps tout ce que je sais très bien, pertinemment, de cette fonction et des nécessités financières enfin, dans lesquelles je suis impliquée pour faire fonctionner et pour aussi et pour les doctorants aussi enfin je veux dire c'est pas on parlait des collègues mais il y a aussi ce système des doctorants voilà bon qu'est-ce qu'on fait pour on pourrait parler des allocations doctorales je peux très bien ne pas vouloir rentrer dans ce système là mais pour les voilà bon. Donc et je suis très contente quand je retiens voilà. On est au système là, mais je crois que déjà, faire partie, je vais dire, des DU qui considèrent qu'ils ont les deux volets, c'est pas mal. Parce que les gens qui n'ont pas signé du tout la pétition sont des gens qui, donc, ne donneront aucune information sur ça à leur labo. Et donc, si vous voulez, on est dans un système, moi j'en connais, des gens qui n'ont une pétition. Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Donc on est faut prendre les choses au niveau où elles sont actuellement de manque de mobilisation et de difficultés pour pas mythifier effectivement cette démarche en attendant extraordinaire. C'est vraiment pas du tout pour ça que je suis venue pas dans cette minute là du tout. Et je pense que c'est déjà symptomatique de quelque chose. Voilà, c'est tout. Je pense que je témoignais simplement de tout ce qui se... Et on parlait, si je peux 30 secondes encore parler de... même chose pour le CNU. Enfin, je veux dire, on a vu notre tâche s'accroître énormément cette année encore avec les primes d'excellence de recherche qui se sont rajoutées à tout ce qui était déjà... ça fait encore... une semaine de plus de travail pour un système dans lequel on n'est plus, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà, c'est une fois de plus une schizophrénie par rapport à tout ça. Joël, oui, je pourrais dire une petite chose. Je suis en transition parce que justement, en fait, une des choses qui me semble manquer dans le texte de Sciences en Marche, même les récents, où il y a une évolution, effectivement, c'est justement une critique du milieu. C'est-à-dire qu'en fait, à Paris 6, où je travaille, si on cumule les primes enseignants-chercheurs hors statutaire, donc les primes d'excellence pédagogique, les primes de fonction, etc., enfin pas de fonction, c'est sans emploi. D'accord ? On a fait le même calcul. Voilà. Et là, il y a des patrons à Paris 6 qui n'hésitent pas à défiler dans la rue pour. Et donc, ces gens-là, qui étaient à SLR en 2004, sont les gens qui ont mis en place ce système à Paris 6. Donc, un petit peu de réticence de temps en temps à descendre dans la route avec lui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que non plus que je tire sur le mouvement à boulet rouge. C'est juste que jusqu'à ce moment, je me retire. Bon, là, je pense qu'on va peut-être bouger un minimum. Donc, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui manque. Et ça, c'est la destruction du métier. C'est-à-dire, ces gens-là ont détruit notre métier. Ces gens-là touchent des primes pour s'occuper de maquettes d'enseignement, pour tout bouleverser, pour vraiment foutre la merde totale partout. Donc, et c'est des primes qui prennent sur, même si on n'avait pas d'augmentation, même si le CIR restait au niveau où il est, je veux dire, si on lâchait toutes ces primes d'excellence, sur lesquelles en plus on passe du temps d'évaluation en plus, je veux dire, tout de suite il y a un gain d'embauche terrible. Alors, ça ne veut pas dire que le CIR, évidemment, il faut le raboter à zéro, mais déjà. Il y a deux réactions à ma droite et à ma gauche, et après, Sophie, je te redonne la parole pour de la rencontre avec. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, dans quel ordre ? Bon, peut-être. Je vous laisse peut-être parler. C'est très rapide, on finira. Étant donné que je suis depuis 1994 dans le mouvement des chômeurs et maintenant en contact avec des salariés publics ou privés dont le métier est démoli, à qui on demande, puisqu'ils ont, ils subissent des injonctions d'en haut, comme l'explique très bien Frédéric Lordon dans son livre « Désir, servitude, capitalisme », on a des injonctions d'en haut pour faire finalement ce qu'on peut appeler du sale loup, c'est-à-dire mettre les gens en concurrence, oublier le sens d'intérêt général et du service public, se mettre aux ordres des marchés. Et on est obligé de répercuter ces ordres et de devenir aussi, pas des salauds, mais disons des collaborateurs de ce système que l'on dénonce et qui nous détruit. Et donc c'est en cascade. Et nous, dans nos réseaux, que ce soit Stop Précarité, que ce soit le mouvement des chômeurs, un peu moins peut-être parce que c'est encore autre chose, et d'ailleurs il est moribond, hein, le mouvement des chômeurs. Heureusement qu'il y a la CIP des intermittents et précaires qui est beaucoup plus péchu. Et que ce soit dans les réseaux avec qui nous collaborons, l'appel des appels, les périphériques vous parlent, SOS fonctionnaires victimes, enfin je ne vais pas faire la liste, on est en train de monter des partenariats avec beaucoup de réseaux, y compris de psychologues d'associations, contre cette souffrance au travail qui est due au fait qu'on nous empêche de bien travailler pour l'intérêt général. Nous avons les mêmes enjeux et les mêmes difficultés, parce qu'à partir du moment où on refuse effectivement, et c'est encore pire pour vous puisque vous avez à gérer des doctorants, des étudiants, et je me rappelle bien du mouvement contre la LRU, c'est ça qui a bloqué, parce que la grève des chercheurs, elle a bloqué sur le fait qu'on n'allait quand même pas leur faire perdre complètement leur année. Et ça donc, simplement pour dire que nous sommes tous confrontés, que ce soit dans le public ou dans le privé, dans l'automobile, tout ça, j'ai fait un tour de France des usines en lutte en 2009, là aussi le bouquin est sur internet, nous sommes confrontés à la même chose, c'est-à-dire ces logiques financières, de financiarisation et de privatisation, nous amènent à détruire le sens public d'intérêt général de nos boulots. Et donc il faut que nous agissions ensemble, et c'est là que c'est très difficile, parce que moi, mon expérience, je suis syndiquée bien sûr, je m'aperçois que si je veux élargir quoi que ce soit au-delà de mon syndicat, je me fais taper sur les doigts par mon syndicat et que nous sommes perçus comme des concurrents. Or, nous sommes obligés de sortir de nos étiquettes associatives, syndicales, etc. C'est obligé. Et nos luttes ont une difficulté extrême à s'unir. Les postiers du 92 ont fait 5 mois de grève. Ils sont actuellement en cours de licenciement, pas trop soutenus par Sud, hein, bien que ce soit à Sud. Eh bien, ils ont été lâchés quand même, ils morflent et puis il va falloir qu'ils recommencent. Il n'y aura bientôt plus de postes en France. Et puis, je ne parle pas des cheminots, je ne parle pas... On est tous au même régime. Comment nous unir ? On est arrivé à un point là de la discussion qui est vraiment crucial, très très important, puisque c'est la question du... entre autres, hein, ce n'est pas que ça, mais de mon point de vue, c'est la question des rapports entre démocratie collégialité. La démocratie était tellement abîmée que la collégialité a quasiment disparu dans l'université et les organismes de recherche. J'ai un désaccord de fond et profond sur le fait de considérer des collègues en raison de leurs pratiques, toutes condamnables ou exécrables qu'elles peuvent parfois être, comme des ennemis, des adversaires, et diviser. J'ai écrit en décembre 2012 un article qui avait pour titre « La communauté fragmentée ». Je crois que la communauté universitaire est profondément fragmentée, mais ajoutée à cette fragmentation, à cette mise en place de multiples barrières, une division dualiste, binaire, fondamentale, les bons, les mauvais, ce serait catastrophique. Je ne suis pas d'accord avec toi, Christian. Dire que le collègue, il est passé de l'autre côté, qu'un président d'université qui a fait deux mandats, c'est un manager, c'est plus un collègue. Pour moi, un enseignant-chercheur qui a accédé aux plus hautes responsabilités, je considère qu'il faut continuer à lui dire « t'es un enseignant-chercheur et parce que t'es un enseignant-chercheur, ce que tu as fait, c'est inadmissible. » Voilà. En raison même de son statut, de ce qu'il incarne. Bon. Il ne faut pas avoir mauvaise conscience d'être DU. Je rappelle quand même qu'un directeur d'unité est élu par ses pairs. Il me semble que la majorité sont élus. Dans les laboratoires, ils sont élus. Il n'y a pas de nomination s'il n'y a pas un vote en AG. Conseil de labo et AG. S'il y a des directeurs de labo qui ne sont pas élus, bon, il faut leur dire. Ils sont nommés. Moi, dans mon centre, quand j'ai démissionné, il y a une équipe qui s'est présentée et qui n'a pas été validée par le conseil de labo. Ils n'ont pas pris leur fonction. Le conseil de labo les a empêchés de... Donc, on en a cherché d'autres. Je termine simplement rapidement en disant que ce dualisme, les bons, les mauvais, on ne les trouve pas seulement au niveau des DU, mais on peut les rencontrer à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les personnels. Il y a des salauds tout en bas, hein, aussi. Alors la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces réformes ont fait de nous, collectivement ? C'est-à-dire tous les personnels. Je rencontre des situations de harcèlement qui ne sont pas dans le, du harcèlement par voie hiérarchique, mais à l'intérieur même, entre collègues. Un maître de conf, un prof... ou un personnel administratif et technique qui harcèle tout le service ou tout le labo ou une partie du labo ou une partie de la composante et qui n'a pas nécessairement des responsabilités, n'est pas un cadre intermédiaire ou un directeur. Et j'ajoute encore une chose, il y a des directeurs de laboratoire, des directeurs de composantes qui sont aujourd'hui dans des situations... Alors, on va me dire que c'est un discours inadmissible, humaniste, etc. Mais quand vous avez une directrice de composante qui se met à pleurer devant vous parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle fait l'objet d'une présomption de harcèlement et qu'elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait parce qu'elle-même est soumise à un stress absolument délirant, qu'elle fait 18 heures par jour depuis 2-3 ans et qu'elle n'en peut plus, bon, on commence à se rendre compte de la complexité des choses. Il y a des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs, des directeurs de laboratoire, des directeurs de composantes qui sont aujourd'hui en situation de grande souffrance. Et il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que c'est des DU ou des directeurs de composantes qu'on ne peut pas dire, qu'on n'aurait pas le droit de dire qu'il n'y a pas de souffrance pour eux. Ils sont souvent les auteurs, malgré eux, d'une souffrance parce qu'ils répercutent des consignes qui viennent du central, économie drastique à tous les niveaux. Alors, quand on a un budget à gérer, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'appliquer. Et là, on arrive à cette question : est-ce que je suis obligé d'appliquer ? Ou est-ce que je refuse d'appliquer ? De mon point de vue, il n'y aura aucune avancée possible dans un mouvement si on ne bloque pas. Il faut bloquer le système. Tant qu'on n'aura pas cette perspective et cet objectif, bloquer le système, il n'y aura pour moi aucune solution. Pascal ? Oui, moi je voulais justement réagir à ce débat autour des DU. Et ce que chacun, moi j'étais deux fois DU, je ne suis plus, donc je peux être libre de ma parole. Moi ce qui me semble, c'est que bon, c'est facile de dire les collègues, etc., parce que moi je vois dans différentes circonstances le fait que nous-mêmes comme individus, on participe à un certain nombre de choses. Moi, je me souviens qu'il y avait eu une contestation contre les PEDR. Pour moi, à l'époque, j'étais à Berlin. Donc, je me suis dit, bon, il y a un mouvement contre, je ne me présente pas. Alors, je dirigeais un labo à l'étranger, j'étais dans les quotas. Je pouvais facilement avoir ça au moment de faire, donc je ne me suis pas présentée. Et moyennant quoi, quand il y a eu les évaluations, après, quelques mois après, j'ai reçu des mails de collègues qui étaient critiques, disant, mais tu te rends compte, je n'ai pas eu la prime, etc. C'est un scandale. Donc, vous voyez, donc ici, on dénonce des choses auxquelles on participe nous-mêmes à différents types d'échelons. Et c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut critiquer les communes et plein d'autres réformes et puis répondre à un index ? Voilà, c'est une question que je me pose. En pratique, qu'est-ce qu'on fait dans ces réformes individuellement ? Parce que bon, si on dit les DU, les présidents d'université, mais il y a nous-mêmes dans ce propre système. C'est-à-dire que la machine vit grâce à nous, on l'a dit à plusieurs reprises, et bon, est-ce que notre position individuelle peut être suivie d'autres personnes ? Ça, c'est une vraie question qui nous engage tous les jours, parce qu'après, il y a les index, il y a les contrats... les contrats post-doc, les plus ficelles, qui entretiennent la précarité, le fait que l'argent va aux IDEX mais ne va pas à des postes permanents, donc qui entretient cette précarité. Moi, je suis dans un jury d'HDR bientôt. La personne a passé plus de 10 ans avec des bouts de contrat, avec des bouquins, des publications qui valent celles de n'importe quel professeur. Donc, qui ne peut même plus être recruté comme maître de compte, tellement cette personne est qualifiée. C'est dingue, en fait. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, bon, bah, on entretient nous-mêmes ce qu'on dénonce. Et pareil, dans les communes, il va y avoir des contrats doctoraux, bon, 4 qui vont arriver chez nous, par exemple. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on présente des gens, pas des gens? Est-ce que c'est... Bon, ainsi de suite. Et ça, je pense que ça renvoie aussi cette logique. C'est-à-dire que, bon, on renvoie à d'autres la responsabilité de choses sur lesquelles on doit nous-mêmes s'interroger, comme simple acteur de l'université, de ce qu'on demande, ce qu'on ne demande pas, et à réussir à mettre ça en lien, je pense que c'est très important. Mais ce que je vois, c'est que ce que disait Sylvie, c'est, et ce que j'avais essayé de dire aussi dans ma présentation, c'est très fort émiettement et responsabilisation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, à n'importe quel niveau de l'échelon, porte les réformes, c'est-à-dire c'est des collègues qui font, on l'avait bien vu la journée du 10 juin, c'est des collègues qui font appliquer à d'autres collègues les réformes en cours. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une opposition massive contre les réformes du gouvernement, bah en fait c'est contre le directeur du département, contre le DU, contre ci, contre ça, au lieu de s'opposer à la politique. Moi je vois actuellement, moi je suis au conseil du FR comme responsable de mon département, bah finalement on doit maintenant, puisque tout est décentralisé, on doit réfléchir nous-mêmes en concurrence avec d'autres UFA, parce que notre budget a baissé, comment on rénove et on repeint nos locaux. Et si on ne doit pas baisser le budget photocopie pour repeindre les locaux. Je ne sais pas si vous voyez. Bah donc, ça, c'est la logique de l'AE. Donc là, on est complètement dans la logique de l'AE, mais c'est le fait que du coup, on est dans des logiques très segmentées au sein même. Et si vous disiez, c'est que maintenant, c'est la concurrence au sein même de l'université. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit tu défends ton labo, tu défends ton département, soit les gens de ton département en crève, ils n'ont pas de ressources. Et voilà, donc on est dans un phénomène de spillover. Et je pense qu'on a la question de notre responsabilité individuelle avant de rejeter la faute sur nos collègues qui sont au même prix. Et tu l'as très bien dit, Pascal, dans ses propres réformes. Je veux dire, c'est une souffrance qu'on partage tous, quel que soit notre niveau, et encore plus quand on est au plus bas de l'échelle, quand on est personnel administratif, et sans doute aussi précaire avant tout, parce qu'on ne peut pas être dans le système. L'autre remarque, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'action? Refuser la prime d'excellence, etc. Moi, je suis OK, bon, why not? Le truc, c'est que je pense qu'il y a une réflexion sociologique à avoir sur la division du travail académique. On n'est pas égaux dans le monde académique, c'est-à-dire on ne se trouve pas tous de la même manière. Être en biologie ou être en médecine, ce n'est pas la même chose. On ne fait pas le même service, on n'a pas les mêmes salaires. Lorsqu'on est en droit, on peut avoir son cabinet privé à côté, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. Pour les doctorants, c'est pareil, ils peuvent avoir un autre job à côté. Il y a des types de financement, ce qui fait qu'on est dans un monde académique très divisé. Et moi, je suis persuadée que tant que les grosses masses d'étudiants avec les grands mandarins ne seront pas dans le mouvement parce qu'ils n'ont pas intérêt, nos mouvements, ils seront morts dans l'œuf. Hein. Je pense qu'on n'est pas au même niveau. On est dans des castes différentes de l'université. On n'a pas les mêmes salaires. Ce qui fait que d'être un jeune maître de conf qui arrive dans une discipline en littérature ou en SHS n'est pas dans la même situation de quelqu'un qui arrive éventuellement dans un domaine, par exemple, médical. Par exemple, c'est pas du tout la même chose, le rapport avec les labos, les autres financements, ce qui fait que d'arriver avec un salaire qui est bac plus, je sais pas quoi, 10, qu'on arrive enfin à avoir un boulot, avoir passé je sais pas combien d'années de précarité, financer chaque année des déplacements, des photocopies, enfin tout ce que ça coûte extrêmement cher, tous ces concours pour avoir enfin un job, on finit par avoir un job qui est juste au-dessus du revenu minimum en fait. Tout ça pour ça, quoi. Et être corvéable à merci, c'est-à-dire que les jeunes recrues vont carrément dans les grands amphis, gèrent les 600 copies ou 1000 copies qu'on a la chance d'être dans une fac de droit, et voilà. Bon, on se demande encore comment tout le monde y croit encore, parce que bon, il y a aussi l'investissement dans le métier qu'il faut reconnaître. Donc je pense qu'il y a aussi une question de nous responsabiliser nous-mêmes et nous responsabiliser avec nos collègues et voir qu'on n'est pas dans le même monde. Je voudrais... Parce que Sophie, je vais te redonner la parole pour que tu nous parles de la rencontre avec Vincent. Oui, mais il y en a qui veulent parler. Mais je voulais juste me donner la parole 2 minutes pour dire quand même que moi, je pense quand même que dans les évolutions, à la fois institutionnelles, mais également des modes de financement, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on préférerait qu'il y ait plus de financement récurrent et moins de financement sur projet. Donc, dans cette perspective-là, je trouve que les directeurs d'unité et même les UMR, il faut plutôt les défendre. C'est-à-dire que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est quand même une structure stable qu'on essaye dans la tourmente. Enfin, moi, c'est mon point de vue de défendre. Par contre, on a parlé des DU, mais à la tête des LABEX divers et variés, il y a aussi quand même des... Alors, bon, on ne va pas continuer à faire des procès. Ou... Mais quand même, il y a des collègues qui, effectivement, là, sont davantage en train de faire tourner la nouvelle machine, me semble-t-il, hein. Sans compter que, bon, moi j'ai TDU, j'ai jamais eu une prime, il y a des directeurs de la BEX qui ont des primes, hein, donc Ça, c'est, voilà, je crois que les DU, moi, je suis plutôt pour, bon, dans les circonstances qui sont celles qui sont, et dans cet entre-deux, entre la conscience qu'il y a des choses qui viennent d'en haut, mais qu'il y a quand même une chose publique à essayer de sauvegarder, je pense qu'il faut réfléchir à deux fois. Alors, il nous reste un quart d'heure. Il y a une ou deux... Oui. Ouais. Joël, ça a été... Tout ce que je voulais dire, parce que évidemment les choses tournent toujours autour des questions de stratégie. C'est là où on n'est éventuellement pas d'accord, on clive, on va être d'accord sur tout le reste, les analyses, la vie rêvée, asymptotiquement, mais sur la stratégie. Moi. Je me rappelle, au moment de la plénière du CNRS, donc tous les représentants devaient mettre des propositions d'action par rapport à un mouvement, ils mettaient ça dans une petite urne, etc. Bon, et donc, après toutes les discussions, à la fin, on commence à parler action, mais un peu trop tard, hein, comme d'habitude. Et donc là, à la tribune, il s'est passé quelque chose, un effet dialectique un peu curieux, c'est que les propositions qui étaient faites, qui avaient émergé de ces urnes, donc vraiment de la volonté, j'allais dire populaire, enfin en tout cas de ses représentants à la plénière, étaient des modes assez radicaux, à savoir démission des DU, on casse tous les ponts avec les strates d'en haut qui nous font leurs injonctions contradictoires, etc. On fait de la grève administrative, on était dans une radicalité qui émergeait de ses représentants. Alors après, on peut dire, ces représentants sont-ils légitimes, etc. Bon, enfin, c'était quand même les représentants du milieu CNRS, en tout cas. Et là, donc, il y a eu cette prise en compte de bah, voilà ce qui a émergé, mais bon, c'est un peu radical, etc. On va faire une marche. Et c'est Trottmann qui l'a proposé, et donc après, sur la marche. C'est absolument faux. Trottmann n'était pas à la discussion des actions. Donc Je l'ai vécu, j'étais dans la salle. Bah, moi aussi, j'étais largement sur la tribune. Je pense que c'est effectivement. Dans ce que je veux dire, c'est que ça pose un léger problème, c'est-à-dire que le milieu, à ce moment-là, était éventuellement disposé à faire des mesures assez radicales. Et on a eu un mouvement bon, différent qui a émergé. Mais, on va y arriver avec du retard. Oui, oui. Non, mais c'est une question de stratégie, de temporalité, etc. Bon, Moi, je voulais dire un mot, parce que juste un mot sur cette histoire de DU, pas DU, etc. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'opposer les bons, les mauvais collègues, etc. On n'est pas là pour discerner des labels de bon et de pas bon. En plus, je me sentirais bien incapable de faire ça. Je suis pas Dieu le Père, et ni la mère. Mais ce qui me semble quand même, c'est qu'il faut tenir compte quand même de l'histoire. L'histoire, elle a un sens. Moi, je me souviens qu'en 2004, quand même, je suis assez amère sur le mouvement 2004. C'est que, globalement quand même, ce qui se passe, qu'on essaye de mobiliser à tous les niveaux, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que dans une société qui est tellement hiérarchisée que quand un DU parle, c'est pas le même poids que quand moi je parle, je ne suis pas DU, ou quand le précaire du coin parle. Et moi, je me souviens quand même des AG de mobilisation de 2004. Et ce qui m'a beaucoup gênée, c'était ce qui avait pris le pas, même si ce n'était pas qu'un mouvement de DU, c'était le mouvement des DU, parce que c'est ça que la presse aimait, c'est ça que tout le monde aimait et qu'un certain nombre de gens voulaient valoriser. C'est que les précaires, les petits, les techniciens des labos, on en avait besoin pour les manifs, etc. Mais qui c'est qui décidait? C'était les DU réunis en assemblée plénière, et que dans les AG, tous les précaires, ils devaient aller travailler. C'est pas eux qu'on écoutait, on avait besoin que d'eux, que dans les manifs. Et on les a jamais écoutés. Et les gens d'en bas, on les a jamais écoutés. On avait besoin d'eux dans les manifs, on les mobilisait dans les manifs. Ils avaient l'accord de leur DU pour aller manifester. Et le reste du temps, il fallait faire le boulot. Hein. Enfin, c'est pas pour ça qu'on a perdu en 2004. Et ben, je pense que si on a perdu en 2004, c'est sur ce qu'on a laissé beaucoup trop la parole au chef. C'est comme si dans le milieu ouvrier, on demandait au MEDEF d'aller défendre les intérêts des ouvriers. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Bon, moi, je voudrais quand même dire quelque chose sur cette histoire des... Je voulais quand même qu'on finisse sur... Ah bon, pardon. Non, mais juste rapidement, moi, je trouve que c'est quand même, un plus ou quelque chose que moi, j'apprécie dans notre milieu. Que nos directeurs soient en moyenne des gens, des collègues, et qui me redevient la moyenne des collègues après avoir été directeur, je trouve que c'est quelque chose qui existe pas beaucoup d'ailleurs. Hein, bon, moi j'ai travaillé dans le privé avant, donc voilà. Et je vois pas pourquoi vous. Enfin, il faudrait absolument casser cette caractéristique. Non, c'est au contraire ça qu'il faut préserver. Mais qui a disparu ? Non, mais qui a disparu ? Excusez-nous, mais on voulait quand même donner la parole. Excusez-moi. Une note optimiste qu'on avait évoquée au début de la séance. Donc à la fois la rencontre avec Vincent Berger, puis donc la réunion de concertation, ce que tu peux nous... Voilà, donc la rencontre avec Vincent Berger, ça n'est pas une note optimiste. Non, je ne parlais pas de celle-là, c'était la réunion de concertation. Hein, donc ça, mais moi je dois dire que ça m'a effaré beaucoup plus que je pensais. Donc la rencontre avec Vincent Berger, mélanger donc en fait des gens qui sont dans ce qu'on appelle le comité de pilotage de la plénière des DU, c'est-à-dire les gens qui ont organisé concrètement la réunion du 24 septembre, qui n'a pas du tout été une prise de parole spontanée des DU, hein, qu'il a fallu aller chercher. Et encore maintenant, s'ils parlent, c'est beaucoup parce qu'on les interroge. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se mettent pas vraiment devant les caméras pour l'instant. Et donc, dans ce groupe de pilotage, il y avait donc Didier Châtenay, Frédéric Barras et Bruno Chaudret, qui est en même temps président du conseil scientifique et qui sont tous les trois DU, et Alain Trottmann et moi qui ne sommes pas DU, mais qui faisons une grande partie du boulot avec Didier Châtenay pour animer tout ça. Ce rendez-vous avait été, on l'avait donc depuis à peu près 3 semaines, on a donc essayé d'y présenter ce qu'il y avait dans le contenu de la lettre des DU, qu'il était censé avoir lu. On lui a apporté la nouvelle version qui a maintenant 830 noms et non plus 660. Et on a essayé de lui donner les résultats de cette consultation, donc dans lequel il y avait effectivement un quart de DU qui souhaitaient revenir vers leur labo pour dire ce qu'ils étaient prêts à faire. Un pourcentage plus petit, un pourcentage relativement faible, hein, de moins de 20% qui ne veulent ni démissionner, ni se mettre en grève administrative. Et puis après, tout une réflexion sur voilà, est-ce que la démission, la grève administrative, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est... Et puis on a un peu essayé de menacer Vincent Berger du fait que cette initiative n'était pas du tout isolée et que justement le lendemain on avait une réunion de concertation avec Science en Marche, avec les organisations syndicales qui depuis un moment signent en intersyndicale tous les appels à manifester, avec les précaires dont maintenant une certaine nombre sont arrivés là dans la salle qui sont en train de construire le réseau. Qu'est-ce que j'oublie? Avec certainement des gens importants. Pardon? Avec l'UNEF, mais pour moi l'UNEF compte dans les organisations syndicales, donc même si... il y avait bien sûr très important la CPCNU, les CS d'autres organismes, il y avait l'INRA, on aurait dû avoir l'INSERM, mais ils ne sont pas venus. Voilà, bon, ça n'a fait absolument ni chaud ni froid, je crois, à Vincent Berger. On a très peu abordé, nous, la question du doctorat et de la reconnaissance du doctorat, parce que depuis le début, et puis on a aussi pu aller voir Fioraso, on sait que là, au contraire, elle fait mousser tout ce qu'elle fait, donc ça ne nous paraissait pas très intéressant d'aller là-dessus. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il, vraiment, mais c'est exactement le même discours d'elle qu'elle, sauf qu'il a pris plus de... c'est plus agréable de discuter avec lui qu'avec elle, en gros. C'est... il n'y a aucune reconnaissance du problème. Mais vraiment pas. Il n'y a qu'un problème... c'est la courbe démographique qui fait qu'on va avoir du mal à créer des emplois de jeunes dans le temps qui vient. Mais c'est absolument tout. Rien sur le caractère catastrophique des modes de financement sur lesquels on est, rien sur la précarité, ni à l'université, ni dans les organismes et dans les laboratoires, rien sur les difficultés budgétaires des universités, il est allé jusqu'à nous dire le contraire. Alors, c'est lui qui était le plus critique, donc il nous a notamment vendu le fait que si les universités étaient dans cet état, c'était à cause de leurs propres pratiques, parce que les gens s'attribuaient des primes au lieu de créer des emplois. Que grosso modo, c'est le milieu qui est responsable de ce qui se passe. Hein ? Quoi ? Ah ben non, parce que maintenant l'autonomie... Non, maintenant l'autonomie des universités. L'autonomie des universités, il nous a dit, c'est moi-même, j'étais au début de cette loi, mais alors maintenant que ça s'est fait comme ça, on n'y peut plus rien. C'était effarant, mais c'était effarant. Et donc, absolument... Et au contraire, c'est... Rendez-vous à quel point vous avez de la chance, parce que nous montrons tous les autres. Donc le truc absolument indépassable, indiscutable, c'est nous avons 57% du PIB en dépenses publiques, donc ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible, on ne sait pas, mais ça n'est pas possible, donc il n'y a qu'un objectif, c'est ça. le CIR, mais pourquoi vous vous attaquez au CIR? Mais alors pourquoi pas vous attaquer au CIC autant que vous y êtes? Parce que c'est exactement la même chose si vous voulez prendre... Et c'est vrai. Et moi, je suis absolument d'accord. En plus, je m'en fous complètement. Et il a dit une chose merveilleuse. Il a dit le pacte de responsabilité est un élargissement du CIR. Donc, à partir de là, effectivement, on est dans cette logique. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis sortie vraiment profondément déprimée, d'où l'importance vraiment de monter en puissance beaucoup, parce que même si la presse s'amuse à répéter un peu ce que Science en Marche a pu faire, ça, pour l'instant, ça n'aura aucun effet. Donc, le soir même, il y a eu un début de discussion en AG, et le lendemain, il y avait une réunion, donc, dites surtout pas de coordination, parce que là, les syndicats ont un peu de mal avec le mot, donc de concertation. En essayant donc de mettre ensemble tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu bouger ces derniers mois et ou essayent de bouger, et en faisant aucune, pour moi, pour l'instant, de différence entre qui le fait bien et qui le fait pas bien, mais tous ceux qui ont envie de le faire. L'idée, pour l'instant, il y a des premières dates. Première date, tout de suite, le 12 novembre, François Hollande va à la Cité des Sciences et l'idée, c'est d'aller l'accueillir et que ça se passe le moins bien possible. C'est pas du tout top secret, ça circule partout. Ah bon? Ouais. On m'a dit hier qu'il fallait pas le dire. Alors, ça va être diffusé par tous les syndicats aujourd'hui. Non, au contraire. De toute façon, Furazo y sera, donc voilà. Ensuite, il y aura au CNESER où on va essayer d'aller faire aussi un mouvement de présence. Et il y a un texte qu'on est en train de finir d'écrire et qui sera lu au CNESER. Ensuite, il y aura essayer de repérer avec des organisations dans les universités autour des votes en CA des budgets de cette année pour essayer de faire en sorte que les AG, le plus possible, dépassent justement les frontières des laboratoires UMR déjà plutôt plus mobilisés et qu'on arrive bien à articuler à la fois les questions des étudiants, celles des UFR, celles des difficultés dans les UFR et celles des laboratoires. Nous, on va renvoyer donc demain au DU l'idée que, voilà, maintenant, puisque c'est plutôt la grève administrative qui monte, effectivement, il faut discuter concrètement qu'est-ce qu'on bloque, qu'est-ce que les DU refusent de signer, que ça soit le plus possible appuyé sur des décisions de laboratoire. Et il y aurait une journée d'action nationale le 11 décembre, avec aussi une partie, si possible, AG discussion, et une partie qui soit manifestation à Paris et on espère aussi dans les grandes villes. Voilà, ça irait vers ça. Mais surtout avec la certitude que ça va nous prendre des mois, parce qu'on n'a pas entamé quoi que ce soit dans leur certitude qu'ils ont mis en place un système qui fonctionne. Et le cerise sur le gâteau, c'est regarder le nombre de Nobel, regarder combien on est bien classé dans le classement de Shanghai et on monte tous les jours, et regarder que dans les ALS Papers, on est par les quatrièmes du monde. Donc où est le problème? Et sincèrement. Si je peux, que ça se voit. Ouais. Sophie, le problème, on a beaucoup parlé à travers les initiatives ce soir. J'ai pris quelques mots. Hein. Démocratie, on a parlé de mépris, les poulains, enfin tout ça, c'est des. Mais je veux dire, toutes ces initiatives qu'on essaye de mettre en place, c'est parce qu'on veut défendre quelque chose, c'est le savoir. Mais ces gens-là, le savoir, c'est pas leur objectif. C'est ça aussi qu'ils veulent tuer. Donc on se bat pour défendre un cadre. Mais, moi j'ai d'autres exemples, j'enseigne ailleurs et tout, les évolutions sont terribles, je veux dire, terribles. J'ai des étudiants là, aujourd'hui qui... on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais c'est ça en fait, c'est que nous on défend quelque chose qui... Ça n'a plus de sens pour ces gens-là, ça n'existe plus. Ils n'en ont rien à faire. L'accès libre, je crois qu'il y a quelqu'un qui... Je voudrais poser comme question, mais pourquoi ils ne comptent pas? Enfin, ils n'en ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils lâchent tout. Et ils n'entendent rien et ils ne voient rien. Il va falloir que l'on libère la salle. Vous ne voulez pas donner la parole à Camille parce qu'elle vous parle de ces juste. En fait, je ne suis pas du tout d'accord. C'est juste qu'il y a un moment. Il y a un vrai débat qui doit se faire au sein des chercheurs. Moi-même, je ne suis pas sûre d'être une collègue ou pas, puisque, étant précaire, je ne sais pas si je dois interpréter cet échec à me faire recruter au fait que je n'ai pas le niveau 2, hein, ce qui pourrait être. Je ne dirais pas. Ou à cause des... Donc c'est quand même très difficile pour nous tout, de se mobiliser et de parler un peu des galériens. Il y a aussi un débat qui doit se faire que je n'entends pas beaucoup, c'est ce qui se passe à l'intérieur et ce qui peut être changé en dehors des rapports avec le gouvernement, parce qu'il y a quand même des pratiques au niveau du recrutement, au niveau des rapports interpersonnels, etc., qui sont juste, je pense, qui vaudraient la peine d'être débattues en tout cas. Et en ce qui concerne le savoir, oui, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on défend dans un contexte où, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais pour moi ça a du sens. où il y a quand même un jeune qui vient de se faire grenader par des gendarmes, 43 Mexicains étudiants dont on ne retrouve pas les corps. Et pour moi, c'est la même chose là, ce qui se passe. Alors ça paraît très loin, je comprends. Mais je pense vraiment qu'il y a une capacité à mobiliser les gens sur le savoir et ce qu'on représente, la liberté de penser, une société qui se pense par elle-même, une façon aussi de définir un projet de vie, se former par la recherche, c'est pas devenir que chercheur, c'est aussi devenir capable à un moment d'avoir un projet, d'être un citoyen autonome. Ça va parler aux gens. Mais pour ça, je pense qu'il faut aussi qu'on discute entre nous de quel métier fait-on. Il y a des temps pour tout dans les débats, donc il y a les questions de statut, tout ça. Mais ce débat doit apparaître, je pense. On aura des séances avec des comparaisons avec d'autres métiers qui nous permettront peut-être aussi d'aller dans ce sens-là. Normalement, on doit vraiment libérer la salle, peut-être de musique. Voilà. Juste une idée, une proposition d'action qui part sur ce constat du savoir. Que dites-vous de, par exemple, proposer une marche de la fierté du savoir et de la culture avec nos collègues de la culture, ce qui se font exactement de la même façon. C'est exactement le même problème. Et si bien, peut-être le gouvernement n'a rien à faire, il ne peut pas se permettre de voir ce genre de manifestation. C'est sûr qu'ils ont peur d'un moment. Oui, on appelait ça l'inutile pride. Ouais. Mais, merci pour cette idée.